Then we can. Bienvenue dans la fucking kermesse. Bonsoir à tous, c'est la fucking kermesse numéro 19. Yes. On aurait aussi pu s'appeler les zombies cyclettes pour faire le tour de France Gall, mais on n'est pas 80 jours devant nous. Oh. Bonsoir bien sûr à Savigny-sur-Orge où on enregistre ce soir. Merci au maire de la commune de nous avoir passé les clés de la salle des fêtes de champignon fou. Voilà, merci. Donc ce soir, qu'il y a autour de la table, il y a le fameux Steven. Et oui, toujours, bonjour. Steven, bonjour, Manette, Steven. Le DJ de la fucking kermesse. Exactement. Le disque jockey. Le prompteur. Bonsoir aussi à JD qu'on vient d'entendre, mais qu'est-ce qu'il fait là? Yes, bah, je suis de retour. Yes, aïe, JD revient. Ouais, bah. je suis là, je pose mes couilles, les couilles de mon père. ça rend Marcel Pagnol, ça, je crois. Les couilles de mon père. Ouais, il y a des suites, mais je te laisse imaginer. Oui, ok. Bah, JD, là, vous l'avez reconnu. Hein, toujours avec son style, avec sa grande classe. Sa gouaille. Et il y a enfin Zassa qui nous fait plaisir de revenir dans la fucking kermesse, bien sûr. Bonsoir. Le retour d'Aladin. Ça va? Mais très bien, très bien. Pas du tout content d'être là. Ah bah ça fait plaisir. Bah, si, ça casse les couilles, hein, mais comme d'habitude. Les couilles de son père. Les couilles de son père. Très bien. Eh bien, moi c'est Stavrogin, hein, enchanté. Ah oui, c'est Stavrogin. Non, parce que personne ne me présente jamais. Bah oui, c'est toi le présentateur. Eh bien, ça tombe bien qu'il fasse ce petit bruit, ce petit gémissement, ces caractéristiques de ce dont on va parler ce soir, puisqu'on parle des zombies, hein, les zombards, comme dit JD. Brains. C'est vrai que c'est J2 est seul à dire les zombards. Le seul en France à dire les zombards. Ouais, j'aime bien zombards, c'est pas mal. Et donc on parle des zombies, les zombies par-ci, les zombies par-là. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Steven, on fait quoi? Il y a des petites chroniques, il y a un quiz, une vie Patrick organisée par Zassa. Il fait quoi Patrick cette semaine, Zassa? Patrick veut devenir fonctionnaire cette semaine. Ah, nickel. Beaucoup de morceaux de vraie expérience dedans. Parce que Zassa est fonctionnaire. Des moments difficiles. On en parlera plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a donc un quiz. Fait par Steven, parce que je suis, comme qui dirait, puni de quiz, hein, oui. après le quiz de la FK 18. Après la purge. On a voulu vous éviter une redite du quiz qui était bien, bien dramatique. Ah, il y a eu. Ouais, c'était un scandale. Je suis un peu le Icar de la rigolade. Je me suis cru trop beau, trop grand, que je pouvais faire des quiz en 10 minutes. Et j'ai brûlé. Hein, j'ai brûlé en public. Comme Jeanne d'Arc, voilà. Et c'est triste. Du coup, on est presque au 1er mai, c'est presque à table. On m'a enlevé le quiz des mains et je comprends. Mais je ferai une règle 34. Elle revient, et cette chronique maudite qui n'est pas venue depuis bien longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une règle 34. Ouais, ah, et bien là, c'était pas dommage, mais. Bon. Ah bah là, on va parler de porno zombie, dire ça va être bien. Ça va être bien. Nécessairement. Et surtout, qui dit JD? Voilà. Dit Ali Finkielkraut, hein, bien sûr. Bah, Ali va revenir et va essayer de vous faire rire. Voilà, ah, bah. ça sent la motivation. Ouh, ouais, c'était terrible, j'ai essayé de faire une. On a bien envie. Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Agbaba. Non, c'est pas ça. Ali Agraba, oui. Non, c'est Ali Agbaba. C'est Ali Agbaba. Oui, Ali Agbaba. Agraba, c'est la ville. C'est la ville. Ok, autant pour moi, eh bien, on fera une fucking kermesse sur Aladdin très bientôt, de toute façon, vous inquiétez ça pas. Bien. Avec Aladdin en guest star. Avec Aladdin en guest star, on se rappelle. Ouais. On se souvient que dans la FK16, Zassa nous a avoué que sa mère devait l'appeler Aladdin. Calmez-vous. Voilà, c'est bien mais de le rappeler. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Calmez-vous. Oui, c'est voilà. Vrai. Putain, merde, il fait des blagues sur mon père depuis tout à l'heure, mais putain. Bref, après avoir évoqué les goûts douteux de la mère de Zassa, on peut maintenant. Le goût douteux de la mère de Zassa, putain, j'ai pas compris. Ah, ça, je te laisserai seul juge, hein, bien sûr. Je voudrais ajouter juste vite fait, merci aux tweetos, comme on dit sur TF1. Pour les retours apportés sur la FK18, même si vous avez globalement dit que c'était un peu de la merde. Et on est d'accord avec vous. Voilà, sachez qu'on est d'accord et que ça nous fait plaisir que vous reconnaissiez que quand on fait de la merde. Et si vous êtes encore là après avoir écouté la dernière, on vous remercie quand même beaucoup. Voilà, et on va. C'est la FK de la rédemption, les amis. Tels les zombies, on va renaître de nos cendres. Non, bah non, du coup non. Ouais, bah c'est pareil. Dark, c'est ouais. Les bah, heureusement qu'on a une partie définition. les zombies. Les zombies. C'est vous que les zombies c'était. Non, les zombies, mais j'arrivais pas à faire le lien. Bref, on va commencer habituellement par un petit roule-plateau pour se mettre en jambes. Et puis d'ailleurs, je dis mettre en jambes, JD me fait du pied en même temps, c'est parfait. Quelle belle transition sensorielle pour passer au roule-plateau. Alors, qui va parler de quoi cette semaine? J'ai même fait la petite pause pour le jingle, ça s'est pas entendu parce que c'est la post-prod, mais je deviens de plus en plus pro, je me kiffe. Alors, tu parles toujours aussi lentement par contre. Eh bien, ça c'est le petit côté hanounesque en moi. D'ailleurs, si tu parles un peu trop, j'envoie Gilles Verdez dans ta loge, donc fais bien attention. D'ailleurs, bien sûr, toutes nos pensées vont aussi à Gilles Verdez. Hein. Quel triste moment pour la France. Je crois que t'es tout seul à comprendre de quoi un tu attentat, parles. Un grand homme, un grand homme. C'est vrai que la France s'est arrêtée pendant une soirée. La plus grande polémique. Mais putain. Oui. Mais je suis le nouveau en septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah, ben, il s'est passé que comment il s'appelle ce Joe Star a mis une petite claque à Gilles Verdez. Et vu qu'il a des bagues, il a saigné Gilles Verdez. Et mais ça, Gilles c'est Verdez, pas acceptable. C'est le... Ça a été pris pour une grosse patate. C'est le chroniqueur sport de ITL, non? Quoi? Ah bon? Non, je crois pas. Non, c'est un chroniqueur à la con de Hanouna. Et... D'accord. Et okay. On s'en bat les couilles, mais il y a eu genre 300 articles dans la soirée quand ça arrive. Ah ouais. Donc vraiment c'est beaucoup de bruit pour rien, comme disait Shakespeare. J'adore Shakespeare. Ouais. Du donc coup... merci Stavro pour ton roule-plateau. Non, c'est pas ça mon roule-plateau, mais on va d'abord commencer par celui de JD parce qu'il revient, autant lui faire honneur. JD, tu parles ah, de quoi toi par moi. Alors... J2, pardon, J2, JD, c'est pareil. On se souvient ouais, que JD. Dans la première où il était là, la FK2, son roule-plateau était mémorable. J'avais fait un roule-plateau à Baldaquin. C'est normal qu'il commence aujourd'hui, quoi. C'est vrai. Donc, non, mais le là, je vais essayer d'être un peu plus court. En fait, je voulais parler, moi, de la. Bah, vous connaissez tous Hearthstone. Oui, on en a certains plus que d'autres connaissent Hearthstone. Oui, il y en a qui ont. Parce plus que, alors, juste, moi, je profite directement pour faire une petite polémique. Alors, direct, toi. Dans la FK numéro 1, justement, là, on est un peu en retour en arrière, c'est génial, c'est bien, c'est la FK à 2 ans, donc big up à nous. La FK numéro 1, où j'avais parlé de Hearthstone et on m'avait dit, oui, t'as dépensé 20€ dans le jeu, t'es vraiment une sacrée merde. J'aimerais savoir autour de la table, combien d'euros vous dépensez chacun dans Hearthstone? Moi, 0. Moi, ouais. 20. Zassa? Zassa. Moi, je ne sais plus. 50. Je sais pour lui. Il l'a annoncé en pré-production. Et le meilleur pour la fin. Non, moi j'ai claqué au moins 100 balles. Ouais, c'est vrai. Tu m'as dit. Au bar, t'as dit 200. Non, écoute. Ah, dans les milieux, on dit 200. Non, je pense que j'ai claqué à peu près 100 balles. Mais en est-ce qu'il vaut 100 balles ce jeu? Eh ben oui, en fait, je pense que c'est vraiment un bon jeu. Moi j'ai beaucoup joué à Magic quand j'étais petit. Quand j'étais jeune. Parce que t'avais pas de copine. À une grande époque. C'est vrai que j'avais pas de meuf, j'étais gros et tout. Et Bon, ça veut rien dire ça. Instant gênant. Non, mais parce que souvent les joueurs Magic sont roux. Est-ce que t'as appelé le bolos blanc aux yeux bleus? Bah non, je sais. Ah non, c'est Yu-Gi-Oh! Oui, mais allez, ferme là. C'est des jeux de cartes, c'est la même chose. Est-ce qu'on t'appelait l'atout? Voilà, l'excuse, le 21. Bon, bref, oui, allez. Le mec est parti sur le tarot, il n'y a aucun rapport. Oui, donc je reviens à Hearthstone. En fait, je voulais juste parler de la mage qu'il y a eu. En fait, c'est une grosse mise à jour. Ouais. Une nouvelle extension, en fait, qui est sortie. Mmh. Et en fait, pourquoi je voulais en parler? C'est parce que ça va peut-être nous intéresser un peu, puisque comme on parle des zombies, on va parler un peu de Lovecraft. Et vous savez que moi, j'aime beaucoup Lovecraft. Pas, j'en avais déjà. Pas bon de Lovecraft aujourd'hui. Non, mais on en parlera un peu. Parce que, non, mais JD en parlera, en fait. Bah, j'en parlerai, mais parce que ça fait partie un peu des inspirations, quand même, du zombie, puisque Lovecraft a écrit un roman. Qui parle des zombies avant, Lovecraft. Bien avant World of Lovecraft, ouais. Bien avant que Romero fasse ce film. Et en fait, du coup, je voulais juste dire que la mage de Hearthstone, qui est quand même, enfin, Jaina. Quoi? Mais ça m'a fait l'impression. Le petit jeu de mots, mage, mise à jour, mage, magicien. Putain, il est fort. Oui. Et tout ça. Donc tout ça pour dire que cette mise à jour est quand même vraiment cool, surtout pour donc. Mais il y rajoute quoi? Les fans qui connaissent Lovecraft en fait verront des références explicites à l'univers de Lovecraft. Il y a notamment Cthulhu, mais qui s'appelle pas Cthulhu, mais qui s'appelle Cthun dans le jeu. Cthun. Cthun. Et enfin avec un C'apostrophe T. Non. Et c'est assez cool en fait pour les fans de Lovecraft. Donc il y a des cartes Lovecraftiennes dans Hearthstone et tu es content. Je trouve ça vraiment cool parce qu'en fait, ça fait connaître. Je vais dire une phrase que t'as dit depuis 2 minutes. Oui, mais ferme ta gueule. Ce qui est cool, c'est que ça fait vraiment découvrir l'univers de Lovecraft, à mon avis, à des gens qui ne connaissent pas. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, bien sûr, dans Lovecraft, en fait, il n'y a pas de. C'est des romans, hein, et il n'y a pas de. De cartes. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de. Et en fait, malgré tout, on reconnaît tout de suite l'univers Lovecraft. Et en fait, c'est une référence, je pense, des concepteurs d'Hearthstone à aussi à un des grands jeux de rôle des années 80. L'appel de Cthulhu, donc qui a été en fait lui qui était abondamment suite à la pioche de Cthulhu qui était abondamment illustré et jeu de cartes abondamment illustré par c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux en fait, on connaît l'univers du Seigneur des Anneaux grâce aux illustrations que d'ailleurs je sais plus comment il s'appelle a fait autour de Patrick Chianti je crois. Mais ne t'endors pas en fait, écoute-moi. Ah oui, pardon. Et bref, donc voilà, non, c'était juste pour dire que je trouve que c'est bien, Lovecraft c'est bien. Je trouve que c'est une bonne. Les deux ensemble, c'est bien. Mais surtout que dans leur dernière mise à jour avec les gobelins, c'est plus en mode mecha et tout ça. Donc, ouais, mais la, y a bah, beaucoup ça fait déjà deux ans fait. La mise à jour avec moi, les mechas. Voilà. Mais il y a beaucoup d'ambiances différentes à chaque carte rajoutée, du coup. Est-ce que, alors, est-ce qu'il y a une cohérence maintenant entre tous les decks? Ou est-ce que c'est pas t'as un Cthulhu, t'as un mecha gobelin, t'as une magicienne? C'est pas un peu bizarre, du coup, maintenant qu'ils rajoutent toutes les cartes? Non, c'est assez cohérent parce qu'en fait, ils ont fait, alors avec la nouvelle mise à jour, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils, du coup, ils ont inventé ce qu'ils appellent le format standard. Ça existait déjà dans Magic. Il y a des cartes qui sont maintenant limitées, voire interdites dans le format standard. Tu peux jouer avec toutes les cartes format libre et tu peux jouer au format standard avec des limitations de cartes. Ça doit être le format voilà. classé, j'imagine, du coup. Et du coup, qui est le nouveau format classé. Okay. Et c'est assez intéressant parce que tu as vraiment des cartes très très puissantes. Mais moi, je voulais juste en parler pour le clin d'œil à Lovecraft et qui fait découvrir à des nouvelles générations tout un univers qui, à mon avis, est fort intéressant pour connaître les origines de la fantasy et de la science-fiction. Voilà. Merci J2, merci, big up à toi qui joue encore Hearthstone en 2016, c'est honorable. C'est honorable, bravo. Bravo. De rien. Tu joues plus du tout, toi, Star Wars ? Non. Moi, j'ai arrêté aussi. Mais en fait, voilà, le souci d'Hearthstone, c'est que si tu lâches, genre, 6 mois, il y a 200 nouvelles cartes. Tu comprends plus rien au metagame et ton deck il est pété, que t'as mis un an à faire, voir c'est roulé. Oui, de toute façon, il faut faire au moins une partie par jour. Il y a un nouveau jeu qui se lance et qui va sûrement concurrencer Hearthstone qui s'appelle Duelist, peut-être que j'en parlerai plus tard. Mais qui a l'air vachement bien et qui va sûrement concurrencer le Hearthstone. Non, ça serait pas le premier à essayer. En tout ouais, cas. Mais là, c'est des anciens de Blizzard qui s'y sont mis. Donc ah, vont... j'ai l'impression que, ouais, qu'on a déjà dit ça on a dans le cas quelque part. Mais il y a beaucoup de jeux, de la version Elder Scrolls de Hearthstone. Ouais, il y a déjà un concurrent. Tu parles plutôt de Scrolls qui n'est pas du tout en rapport avec Elder Scrolls. Il n'y a pas eu de jeu de cartes Elder Scrolls. Si. Non, ça s'appelait Scrolls, mais c'était fait par Mojang des mecs de Minecraft. Bref. Non, mais il y a déjà un jeu qui concurrence Hearthstone, c'est Duels of Champions, et qui effectivement les. Ça c'est Heroes of Might and Magic, ouais, mais c'est pas très. Ouais, c'est bien. Si en fait, enfin les. J'ai joué aussi, c'est pas mal. J'aurais pas dû poser cette question. Que les vrais fans de Magic-like. Depuis les années 90, en fait, ils sont plutôt, enfin, les gros hardcore gamers, ils sont plutôt sur Duel of the Champions que c'est un peu sur plus poussé. C'est ça, c'est moins mainstream. Bref, merci beaucoup. Des cartes en voiture, voilà, des châteaux de cartes, tout ce qu'on aime. Et toi, Zaza, tu parles de quoi ? Moi. Et bien sûr, on retrouve dans son podcast spécial Hearthstone, puissance cartes. Merci. Donc moi, je voulais vous parler d'une découverte qui apparemment n'est pas une découverte autour de cette table par rapport aux discussions qu'on a pu avoir avant. C'est les brigandes. Ah, les brigandes. Les brigandes. Donc moi, j'ai un éclaireur YouTube, du coup, Fabien Dédicace, qui m'a montré ces vidéos. C'est assez fantastique, enfin, je trouve. C'est donc un groupe de musique d'extrême droite, enfin, ils sont à l'extrême droite de l'extrême droite, et qui passe tout son répertoire à de femmes, hein. Taper sur le nouvel ordre mondial, les arabes, les étrangers, le pape, c'est assez fantastique. Les juifs. Mais tout ça en chanson, de façon très entraînante, avec des petits airs sympathiques. Et les clips sont complètement dingues. Ah oui, c'est magique. Elles sont toujours masquées. Elles sont dans le futur grave. Ouais. Ah oui, il y a des. Des big gooden clandestines. Et c'est très malsain. C'est entre très malaisant. Le futur et le passé grave. Ouais, on dirait. Passé, en fait, on dirait du charme en clip c'est vidéo. C'est un peu quoi. Bizarre. Non mais du coup voilà, elles sont là avec leur petite tête de mignonnette en train de t'expliquer que les arabes c'est pas bien et que la France éternelle sera toujours là pour nous enculer. C'est ça qui est rigolo, c'est l'extrême droite de tradi quoi, en mode mythe monarchiste intégriste, enfin c'est fou quoi. Oui mais chez les Teletubbies. C'est Le Pen chez les Teletubbies. C'est pas Le Pen, justement, c'est Rivarol plutôt, tu vois. Ouais, c'est le stade au-dessus. Moi j'avais noté du coup des punchlines assez génial, dont une où il, dans le tango du Bidas. Le tango du Bidas, tango exactement. Du Bidas. Où il parle donc d'un bon français qui veut son jambon beurre et sa bière jupilaire, mais qui se fait agresser par un kebab, par un arabe qui veut lui refonger un kebab. Et c'est assez génial. Notamment, c'était un jour de ramadan, à 10 contre 1 courageusement. Ils ont fait la fête aux chrétiens, ils ont sauté sur le bif. Ah, ouais. Moi, ça me rappelle Poitiers, tout ça. Ça c'est beau. Ça te rappelle Poitiers. Bah mon père surtout, il était là. Mon père. Ouais, donc belle découverte. Ah oui, tout, c'est... tout ce que t'avais à dire. Bah, sur les brigands. Mais alors il faut savoir parce que ouais, voilà, il y a eu une polémique. Ça a fait polémique. Fin avril, il y a eu un petit souci dans l'extrême droite. Il y a eu du rififi. Ouais, alors mais justement, on parlait de Rivarol. Je crois que c'est des journalistes de Rivarol qui ont mené un petit peu l'enquête. Du rififi pour elles les barbouilles. Elles étaient vachement adulées par toutes ces droites radicales. Civitas, le GUD et compagnie, parce que habituellement les musiques qui portaient ces valeurs-là, on va dire, ou ces conceptions politiques, c'était le rock chrétien. Non, pas le rock chrétien, ouais, justement. Les chrétiens, ils sont pas hardcore comme ça. Ils sont pas forcément racistes. Le gros rock si. Du. T'as déjà vu un noir dans un rock chrétien ? Oui. Le rock. Pas moi. Judas. Le rock. n'importe quoi. Mais, genre le mec qui a fait un rap sur enfin genre du reggaeton sur genre ouais il faut pas avorter machin etc. C'était un rappeur chrétien, oui, oui, c'était un black. Non mais alors là c'est ils avaient c'est pas trop le tout. Ils avaient pas trop ça, ils avaient plutôt les tu sais les musiques genre Légion 88 et tout. Le gros rock qui tire sur le punk et qui est un peu voilà. Jésus. Mais non, bon, mais non, mais pas forcément Jésus. C'était les bougnoules là. Ouais, c'était plus ça. Hein, voilà, mets-toi dans l'ambiance. Mais ah, Jésus, du coup, ils avaient un truc un peu pop, parce que c'est un peu pop, on sait pas trop ce que c'est, pop médiéval, on va dire, les brigandes. Sauf que les Civitas ont dit, bon, peut-être en fait on va annuler votre concert, parce qu'elle commence à taper sur le pape. Et elle commence à taper sévère sur les jésuites. Et donc, des journalistes de Rivarol ont mené un petit peu l'enquête. Et il s'avère qu'elles viennent d'une secte complètement chelou, menée par une sorte de gourou vieux et en peignoir. Elles vivent toutes dans une sorte de grande maison en Auvergne, je sais pas où. C'est Hugh Hefner qui gère les brigands. Et elles sont plusieurs dans une sorte de communauté où il y a plein d'enfants et un vieux. Ce qui est bizarre, c'est que ce qui me fait halluciner, c'est le côté parce que elle-même, elle dénonce justement le côté sectaire, maçonnique, etc. Et puis il s'avère qu'en fait, c'est elle-même des sectes. Ouais, c'est des sectes. Ouais. Et puis qu'en fait, elles viennent carrément d'une secte de dénoncer les autres sectes. Oui, mais c'est marrant justement. Et elles viennent d'une secte en fait qui est contre le pape parce que. Elles viennent d'une secte qui est contre le pape parce que le pape est jésuite et en fait les jésuites c'est un peu le mal parce qu'en fait ils sont pas assez radicaux. En gros c'est ça. Et ils sont trop sympas. Elles considèrent en fait que le pape c'est... alors ça c'est un courant dans les droites radicales où on considère que le pape c'est pas vraiment le pape et que depuis en gros depuis Vatican II donc les années 60 le Vatican est dirigé par des démons. Mais vraiment, c'est des vacantistes pensent que le Vatican est dirigé par des démons. Alors elles font partie de ça et elles sont dans des sectes limite en fait presque anti-chrétiennes au final. Donc les Civitas sont dit peut-être anti-universalistes en fait. On vous invite pas trop. Et mais puis Rivarol a commencé notre à dire. Soutien. Parce que le hashtag ça serait super relou, ce serait je suis jésuite. Non. Ah là, ouais. Ça serait compliqué. Ouais, c'est une belle blague. Ouais. Ça me fait plaisir. Tu devrais breveter des t-shirts. Je suis jésuite. Moi, je l'ai pas pour Royal. Donc, ouais, les brigandes, les brigandes, ça commence à faire polémique. Même les droites radicales qui les portaient commencent à dire non, peut-être. Et moi, finalement, elles me font un peu de la peine. Ce que je veux dire, c'est que il faut quand même être arrivé vraiment, vraiment bas pour faire de la musique de merde à ce point et pour pouvoir. Enfin, je veux dire, collabo. Tu te dis au bout du compte, quand même, si elles font ça, c'est que. Journalop. L'extrême droite de merde, comme ça, enfin. Elle a pas beaucoup de puissance et elle arrive à se faire ce genre de truc quoi. Ouais, enfin, je me dis les pauvres ils sont quand même au bout du rouleau quoi pour faire ah des oui, trucs comme ça. Ah oui, là c'est la fin. Il me semble pas si puissant que ça. Ah, de toute façon, une bonne canicule et puis Rivarol hein. C'est clair. Oh, tu sais, je suis pas sûr de ça. Et toi Steven, ton petit roule-plateau c'est quoi? Alors moi ça va être assez rapide, je vais vous parler d'un roman parce que merde. Le mec. D'un roman de Jules Verne intéressant qui s'appelle Paris au XXe siècle. Alors, il fait pas partie des romans les plus connus de Jules Verne parce que il a été refusé par son éditeur et il a été retrouvé qu'en 1994, donc un peu plus de 100 ans après l'écriture. Alors, au niveau, je l'ai lu assez récemment. Au niveau narratif et tout, c'est pas génial. C'est un roman de jeunesse. C'est pas super bien écrit. Il y a des. Bon, déjà que Jules Verne, c'est pas très bien écrit. Voilà. Véronique Jeunesse, c'est ça? Quoi? C'est un roman de Véronique Jeunesse, t'as dit? J'ai pas compris la blague. C'est pas grave, les ouais. Ont... Ah, de jeunesse. Ah oui, merde. Si. Donc, ok. C'est dans l'humour, les gars. J'appelle le jambon de Paris, Hertha. Non, d'accord. Ah ouais, non, ça va trop loin, les gars. Elle a pas donc, fait de la. C'est un roman de jeunesse où. Mais si. Jules Verne imagine le Paris dans les années 60. Mais pourquoi je parle de ce roman? Il est assez intéressant. Je suis assez contre habituellement de voir Jules Verne comme un visionnaire puisqu'il ne fait, ça a été souvent dit, que reprendre en fait des inventions qui existaient déjà, les pousser un petit peu plus loin ou les imaginer dans un cadre un peu plus imaginaire. Mais dans Paris au XXe siècle, c'est quand même assez visionnaire puisqu'il imagine que la littérature a complètement disparu de la culture. En gros, on suit un jeune poète qui fait du latin, mais qui a Twitter maintenant, qui fait du latin et de la poésie et qui est considéré comme une merde par sa société parce que la société ne jure que par la finance et la science industrielle, évidemment. C'est mon histoire un petit peu. Et donc la science industrielle et la finance ont tout contrôlé. La littérature est tombée en désuétude. Plus personne ne sait qui est Victor Hugo. Le roman est quand même assez intéressant sur cette vision très très comment dire, cynique du progrès. Et on a tendance à faire de Jules Verne un grand chantre du progrès qui dirait le progrès c'est trop bien, la science, tout ça. Ouais. Et là, il nous montre que en fait, le progrès scientifique nous mène à une société complètement mécanique avec plus aucune compassion pour les pauvres, plus de littérature. Qu'est-ce qu'il y a dans les décalages? Parce que souvent, ce qui est intéressant dans les trucs de science-fiction, c'est un peu ce que les mecs ont pu imaginer et qui, en fait, c'est pas réalisé. Et qui dit beaucoup alors, plus sur la époque. Il y en a beaucoup, ils imaginent notamment la politique reste à peu près. Il reste à peu près la même, sauf que tout est dirigé vers la finance. En même temps, bon, ça, c'est pas trop. C'est pas faux. Trop faux. Hein. Non, c'est mais pas faux. Globalement, en fait, j'ai trouvé le roman assez visionnaire par rapport à ceux habituellement de Jules Verne. Ça me fait penser à. Vous avez vu l'article qui a été publié par Libération il y a pas longtemps sur SFR? Parce qu'en non. En fait maintenant les abonnés à SFR peuvent se faire offrir Libération, enfin un abonnement Libération ah bon avec leur abonnement. Et ils ont publié un article, je vous le recommande, qui est assez intéressant, où les mecs ils prennent un point de vue comme si on était dans une époque où le journaliste le métier de journaliste était complètement obsolète et le journalisme était complètement révolu. Et ils développent tout l'article comme ça en disant voilà, nous à notre époque, on était des journalistes, on faisait un journal qui était lu par des gens qui prenaient 30 minutes pour lire le journal, qui s'investissaient là-dedans. Et maintenant, on est à l'époque de Twitter, de BuzzFeed et tout le monde s'en bat les couilles. Et notre journal, il est offert dans un abonnement SFR, quoi. Et ah oui, d'accord. Oui. C'est assez badant à lire. Enfin, je vous le recommande. Ok. C'est assez intéressant. Et donc, pour finir, dites-nous si ça vous intéresse le sujet de Jules Verne, parce que entre nous, c'est un sujet qu'on. Jules Verne, à mon avis, ça peut être un très bon sujet de FK. Il y a énormément de romans. Sur Jules Verne en général. Sur Jules Verne, il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot parce qu'il y a une soixantaine de bouquins, mais. Et après, dans les anticipations et les dystopies, on avait aussi Asimov dans les tiroirs. Ouais. Et donc, pour finir juste sur Paris au XXe siècle, ce qui est assez rigolo, c'est que son auditeur l'a avant tout refusé parce que d'une, c'était pas crédible, donc c'est assez rigolo, oui. Et deux, il y avait des trucs un peu que l'éditeur trouvait un peu vulgaires, notamment dans un chapitre, Jules Verne imagine les œuvres d'art du XXe siècle, notamment un truc je crois que justement il cible Courbet parce qu'il aimait pas trop Courbet, où Courbet a fait un truc qu'on pourrait appeler une performance aujourd'hui. Où il chie contre un mur. Donc ça, l'éditeur a dit, c'est n'importe quoi. Sauf que toutes les performances des années 60, on a des trucs avec des gens qui chient contre les murs. Quoi. Donc c'est assez beau. Et il a refusé aussi pour une œuvre qui s'appelait... je crois que c'était un roman ou un truc comme ça qui s'appelait « Déboutonne donc ton pantalon ». Donc le mec a trouvé que c'était super vulgaire. Et du coup, il a refusé le roman. La biographie du père de JD. Putain, tellement facile. Et donc aujourd'hui, ce roman... C'est la préface des coups de mon père. Ce roman... Vous pouvez acheter ce roman pour 4 euros dans n'importe quelle bonne librairie. C'est intéressant, c'est pas un grand roman, mais au niveau anticipation, il est assez pertinent. Ce serait cool que les gens nous disent entre Asimov et Jules Verne ce qu'ils préféreraient en fait. On fera un petit sondage Twitter. On fera les deux pour la 50e. On fera un Asimov versus Jules Verne. Un versus, ouais. Ouh, ça serait le bordel. Ça fait 6 fois plus de travail. Beaucoup trop de préparation. Ça ferait une FK18 bis quoi. Ouais. Ouais. Voilà, moi j'ai terminé. On termine le roule-plateau avec ma personne propre. Propre, bah ça serait rare. Hein. Ouais, c'est rare. Ah, c'est ça le replateau. En fait, il s'est lavé aujourd'hui. Ah non. Mais n'en parlons pas. Je parle du film qui sort ce mois de mai en France, qui s'appelle Ah merde, je me souviens même pas du nom du film. Le film où Jean Dujardin incarne un nain qui veut baiser Virginie Efira. Un homme à la hauteur. Merci beaucoup. Ah d'ailleurs, ils ont fait une super campagne d'affichage dans le métro. Je sais pas si vous avez vu. Ils ont mis, tu sais, les trucs tournants là, parisiens. Cliché là. Les trucs d'affiches parisiens, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, non. Ils en ont fait un petit avec Jean Dujardin qui regarde la meuf d'en haut. Et donc, du coup, ça fait deux affiches, une affiche petite, une affiche grande, et je trouve ça assez cool. Oh, au niveau c'est de la... malin! Et bien, ah, ce qui n'est pas très malin, c'est que Jean Dujardin joue un nain, et Jean Dujardin n'est pas nain. Et moi, oh, je trouve la ça polémique. Scandaleux! Scandaleux! On va polémiquer, je le dis, monsieur. J'ai une fascination pour les nains assez malsaine, ok, bon, importe, on a parlé dans la FK numéro 3 sur les nains. Mais quand même, il y a des limites à tout, je trouve ça pas normal qu'on prenne un homme de taille normale pour jouer un parce nain. Parce que c'est pas un nain. Je suis d'accord, mais est-ce qu'on a un bon acteur nain français? Et ben, on a qu'à aller chercher, faire des castings, ça sert à ça. C'est pas un bon acteur. Non mais c'est pas la question, oui, en fait. Ça reste à prouver. Et surtout, je précise que ce film, Un homme à la hauteur, est un remake quasiment plan par plan d'un film argentin qui s'appelle El Corazón quelque chose. Hein. Et mais vraiment, des Neves de Jardin. Vous matez des images du film argentin, c'est les mêmes plans. Donc déjà, tu as vu le film? Il sort en mai, t'as dit. Non, mais le film argentin est déjà sorti. Ah oui, mais tu mates c'est les mêmes plans. Et tu regardes le trailer, il y a déjà des plans qui sont dans le film argentin, vraiment, enfin, c'est les mêmes. Bon, moi je m'insurge, je me mets en faux. Et donc, alors, en porte à faux par rapport à toi. Dune, c'est un plagiat. Deux, non, Dune n'est pas un plagiat. Dune est un remix de. On t'a dit pourquoi pas un acteur nain. On n'a pas de bon acteur nain. Mais on peut en trouver, c'est pas normal. Excuse-moi, si on prenait Fred Testo pour faire Chocolat à la place de Marcy, on sera. Comment ça, les blackface, on est au 2016, c'est pas normal. Parce qu'on a des bons acteurs noirs. Mais on peut trouver des bons acteurs nains, on ne cherche pas, on ne cherche pas. Mais c'est pas un film sur les nains, on a ici, c'est un film sur les personnes de petite taille, ce qui n'est pas la même chose. Mais c'est pas forcément la même chose. Je veux dire, des personnes de petite taille, c'est pas la même chose que. Mais là, c'est un. C'est pas forcément. Comment s'appelle la maladie de la dauphon? Non, la. J'allais dire la progéria, mais c'est pas ça. La doprasie ou je sais pas quoi. C'était la 16FK. Oui, bon, on s'en rappelle plus, mais. Ah oui, là, c'est une analyse proportionnée. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même un. Vois, il faut quand même qu'il y ait un. C'est une comédie romantique, donc il faut qu'il y ait un aspect glamour. C'est vrai que nous, on n'a pas l'équivalent d'un. Comment s'appelle Tyrion d'un Peter Dinklage, où le mec a quand même une gueule et peut quand même te vendre un aspect glamour et peut surtout attirer les gens dans des. Tu vois, il a une histoire amoureuse avec la pute là, chez. Et bah, c'est crédible. Et les gens y croient et les gens adhèrent, tu vois. Mais va mettre un passe-partout dans une histoire romantique, mec, mais je me tape une barre. Mais justement, c'est le propos du film. Donc ça aurait été bien d'aller jusqu'au bout de son propos. Oui, mais le film est forcément une métaphore sur quelque chose d'autre, c'est-à-dire effectivement le mec qui est petit, etc., qui en gros qui a peut-être des petites ambitions ou qui a peut-être qui n'arrive pas à travailler dans un. Mais non, c'est pas un truc. Non, mais ce que je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément un truc sur les nains, c'est-à-dire sur la. J'allais dire la maladie. Sur le nanisme. Sur le nanisme. C'est pas un film là-dessus, c'est évident. Mais bien sûr que si. Mais non. Le film s'appelle La Main à la Hauteur et il y a un nain. Tu vois pas plus loin que le bout du nain. Non, mais c'est un film sur la difficulté pour les mecs d'aborder des meufs. Ça va être un film là-dessus. Mais non, c'est bien fait. Sûr que si. Mais il y a que voit. Des blagues sur la taille. Mais peut-être, mais c'est. Mais pas... peut-être qu'il parle de la taille de la bite. Non, mais c'est vrai, c'est plutôt une métaphore là-dessus. Hein. Franchement, ça va être plutôt une métaphore sur la puissance sexuelle que sur. Non, je suis pas d'accord du tout avec vous. Moi, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont pas pris un nain. Et je trouve ça pas normal. Voilà. Tu veux te faire ambassadeur des nains, mais de quel droit? Non, mais j'ai pas le droit. T'es pas nain, t'as pas le droit. Je suis d'accord avec toi. J'ai pas regarde Zaza, tu parlais des brigands parce qu'il est arabe, mais toi t'as exactement. Pas le droit de parler du okay, genre. Mais je le trouve kebab ça n'est pas arabe. Je trouve ça scandaleux parce que tout le monde s'en batte les couilles en fait. Voilà simplement que ça ne choque personne quoi. Voilà les nains s'en battent les couilles. C'est des sous-hommes. T'espères super. Vraiment qu'il y ait une naine qui écoute la FK. Donc moi ça me dérange pas. Quoi? Non mais je veux dire au niveau de. C'est comme sous le niveau de la mer, tu vois, ils sont sous le niveau des hommes. C'est pareil. De ces choses que tu dis. Bien, merci, merci beaucoup. Je crois que ça clôt la polémique. Ça clôt tout. du coup, on va. Bah voilà, je sais plus quoi dire, mais réagis sur Twitter, on va lancer un petit hashtag. Hashtag je suis nain. Voilà. Oh, c'était inspiré ça. Merci. Ouais, mais j'ai pas d'idée. Hashtag sous la mer, moi je trouve que c'est bien. Bon. On va du coup se lancer dans ce qui nous ramène ici, les zombies, les morts vivants, les zombards. Les zombards. On n'annoncerait pas le plan. Ah, ce serait sympa ça, merci. Le petit sommaire. Est-ce que tu veux que je le fasse sommaire. Eh bien, vas-y. Alors, dans un premier temps, moi j'en fais. Chers amis. Putain, le mec qui a fait des dissertes pendant toute une année. On va commencer par une vraie définition de ce que c'est qu'un zombie. En lui-même, qu'est-ce qu'il est? À quoi il se réfère? À quoi il ne se réfère pas? C'est bien que t'aies fait le plan. Ouais, t'as vu. De quoi il se distingue? Non, on va distinguer en gros les zombies d'autres types de morts vivants, d'autres types de revenants. Et là, on va vraiment s'intéresser à l'entité zombie. Qu'est-ce que c'est? Puis, dans un second temps, une fois qu'on aura bien défini ce que c'est qu'un zombie ou pas, on regardera comment il est représenté dans les œuvres de fiction. Pourquoi il nous plaît immédiatement? Pourquoi il marche à l'écran ou dans les jeux vidéo? Ou autre part. Donc notamment avec le plaisir que ça peut nous apporter et pourquoi immédiatement ça fonctionne. Une fois qu'on aura regardé comment il est représenté, on regardera ce que le zombie représente. Et là il y a une belle transition. Dans le troisième temps, donc, qu'est-ce qu'il représente, comment il est utilisé en gros dans les critiques sociales et pourquoi ça fonctionne. Ouais, ça, en ça gros, va être intéressant. Depuis les années 60, pourquoi le zombie fonctionne. Voilà le sommaire de l'émission. Eh bien, merci, mon cher Steven. On va pouvoir se lancer du coup guillettement. Un adverbe que c'est je viens d'inventer. Et bah voilà, c'est tout. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Arrête de faire du bruit que tes feuilles, toi. C'est chiant. Il y a pas un petit quelque chose avant? Bah non, il n'y a pas d'instant français, il n'y a rien. Au tout début? Non, au tout début, non. On attaque direct. D'accord. Allez, mais c'est tu parti. Tu as fait une petite blague à faire Non, ça va. Tous ensemble, on se lance. C'est pour moi, ça fait plaisir. C'est pour Zombibi. Non, je marche pas. Oh blague. Oui. C'est parce qu'on t'appelle Bibi, c'est pour ça. À cause de Final Fantasy IX, on voulait en parler peut-être dans un rôle plateau. Personne n'a voulu en parler. Pourquoi ? Pourtant, c'est un des. Le roublateau est terminé, je crois, les gars. Ah, ouais, merci, bonsoir. Allez, c'est parti, on y va. C'est les zombies, c'est la fête. Wouhou ! C'est la salsa du démon. On lance donc pour le premier thème de cette fucking Kermesse sur la, en gros, la définition du zombie. Qu'est-ce que le zombie est, qu'est-ce qu'il n'est pas. Du coup, alors, qui veut se lancer dans une définition du zombie? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je peux dire ce qu'il n'est pas. Alors, il n'est pas quoi? C'est pas un clown. Ah. Oh, des clowns zombies. Ouais, il y a des clowns zombies, tu t'es fait niquer. Okay. Ouh, dès le début, ça clash. Alors, je pense qu'il faut définir en premier lieu, c'est assez compliqué, on dirait dans un truc assez ardu, le zombie du mort-vivant. Ah. Déjà, c'est un monstre de manière générale. C'est un monstre. C'est le zombie. Ouais. Ok. Il fait partie des grands monstres. Frankenstein. D'ailleurs, le premier film de zombie, c'est 1932, en même temps que Frankenstein et Dracula. En gros, à Hollywood. Ouais. Parce que c'est le premier film de zombie déjà. Ouais. White Zombie. Mmh. 1932. Yes. Ok. Du coup, c'est dans la même période des Universal Monsters qu'on a déjà évoqué dans la FK11. Voilà. Et c'est vrai que on a beaucoup de monstres qui sont des morts-vivants. Tu citais la créature de Frankenstein. C'est un mort-vivant. Enfin. C'est un mort-vivant dans les films, pas dans le roman de Marie Shelley. C'est pas un mort-vivant, peu importe. Bah, ça reste pas un personnage qui a été assemblé à partir de parties de mort. Sauf une Alors, fois dans tu écouteras la FK 11, je crois, où tu étais présent, où on a dit que dans le roman, c'est pas assemblé. Ça devient assemblé plus tard dans le film de 1932. Mais peu importe. Dans les films, oui, mais dans c'est déjà des parties mortes. Il a raison. Non. C'est une sorte de golem. C'est assemblé avec de la boue. Il y a quelques parties. Il est juif, mort, mais en gros, on ne sait pas exactement comment c'est fait. C'est une sorte de golem. Peu importe. Dans les films, la représentation qu'on en a, c'est des assemblages de cadavres. Mais du coup, Frankenstein, c'est un mort-vivant, alors que les zombies, c'est des zombies. Du coup, c'est quoi la différence? Alors, je pense que c'est compliqué de partir de Frankenstein parce que c'est peut-être le plus proche, ouais. Okay. Alors, par contre, différencier avec Dracula, qui est aussi un mort-vivant. C'est vrai. Ou un non-mort. Bram Stoker, à la base, voulait que son roman ne s'appelle pas Dracula, mais The Undead. Donc c'est un non-mort. Le non-mort. Et là, il se distingue carrément parce qu'il n'a pas vraiment l'aspect bah déjà, il est intelligent. Cadavre. Mais est-ce que Dracula est mort avant de devenir Dracula? Ça aussi la question. Alors, est-ce qu'il est passé par la phase d'essai? Alors après, ça dépend dans quelle œuvre on se situe. On va pas faire un truc sur Dracula, mais il y en a beaucoup dans lesquels il est mort et il a pactisé avec le diable pour revenir. Ah oui, c'est vrai. Mais de toute façon, d'une manière générale, ce qui est intéressant, c'est qu'il a au moins une vie comme un mort, c'est-à-dire que il dort le jour, c'est exactement le contraire de la vie. Et puis il est dans un cercueil, enfermé dans la terre. Donc Dracula, tu disais, il est intelligent, il a une vraie personnalité, il est tout seul en fait. Après, on a eu d'autres vampires, mais à la base, il est tout seul et il a il est humain, et il est même un peu plus intelligent qu'un humain. Donc distinguer les zombies de Dracula, c'est assez facile. Là où c'est plus difficile, je pense, c'est avec le thème de la momie. Mmh. Ah. La momie, c'est aussi un film d'Universal, une grande figure de la pop culture. Ou avec The Rock, hein, bien sûr, aussi. Ouais. Et Jet Li. Hein, exactement. Mais c'est aussi une figure de revenant et d'un mort qui revient sous un aspect cadavérique. Momie. La vraie différence, je pense, entre la momie et les zombies, c'est que déjà la momie, en général, est toute seule. Et surtout, elle a été conservée, ouais. Elle a été conservée exprès pour, dans l'optique de peut-être revenir, ou en tout cas de ne pas vraiment mourir. C'est un zombie mieux préparé. Elle a un but aussi, la momie. La momie, c'est qu'elle a été placée là pour défendre, entre guillemets, son temple, sa sépulture, tu vois. Alors que le zombie, il n'a pas vraiment de but, à part de survivre, d'exister. Donc la momie, c'est le vigile des zombies, un peu. C'est ça. Mais en gros, le zombie, on sait jamais pourquoi il revient. Quand il est un mort-vivant, on sait jamais vraiment pourquoi il revient. Il revient toujours par une cause qui fait que... une cause extérieure, alors que là, c'est prévu dans la momie. Ouais, par exemple, dans le premier film de Romero, La nuit des morts-vivants, c'est le crash d'un satellite, je crois, qui fait des radiations. Oui. Mmh. Et du coup, les zombies reviennent, mais ils n'ont aucun but. La momie, elle a un but. Elle a été placée là pour ça. De même, et je pense que c'est un peu le même critère chez Frankenstein. Il est fabriqué pour... on le veut lui directement. C'est ça, ouais. Il y a une volonté humaine derrière. Bah, en même temps, je sais pas si pour le zombie, on peut tout de suite dire qu'il n'y a pas de volonté. Parce qu'effectivement, chez Romero, il n'y a pas de volonté. Mais si tu prends, par exemple, le truc principal du voodoo, c'est-à-dire là d'où vient le mot zombie lui-même, il y a quand même l'idée que c'est quand même un prêtre, enfin, ou un maître de cérémonie qui va faire revivre des morts, ou alors qui va transformer des gens. Donc il y a quand même aussi un but. Mmh. Et même de manière un peu plus par exemple dans la littérature, enfin j'ai annoncé que je voulais parler de Lovecraft, mais dans la littérature et chez Lovecraft, il y a un moment une. Toi, t'es une momie de une momie du podcast. Exactement. Toi. Je suis. Tu le tuais. Je suis. Moi, quand je lis un truc, je le lâche pas. Les années 80. Comme l'habit de ton père. Qu'est-ce que. J'ai été surpris. Toi, t'as choqué Zassa. Putain, choqué Zassa, c'est chaud. C'est un succès. Ouais, bravo. Non, mais peut-être que je vais peut-être pas parler de Lovecraft maintenant. Si, mais bah, comme tu veux. C'était juste tu que pour dire que dans les années 30, il y a un roman de Lovecraft où effectivement il parle pas de zombies et lui-même annonce qu'il veut faire une parodie de Frankenstein. Il le dit lui-même. Il veut faire une parodie de Shelley. Et en fait, même si dans ce roman, on n'a pas directement affaire à des zombies, parce qu'il les nomme pas comme ça, mais on a affaire à des morts vivants en masse qui avancent lentement, etc., et qui ont déjà toute l'abanage d'un zombie, mais même s'il le nomme pas. Le Conseil constitutionnel, c'est ça, non ? C'est ça, c'est les mortels. Les morts vivants en masse qui avancent lentement. Alain Juppé, Mitterrand, enfin tout cela. Quoi. Non, il est mort Mitterrand. Comment il s'appelle celui-là ? Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, c'est lui, voilà. C'est un zombie. Hein. Mais Mitterrand croit aux forces de l'esprit. Et il ne quittera pas. Voilà. Donc c'est un zombie lui aussi. Et donc oui, Lovecraft. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, mais je voulais juste dire sur Lovecraft que c'était les années 30 avant. Donc les années 30 avant Romero avant et Romero. Tout. Et que il y avait déjà l'idée que c'était des morts vivants et qu'ils arrivaient en masse. Mais c'est vrai qu'avant même, gros... c'était une parodie de Prométhée, enfin c'est-à-dire de la créature prométhéenne de Frankenstein, mais il y en a plusieurs. Et en gros, c'est vrai que les origines des morts vivants telles qu'on l'entend, c'est, on va dire, deux grandes sources. Le vaudou que tu citais. Ouais. Donc le vaudou, c'est une culture, surtout c'était la culture haïtienne. Oui, qui est arrivée d'ailleurs au moment de l'occupation d'Haïti par les États-Unis dans les années 30. Ah, peut-être, je ne sais pas. Bah si, c'est à ce moment-là que c'est arrivé du coup dans la culture. Oui, c'est un rapport avec l'esclavagisme en manière générale. Oui. Vu que ça a commencé à Haïti en 1929, il y a un bouquin The Magic Island, l'île magique, où il y a un peu en mode exotisme, genre on parle d'Haïti pour faire un peu vendre du papier, et c'est là que le vaudou se transmet dans la pop culture parce que le mec dit ouais là-bas ils ont des rites chelous avec des zombies et tout. Voilà. C'est un biais historique du coup de qui est lié à l'arrivée des États-Unis. En fait, à la base, ce que je voulais dire, c'était juste que effectivement dans le roman de Lovecraft ou même là pour le vaudou. Contrairement à ce qu'on disait au début, il y a quand même aussi une volonté, il y a quand même quelqu'un derrière, soit qui réanime, soit qui fabrique la créature du golem, soit qui réanime les morts. Mais en tout cas, il y a quand même une volonté derrière. C'est pas seulement comme dans le truc de Romero où il n'y a pas de pourquoi. Et c'est vrai qu'une des premières références littéraires, moi, que j'ai trouvé sur des trucs qui seraient des sortes de proto-zombies, c'est assez drôle, c'est dans les Mille et Une Nuits. Ah oui, vas-y, parle-nous de ça. Il y a un des contes des Mille et Une Nuits qui s'appelle le conte d'Agib et de Garib. Peut-être je le prononce mal, mais peu importe. Dis-nous ça. Sûrement. Et où c'est une sorte de prince déchu ou de prince exclu, je me rappelle plus exactement, qui soulève une armée de ghouls. Et donc les ghouls, c'est des sortes de djinns, donc des démons, mais qui reviennent dans le corps des morts. Et donc ils soulèvent ces ghouls et ensuite il est converti à l'islam. Ah, voilà. D'accord. Sympa. Et ça a vachement influencé toute la culture, toute la culture littéraire avec Lovecraft qui s'inspire énormément de Poe et Garland. Et l'orientalisme. Et d'ailleurs, Lovecraft avait dit c'est dans les meilleurs Poe qu'on fait les meilleurs romans. Et un des premiers que j'ai pas lu mais que je compte bien lire, c'est un roman d'Ambrose Bierce qui était un journaliste américain du deuxième moitié du XXe siècle, qui a écrit d'ailleurs un magnifique dictionnaire du diable. Si vous voulez lire ça plutôt que lire les dictionnaires pourris de Laurent Baffy, c'est la même chose mais pourquoi en bien. Pourquoi Laurent Baffy? Parce que ces dictionnaires sont nuls. T'as fait quoi, wesh? Laurent Baffy, les dictionnaires, c'est ça, ça doit tout quoi. À Baffy. Ouais, c'est ça. Et donc, il écrit The Death of Alpine Fraser. Je vais essayer de me défendre comme je peux. Où Catherine Larue revient parmi les morts, enfin deux parmi les morts. C'est qui Catherine Larue? C'est une meuf dans le roman. Ah d'accord. Elle revient, donc elle est. Elle ressemble. Elle ressemble à nos morts vivants à nous, mais elle a gardé ses souvenirs et elle cherche. Ça me vénère. Elle cherche. C'est Catherine, sa Catherine famille. Larue, du temps, on l'appelait Catherine Larue, parce qu'elle était encore très étroite à l'époque. Oh! Donc voilà, donc il y a cette double influence, je pense. L'orientalisme vaudou, un petit peu et le vaudou. C'est toujours des trucs un peu exotiques, de toute façon. Ah bah le zombie n'est pas de chez nous, hein, ça c'est sûr. Ah ouais, c'est un bel étranger. Mais du coup, c'est là qu'on peut commencer à faire une distinction, c'est que le zombie, dans son acception vaudou, il n'est pas forcément mort. Non. Ouais. Il y a deux, dans White Zombie par exemple, du coup le film 32, en fait on fait boire une potion à la meuf qui devient zombie. Voilà. Ouais, en général, c'est ça. C'est... En fait, soit c'est des morts qui viennent de mourir, soit c'est des morts pas des pas, la pas caractéristique morts. Du zombie qui est commune, du coup, c'est plus l'annihilation de la volonté, en fait. Oui, c'est exactement. Ça. C'est vraiment ça. C'est du libre arbitre. Et on de les la fait conscience. Travailler. On les fait ouais. Travailler. Donc, c'est une part. En fait, c'est vrai que si ça naît aussi en milieu haïtien, etc., c'est que c'est aussi une parodie ou une volonté de l'esclavage. On a bien compris. Mais ça, c'est clair que c'est assez intéressant. Enfin, on en parlera certainement plus tard dans la troisième partie. Ouais. Sur les conditions pas, d'émergence. C'est mais... pas forcément une parodie parce que c'est un phénomène qui existe dans la réalité, tu vois. Mmh. Genre, mais en fait, que... le vaudou zombie, il y a des cas documentés de personnes qui n'avaient plus ce cas de libre arbitre, justement, et qui ont ouais, été. Ouais, ouais, il y a énormément de trucs. C'est mais une c'est... réalité historique. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est c'était le... des drogues, bon, en fait. Samedi soir sous GHB. Ce qui est intéressant, c'est le rituel, si tu veux. C'est-à-dire que pourquoi des tribus, etc., haïtiennes, décident de faire effectivement un rituel dans lequel ils prennent un vivant. Et ils lui font boire une drogue qui annule sa volonté. Ils le réenterrent. Parce qu'il faut qu'il les mecs. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chèque en bois universel pour le ménage. Ils simplement. Peuvent. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils le réenterrent volontairement. Et ils font un rituel où ouais. Tout le monde participe et si, regarde. Si, si, ouais. Et regarde quelqu'un qui se relève de ses morts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une... Il se relève de ses morts. Il se relève de... Non, mais il y a une... C'est le gang de Lopez. Je vais relever tes morts. Il y a une volonté de, si tu veux, c'est il y a une volonté tribale en fait, et c'est quelque chose qui est comme un excipient pour le pour la pour un quoi oui un excipient c'est quoi un excipient c'est genre c'est pour faire des pâtes c'est le contraire de c'est le contraire de, c'est le contraire de la médication t'as le truc qui guérit et t'as l'excipient qui contient la médication. J'ai pas c'est quoi ce c'est excipient pas c'est quoi un excipient je ne sais pas j'ai pas compris la définition. Tu vois une pilule dans ouais. Une pilule t'as l'effet. On n'attrape pas la F4 tant que j'aurais pas compris. Et t'as l'excipient. L'excipient, c'est genre, c'est le contenant. C'est comme un récipient. C'est, ah, c'est la gélule. Mais en ex, voilà, c'est la gélule. C'est le contenant, si tu veux. Ah oui, donc dans. Mais même par exemple, quand mais on les se effets drogue, chimiques du contenant. Tous les samedis soirs, il y a l'excipient et dedans, il y a. Pour le para, on prend un excipient. Ok, j'ai compris. Voilà. Oui, bon, je fous, mais moi, je sais pas ce que c'est en fait un excipient. Ok, merci Gide. Alors, je pense que ce qui est plus intéressant. Plutôt que de... Voilà, là, on est dans des cas un peu limites, en fait, où on ne sait pas exactement ce que c'est le mort vivant. Je pense que le critère le plus facile pour le différencier d'autres revenants, c'est de prendre des squelettes et des fantômes. Peut-être on peut commencer par les fantômes. Ce serait quoi, Zassa, la différence principale entre le zombie et le fantôme? Alors, pour moi, le fantôme, il garde toute la partie non corporelle ouais. Qui ouais. Fait son humanité. C'est ça. Le zombie, c'est le fantôme, c'est juste qu'il s'est affranchi du corps. Alors que le zombie, c'est un peu l'inverse en fait. C'est-à-dire que c'est ça, il garde ouais. La fonction corporelle, mais tout ce qui faisait qu'il était un homme à l'intérieur est annihilé en fait. Donc c'est vraiment l'inverse quoi. Le pour moi, c'est vraiment l'anti-zombie. Ouais, en gros, c'est et c'est deux revenants aussi. Le grand dualisme entre l'âme et le corps. Le, ouais. Le fantôme, voilà. C'est l'âme qui revient, et le revenant, c'est juste le corps qui revient sans l'âme quoi. Exactement. Ouais. Et avec les squelettes, du coup, c'est plus compliqué. Alors, en fait, ce qui change, je pense, avec les squelettes, c'est que bon, les deux n'ont pas. Les squelettes, il n'y a ni l'un ni l'autre finalement. Ouais, mais justement, le zombie, ce qu'il a en plus, du coup, c'est la chair. Et une bite. Oui, parce que le squelette n'a plus de bite. C'est vrai. Le squelette, c'est une représentation plus générique du mort-vivant, puisque ça vient plus avec le moyen. Enfin, c'est de manière plus générale. Bah, c'est Simbad, c'est, quoi. C'est la mort, quoi. Les Jason et Simbad, les squelettes. Et quoi. Jason et les Argonautes, ouais, où il y avait les armées de squelettes. Mais même, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, la grande représentation de la mort, c'était le squelette. Et la danse macabre. La danse macabre. Mais même la mort, la figure qu'on appelle la mort. La faucheuse. Comme on dit, la macabrena. Oh, c'est beau ça. Macabrena. Aïe. Ah, ça aurait pu faire une belle chanson type Dracula Lan, ça. C'est vrai. Mais ouais, ouais, je vais fumer. Le squelette est entièrement, tu le disais, Stavro, entièrement décharné. Il n'a plus aucune chair. Et je pense que il y a une grosse différence qui fait que le squelette sans chair au Moyen Âge, c'était vraiment ce qu'on ne voyait pas. Alors que le corps en putréfaction, on le voyait quand même assez régulièrement. Et je pense que la différence aussi, c'est qu'on n'assimile pas le squelette. On n'assimile pas le squelette à l'humain. On fait plus le ouais, lien. C'est en fait. Ça, c'est vraiment c'est carrément à part. C'est carrément un au-delà total. Alors que quoi. Le zombie te renvoie quand même à l'humain qu'il a été avant. Mais d'une certaine manière, le squelette, c'est pas un mort-vivant. Du coup, c'est ouais. Un mort tout court. C'est un des trucs intéressants. Au Moyen Âge, on avait des squelettes parce que les corps putréfiés, on les voyait tout le temps dans la rue. Alors que maintenant, on a des zombies et pas des squelettes. Les corps putréfiés, on les voyait tout le temps. Au Moyen Âge, la putréfaction était assez courante. Les corps. C'était un dimanche. Mais on voyait pas les squelettes. Alors qu'aujourd'hui, nous, le squelette, on le connaît assez bien avec nos cours de bio et tout. il fait, il f... bah, non mais c'est vrai, le squelette fait moins peur. Il est dans la fait. Salle de classe en SVT. C'est voilà. ça. Alors que le corps en putréfaction, c'est le truc qu'on voit absolument jamais à part à la télé. Du coup, il y a eu une inversion. Pour ça que le squelette faisait kiffer au Moyen Âge, il ne fait plus kiffer maintenant, et qu'il y a eu le zombie qui s'est démocratisé. Voilà, bref. C'était, c'est intéressant. Mais en tout cas, voilà, le, je pense, voilà, si on veut distinguer le revenant type fantôme, c'est que lui, il a pas de corps. Le revenant type squelette, il a juste bah, son squelette et pas de chair, alors que le zombie, lui, est, ce qu'on voit, c'est avant tout la chair, quoi. Bah, ce qui est plus compliqué, du coup, c'est distinguer la goule du zombie, parce que ah oui. là-dedans, même dans le script de Romero pour La Nuit des Morts Vivants, il a écrit goule au lieu de zombie tout le script. Ah ouais. Et ça a été changé à la fin. Mais la goule, en tout cas dans mon esprit, c'est vraiment associé à... Dis-nous ce que c'est dans ton esprit, la goule. À... Pour moi, la goule, c'est vraiment associé à une volonté genre d'occulte, de mage noir, tu vois. Genre, c'est vraiment, il y a une volonté de réanimer la goule, ah, mais comme pour le zombie faire servir. Comme le zombie bah ouais, le vaudou, c'est pareil. Comme le zombie vaudou. Oui. Oui, oui, d'ailleurs, dans Les Mille et Une Nuits, c'était des goules. Et les goules, c'est plutôt des démons, en fait. Ça vient, le mot goule vient directement de l'arabe. Dans la goule, en fait. Je sais pas, peut-être que ça vient juste du son. Warcraft 3, il récolte du bois, les goules. Il récolte du bois, les goules, voilà. C'est vrai. Bah ouais, c'est entre autres. Intéressant. Il nous faut plus de ziggourats. Mais ils avaient une fonction cannibale. En général, en fait, les goules, dans le folklore arabe, n'étaient pas tant des morts-vivants que des démons qui se nourrissaient des corps des morts. Et c'est pour ça qu'on les trouve dans les squelettes. Parce qu'ils viennent piller les cadavres pour les bouffer. Ah oui, ils retour. Se nourrissent de cadavres plutôt ouais. que d'humains, en fait. Alors ça, c'est à la base. Après, en effet, ça a été associé plutôt à des morts vivants. Tu disais, Romero parle de ghouls plus que de zombies à la base. Mais à la base du folklore, c'est ça. Et tu parlais aussi de la liche. Ah, pas du tout. Ah bon, okay. La liche, ça veut dire c'est l'alcool en breton. Merci, J2. Ouais, mais les liches, dans des trucs type. Je crois moi, j'aimerais bien baiser des meufs et manger des liches. Ah, des liches lorraines. Ouais. Merci. La liche, c'est plutôt dans le. Leur liche dans le les trucs type Donjons et Dragons. Là, c'est des sorciers qui sont morts, mais qui se maintiennent en vie par la magie. Donc eux, ils gardent. Ils ont leur personnalité. Ils gardent leur personnalité, ils gardent le leurs intentions. Ils ont juste un corps mort, mais ils gardent tout par la magie. Le zombie, lui. Comment on distingue un négromancien? Parce qu'à la limite. Un négromancien? S'il y a juste le squelette et de la chair comment on dit? Putréfié. C'est très difficile à distinguer. Oh, t'es plus très fier d'ailleurs. Distinguer de quoi? Non, je suis plus très fier. Bah, un blanc d'un noir. Ah merde, j'ai pas. J'avais pas du tout suivi cette blague. Cette blague qu'on devait plus refaire après la FK14. On m'a dit que j'étais raciste après avoir dit ça, donc s'il vous plaît. En plus, ça a été très mal mené cette blague. Et dans le. Juste une petite remarque, vous savez que le mot macabé, ça vient de l'arabe? Macabir. Le compte Twitter de JD, mais sur le saviez-vous? Le saviez-vous? Macabé vient de l'arabe. Le mot arabe. Saviez-vous? Le macabé vient de l'arabe. C'est intéressant, c'est que. Maître Capello, quoi. C'est mais à moitié. Le mort-vivant, en fait, le mort-vivant qui apparaît dans la danse macabre au 14e siècle, en fait. Parce que la danse macabre, c'est quand même une représentation énorme au 14e siècle. Hein. Enfin, je veux dire, les églises sont remplies de danse macabre, etc. Et après, jusqu'à la Renaissance avec Jérôme Bosch, etc. Où on tu peux définir un peu la danse macabre, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais on n'a pas dit ce que c'était. En fait, la danse macabre, c'est. C'est les concerts de Vincent Delerme. En fait, c'est. Non, mais. Non, c'est une manière, en fait, de représenter la mort qui vient, en fait. Enfin, c'est la fatalité de notre finitude, si tu veux. Et en fait, c'était une manière, en fait, de représenter le fait que même les puissants étaient voués, eux aussi, à la mort. C'est les vanités, en fait. Bah, c'est avant les vanités, en fait. C'est plutôt 14e siècle. C'est après la guerre de 100 ans. C'est l'évanescence. Après les grandes pestes, etc. Il y a eu beaucoup de représentations qui ont été faites autour du fait que même les puissants eux-mêmes, qui dominaient, etc., pouvaient être finis aussi. Enfin, la mort, c'est un antisème, quoi. Et bah, on s'en fout. C'est nos chefs, mais ils vont mourir aussi. Donc, mais dans les danses macabres, on représente le pape, on représente le prince, on représente le roi, etc., qui eux-mêmes vont mourir comme nous tous, etc. Et c'est ce que disait Montaigne, même assis sur un trône, on est toujours assis que sur notre cul. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Enfin, donc tout ça pour dire que macabre vient de macabé, et macabé, ça vient de macabir, qui veut dire tombe en arabe. Voilà. Ah, d'accord. Donc, c'était intéressant. Merci, J2. Et du coup, maintenant, on a parlé du zombie vaudou. Du coup, on peut le distinguer. Parce qu'il faut même faire une distinction dans les zombies, en fait. Parce qu'on a différencié le zombie de plusieurs trucs. Mais il faut aussi différencier le zombie qui a eu plusieurs étapes, plusieurs. Ouais. Voilà, il y a le zombie vaudou qui n'a plus de volonté et est ramené. C'est souvent des morts frais, du coup, tu es mort depuis un ou deux jours. Ou alors tu n'es pas mort, on te fait boire une potion. Maintenant, on a parlé aussi vite fait du zombie romérien. Romeresque. Où le zombie là, il peut être mort depuis jadis, il revient à cause d'une il y a pas de volonté, c'est une cause extérieure qui le fait renaître. Le slogan à l'époque c'était quand il n'y a plus de place en enfer, ils reviennent sur terre. On s'en souvient. Oh, arrêtez de déchirer des feuilles, c'est super chiant. Tu fais beaucoup trop de bruit. Et après on a eu les infectés. Ah, donc on va arriver à cette distinction. Bah il faut la faire au bout d'un moment. Bah c'est quand on ouais, quand il y a eu un. Enfin, c'est apparemment, de ce que j'ai lu par rapport aux différentes analyses qui ont pu être menées, c'était assez lié au 11 septembre en fait, le tournant. Le SRAS en fait, on voit l'anthrax. Le tournant. Début 2000, il y avait beaucoup de bioterrorisme, on avait peur de ça. Ouais, bah c'est lié justement à la, oui, à la peur du terrorisme. Au SRAS et aux paillettes. À l'arrivée de la science sur le terrain en fait, merci, où Diaz. L'occultisme perdait un peu de terrain dans la fiction. Et on a été en besoin du coup d'une explication scientifique. Ah, du mais zombie. Des Romero, est-ce que c'est des radiations? Oui, c'est oui, ça qui ouais. est un peu compliqué, c'est qu'en fait, ouais, ça me semble difficile de distinguer vraiment du zombie, à partir de ces moments. Le zombie de l'infecté. Oui, mais le zombie type Romero, il y a une explication causale scientifique. Par contre, tous les zombies morts-vivants, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Ouais. On sait juste que le cerveau marche. Après, comment les muscles et tout fonctionnent, ça n'a pas de sens et on tombe assez vite dans la magie. Il y avait pas alors que l'infecté. Dans Walking Dead où il y avait un IRM du cerveau d'un zombie où on montrait qu'il avait juste les fonctions motrices. Walking Dead, c'est hyper ouais. compliqué parce qu'ils sont zombies mais infectés en même temps. Donc on en fait, l'infection après, mais... te tue ouais. et du coup te réveille derrière. C'est ça. Parce que dans Walking Dead, même les gens, même si toi tu meurs d'un cancer, tu vas revenir zombie en fait. Mais c'est vrai que chez Romero, c'était des morts vivants. Et plus, donc tu disais après 2001, en gros, ouais. on bah, a 2002, les infectés. 28 jours plus tard, hein, c'est 2002. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est quoi la différence et concrète de, ouais, entre le zombie et l'infecté aussi. Le remake, ouais. ouais. Mais ouais, bah, en fait, la différence, tu regardes 28 jours plus tard, en fait, dans 28 jours plus tard, c'est juste le virus de la rage, en fait, qui est transmis aux humains, ouais. concrètement. Oui, mais ils ont les mêmes. Les singes Ils les ont les mêmes mouvements. Là, on peut faire un ils ont les mêmes. On a fini sur les brigandes. Merde, pardon. Est-ce qu'ils ont les mêmes mouvements? Est-ce qu'ils ont les mêmes... Bah non, déjà ils courent les infectés. Alors oui. Les zombies aussi ils courent. À partir des années 70 dans les films italiens, 70-80 dans les films italiens, les zombies courent. Donc ça, je sais que c'est ton critère, Stavro. Je peux le dire maintenant. Stavro a élaboré toute une théorie du zombie. D'ailleurs, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé tout à l'heure. Il a toute sa théorie du zombie, c'est que le zombie marche alors que l'infecté course. Pour lui, c'est la seule différence. Et tout à l'heure, il m'a dit oui, j'ai regardé le premier Romero. J'avais oublié que le premier zombie il court, alors c'est pas un zombie. Le mec, c'est le premier zombie moderne de l'histoire du cinéma et il arrive à dire non non là tu fais Romero tu fais de la merde. Non tu mais tu l'as vu pas, avec moi. Tu ne respectes pas les codes qui, que tu mets toi-même en place. Ce qui est gênant dans le film, c'est que le premier zombie dans la première scène court et genre il prend une pierre, il casse une vitre avec une pierre et tout, il est grave agile et déterre. Et dans le film plus loin, il marche lentement. Donc je trouve qu'en fait il y a juste les codes sont pas fixes, juste voilà. Oui les codes des c'est un peu comme toi, tu passes ta vie à marcher, c'est pas pour autant que tu peux pas aller casser une vitre de temps en temps. Oh. Parfois je cours après notre quotidien, c'est vrai mais c'est rare. Mais oui, c'est juste que les codes, on en parlera plus tard, je pense. Je pense que la vraie différence, au-delà des propriétés, genre ça court, ça marche, c'est. La cause. C'est la cause, ouais. Il y a une vraie différence, je pense, c'est que on reprend 20 jours plus tard où ils sont infectés par le virus de la rage. Déjà, l'infection se fait quasiment instantanément dans 20 jours plus tard, par exemple. Au bout de une minute, t'es infecté. Alors que les zombies, ça prend souvent. Je rate Dawn of the Dead dans le centre commercial, ça prend plusieurs heures. Temps qu'ils meurent, qu'ils reviennent. Même dans Walking Dead, souvent il y a une sorte de fièvre qui les tue et après les fait revenir en zombie. Donc il y a un temps, enfin le temps d'incubation est beaucoup plus court dans les infectés. Et aussi. Excipient, incubation. Il y a autre chose, c'est que les infectés dans 28 jours, ils meurent au bout de 5 semaines de faim. Parce qu'en oui, gros, voilà. vu qu'ils sont pas morts, il n'y a pas d'espèce de mystique du mort qui revient à la vie. Leur métabolisme a besoin de bouffe et de se sustenter pour continuer infectés, à turbiner. Alors que ils peuvent mourir de faim. Les zombies, ça met. Les infectés, en fait, c'est plus des zombies morts. Tandis que les morts vivants, c'est plus des zombies morts. Non, quoi, non. Les infectés, c'est plus des zombies vivants, pardon. Et les morts vivants, c'est plus des zombies morts. Oui, ouais. Si, ils sont. Mais les infectés, ils sont vivants. La preuve, c'est que s'ils mangent pas, ils crèvent. Alors que le zombie, on va dire canoniquement type Romero, il est pas indiqué qu'il va mourir s'il mange pas. Moi, je trouve ça important quand même dans la manière de regarder le zombie, que le zombie par rapport à l'infecté, il soit quand même la personne qui soit lente en fait. Je trouve ça super important qu'il soit que la différence que Stavro faisait entre le fait de l'infesté qui court et le zombie qui va lentement. Mais ça, je pense que ce sera plus intéressant dans la deuxième partie sur comment il est représenté. Après, je te dis sur les caractéristiques même des zombies. C'est pas déterminant puisque je te dis dans les même dans les films de Fulci les zombies sont beaucoup plus rapides que chez Romero. Bah revenons du coup aux caractéristiques communes. Le zombie. Ah oui, le zombie, qu'est-ce qui est commun le entre zombie, les deux? Le zombie, il veut manger de la chair humaine. Ouais. Il y a déjà rien que pour ça parce que c'est assez embêtant. Relou là. Oui, bah, peut au moins s'entendre là-dessus. On peut s'entendre là-dessus, mais il y a eu tellement de films en fait dans les années 70-80 et beaucoup de films qu'on ne connaît pas de l'exploitation bis du zombie qu'on n'a jamais entendu parler, qui sortent en VHS pour continuer le filon. Et il y a en fait, je sais plus du nom du film, je crois que c'est Return of the Living Dead, où c'est un des premiers où le zombie veut pas de la chair humaine mais des cerveaux précisément. C'est ça. Et d'ailleurs, mais il y a l'idée de cannibalisme qui est fortement intégrée dans la notion de zombie. C'est le grand tabou de manger de la chair humaine en fait. C'est des humains qui veulent manger de la chair humaine ou des cerveaux, peu importe. Mais ils sont en tout cas agressifs envers les humains dans le seul but de les tuer et de les bouffer. Et d'ailleurs dans le premier Romero, le but c'est de bouffer. Il y a d'ailleurs, une scène assez magnifique d'anthropophagie. C'est le premier plan qu'on connaît tous où t'as un mec allongé et des zombies autour qui le décharnent quoi. Ouais, Cannibal Holocaust c'est quelle année? Cannibal Holocaust c'est les années 70. 80. Ouais, donc il y a quand même une fascination à cette époque-là pour le cannibalisme. Bah, c'est le giallo et le gore qui prend son essor en partie avec le film de zombies. Le giallo. Le giallo, c'est les thrillers. Nafissa tout. Non, mais bien même Nafissa tout giallo. C'est le thriller italien des années 70 qui est connu pour être vachement esthétisant et en même temps extrêmement gore. Et ça vient, giallo, ça veut dire jaune en italien parce que les couvertures des thrillers italiens étaient jaunes. Mais je pense que la caractéristique vraiment commune entre les deux, outre l'anthropophagie, c'est un aspect de cadavre. Parce que même les infectés ont tout de suite un alors qu'ils ont juste la rage ou un dérivé de la rage, comme ils ont tout de suite un aspect de cadavre avec un corps qui part en lambeaux. Le respect d'ailleurs. Ah ouais, merci. Ils n'ont pas le temps, faut y aller. Et il y a une référence qui est assez intéressante, qui est pas très connue, c'est des films de Dario de Osorio, qui est un réalisateur espagnol qui a fait une quadrilogie entre les années 72 et 75. Le premier, ça s'appelle La Révolte. Tu fais tout ça de tête, bien sûr, Steven. Exactement. La Révolte des morts vivants. On a Le Retour des morts vivants. La Chevauchée des morts vivants. On a quatre films comme ça. Les morts vivants passent le bac. C'est des morts vivants à Saint-Trope. C'est des zombies aveugles qui chevauchent des chevaux fantômes pour bouffer les gens. Et eux, ils ont plus l'aspect de squelette en fait que de cadavre. Du coup, ça n'aide pas du tout notre propos. Non, ça n'aide pas. Mais tout ça pour dire que ils ont. Tu nous fais chier. Non. Tous ces zombies, que ce soit les infectés, parce que si je regarde dans 28 jours plus tard, le film de Danny Boyle en 2002. Oui, c'est un de mes films préférés. Ils ont quand même un aspect de cadavre. Même s'ils ont un putain de virus, en fait, ils ont tout de suite un aspect de cadavre. Et tous les infectés ont un aspect cadavérique. Est-ce que c'est de l'esthétisme ou est-ce que ça sert à quelque chose? Bah, je pense que c'est avant tout de l'esthétique. Mais ça joue un petit peu. Regardez-le comme il me corrige. Ça joue un petit peu. Je sais pas exactement. Je n'ai pas compris ta question. D'accord. Bah c'est nickel. Non mais je voulais dire que c'est une caractéristique commune quoi. Il y a l'anthropophagie et l'aspect de cadavre. La putréfaction. Après les différences, on disait c'est sur les causes. Il y a une différence même dans l'esthétique parce que dans les infectés il y a pas la chair caps. N'apparaît pas. Il y a pas le côté les infectés, il leur manque pas un bout de tête, un bout de bras, il y a pas le foie qui sort un peu parce que justement ils viennent juste d'être infectés du coup souvent ils sont pas aussi pourris que les zombies. Tu mates Walking Dead dans la dernière saison, il y a presque un culte du démembrement ou du corps exposé, mais vraiment où t'as beaucoup de plus ça va plus ils sont en sorte que genre il y a un homme tronc ou il y a un foie, tu vois le foie et tout, alors que dans les infectés c'est pas possible parce qu'ils viennent juste de se faire infecter il y a une minute, ils ont pas le temps de pourrir autant. Ouais, mais ils ont quand même une gueule de pourri, c'est mais ça non c'est ils ont juste un peu de sang dans les yeux et c'est tout. Je suis assez d'accord avec Stavro. D'accord. Bah, je vais faire... comment je l'ai baisé, du coup je vais me faire foutre. Exactement. Allez. Nickel. Du coup on a essayé de regrouper, recadrer les caractéristiques principales du zombie. Donc il mange de la chair humaine ou des cerveaux. Il n'a plus de volonté. Il n'a plus de volonté. Ouais, je pense pas que comme ça, les c'est... légumes à Flunch. Je crois que. D'ailleurs, on a toujours notre partenariat avec Flunch, hein, bien sûr. Ouais, oui, pas. S'il vous plaît. Et d'ailleurs, c'est si on peut distinguer même trois types de zombies, les zombies vaudous, les zombies morts-vivants et les zombies infectés, ils ont tous ces caractéristiques-là. Ces bon, bref, vous avez compris. Ces cara. Ces carac. Ils sont tous comme ça, quoi. Ils veulent tous plus ou moins. Ils sont tous plus ou moins agressifs et surtout, ils ont aucune volonté. Ils veulent manger de la chair humaine. C'est un peu des hooligans. C'est différent complètement des fantômes ou de la momie qu'on voyait tout à l'heure. Et la distinction aussi vraiment importante avec le reste des autres morts vivants, on a dit le vampire, etc. C'est aussi le nombre. Alors, ah ça, oui, c'est vrai. Ça paraissait... Mais là, on est plus dans la représentation que dans la nature. C'est ça. Oui, mais ça fait presque partie de leur nature, le fait qu'ils sont... Enfin, parce qu'en lui-même, le zombie... il y a beaucoup de films là-dessus, il est facile à détruire, il suffit de lui mettre un gros coup, ouais, etc. Et ses membres se détruisent facilement. C'est pas comme, tu vois, la créature naturelle, genre Frankenstein, il est, ouais. Frankenstein, il est solide, tu vois. C'est un golem, genre solide. Tu. Là, il s'agrège en horde. Tout solide. Ouais, ils adressent forcément. Ils s'agrègent en horde. Et c'est comme si c'était dans comme sa les nature. Réfugiés syriens. Et oui, exactement. Ouais, bah, on en parlera dans la troisième partie. Non, mais il y a ce truc-là. Enfin, je pense que c'est essentiel dans la nature du zombie, c'est le fait qu'il soit en nombre. Bah, c'est sa faiblesse, en fait, surtout, qui est essentielle. Le zombie, en lui-même, contrairement aux autres revenants, est faible. Et donc sa force est le nombre. Et voilà. Mais les infectés, ils sont, tu vois, enfin, toujours, ils sont moins nombreux parce qu'ils sont un peu plus forts. Mec, la scène de fin où ils se font assiéger dans le bunker, c'est quand même. Et où le tout début de 28 semaines plus tard, à la suite de 28 jours, ouais. Où il y a où le mec s'appelle cet acteur. Champ, c'est l'une des meilleures scènes d'intro de tous les films de zombies, je trouve. Ouais, c'est vrai. La scène est magnifique. Toi, t'as vu le documentaire d'Arte. Il court, on a un mec qui court et qui Robert essaie Carlyle, de. J'adore cet acteur. Robert Carlyle, ouais. Ah ouais, de Trainspotting. Et de, il joue dans et de Secret Universe. Non, ah ça s'en branle. Pardon, ça oui. Et il court et il y a tous les infectés qui le suivent. Donc c'est vrai que le nombre est très important. Mais ça, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de le développer. On y reviendra dans la deuxième partie sur la représentation des zombies. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. La spéciale de la FK, on en reparlera plus tard. J'essaie juste de teasing permanent. Et il y a aussi, du coup, JDM m'a fait penser à ça. Excuse-moi de te couper. En parlant, la caractéristique aussi principale des zombies, c'est que souvent ils meurent avec un gros coup dans la tête. Oui. Ah oui. Oui. Bah oui. Ça, c'est important. Dès, et on en a pas parlé. Dès le premier film de Romero, en fait, c'est le leitmotiv. En fait, hein, un coup dans la tête. Dans le premier film de Romero, c'est pas super clair. Mais il le dit à un moment. On sait qu'il faut tirer dans la tête. Mais la mythologie se fait peu à peu. Et tu parlais des cerveaux tout à l'heure. Dans le troisième film de Romero, donc Day of the Dead, là, il commence à analyser le fonctionnement du zombie. Mmh. Analyser, il y a des scientifiques qui travaillent sur les zombies en fait. Mais ça reste une des règles définies quand même. Ouais. Et aujourd'hui, on a dans tous les films, on va dire plus contemporains de zombies, le truc de base, c'est tirer dans la tête. Et c'est une règle assez intéressante du zombie qui marche bien, qui fait que le zombie marche bien dans les jeux vidéo. Ouais. Mais ouais. On en parlera plus tard, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que même quand c'est désinfecté, tirer dans le corps, ça sert à rien. C'est assez important parce que dans 28 jours, tu peux les tuer en leur tirant plusieurs balles de suite dans le corps. Ah oui. Oui, parce qu'ils sont, dans 28 jours, ils sont vraiment vivants et c'est vraiment désinfecté. C'est d'ailleurs, Danny Boyle a refusé l'héritage de Romero. Il a dit, moi, je fais pas du tout du Romero parce que moi, c'est pas des morts vivants, c'est désinfecté. Bon, il repompe pas mal de codes en fait de Romero, mais il s'en distingue. Pour essayer de s'acheter une légitimité. C'est ça. Il y a aussi une autre distinction, à mon avis, qui est corrélative de celle que je viens de dire sur le nom. Corrélative. Corrélative, oui. C'est marrant avec l'excipient. Et à mon avis, c'est l'idée que le zombie aussi, dans le schéma du zombie, enfin dans l'idée du zombie, il y a aussi l'idée que, et je pense que ça rejoint le zombie et l'infecté, c'est-à-dire que le zombie, en fait, il peut faire devenir un autre un zombie. Et je pense que c'est pas exactement la même chose que déjà Frankenstein, non. Ouais. Le vampire, oui, finalement, il le tue. Le zombie vaudou non plus. Il tue l'autre personne. Ouais. Il tue l'autre personne, il prend son vampire, sang, c'est mais c'est pour lui. Ouais, c'est intéressant comme point. Le vampire, faut au moins qu'il choisisisse de transformer en vampire, c'est rare. Quoi. Souvent, il le fait pas. Ouais, c'est vrai, il y a une vraie élection en fait de la part de Dracula. Zombie, t'as raison, c'est de base. Quoi. Et donc, du coup, c'est corrélatif du côté du nombre, parce qu'en fait, les zombies en fait, croient à fur et à mesure qu'ils tuent des gens. Quoi. À mon avis, leur individualité n'est pas importante parce qu'ils vont convertir sans différencier la première personne qui se trouve sous leur patte. C'est un peu les témoins de Jéhovah. Et du coup, ça amène en fait. Même dans les zombies morts-vivants type Romero, ça apporte quasiment en fait avec l'idée d'infection. Oui, l'infecté arrive plus tard, mais l'idée que. Mais c'est pour ça que c'est très difficile c'est de distinguer très en fait, l'infecté du zombie. Mais c'est pour ça qu'on dire que cette partie ne servait à rien. Non, pas ça. Non, on n'est pas obligé d'arriver à des définitions très nettes parce que dans la pop culture, les définitions de toute façon ne sont pas nettes. On a vu même avec. avec The Walking Dead où ils essaient de faire plaisir à tout le monde en mettant c'est à moitié désinfecté, à moitié des zombies, on sait pas trop, et puis on s'en fout. Ouais, c'est ça. Mais les deux idées en fait sont déjà présentes. Et dans La Nuit des Morts Vivants, le premier film de Romero en 68, l'acteur principal d'ailleurs dit de faire attention aux zombies parce que même s'ils nous tuent pas, ils peuvent nous filer des maladies. Alors il dit pas ils peuvent nous transformer, mais en tant que c'est des cadavres. Là on cadavres, voit le parallèle avec les réfugiés syriens. Mais déjà dès le premier film de Romero, il y a ce truc là, c'est que le premier mort par les zombies, en fait revient à la fin du film et en fait c'est le copain de la fille avec laquelle ils sont dans le cimetière. Coming for you, Barbara. C'est ça. Et il arrive et en fait, enfin tout de suite c'est important, c'est-à-dire que le premier mort en fait revient et il fait partie. Donc c'est vraiment une caractéristique essentielle du zombie moderne, je pense. Bon, bah on a pas mal développé la distinction. Ah, on peut pas. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a eu tellement d'œuvres différentes et sur une longue période qu'on peut. Les codes sont pas fixes, que chaque mec va essayer de faire son petit malin et de changer un petit peu. Mais il y a quand même des caractéristiques qui se dégagent, mais on pourra toujours trouver un contre-exemple de toute façon. Mais on a pu y voir un peu plus clair sur le monde fantastique des zombies. Et ce qu'on a plus rien à rajouter sur la définition même, on va pouvoir se lancer dans ce qui nous intéresse vraiment, c'est pourquoi les zombies marchent, et non, comment ils marchent et pourquoi ils marchent. On va vraiment parler de The Walking Dead ? Ah, la blague ! J'adore l'humour ! Nul. Est-ce que, avant de regarder comment on représente des zombies, on passerait pas un petit quiz ? Une petite pastille hein, pour faire passer tout ça de façon un peu plus ludique, agréable. Le quiz est un peu l'excipient, si vous voulez, de la fucking kermesse. Du coup, on va se lancer joyeusement dans le quiz. Allez ! Monsieur. Oui ? Quoi ? Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux ? Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Top, qui suis-je ? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions. Je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça ? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. C'est parti. Le quiz. On se lance du coup avec Force Fracas dans le quiz. Le quiz que je n'ai pas fait, qui ne sera sûrement du coup pas aussi merdique que le dernier. Le quiz. Donc Steven, tous nos espoirs reposent sur toi. On veut le quiz. Disons que en fait, habituellement j'ai la pression pour faire le quiz. Après la FK 18, j'ai plus aucune pression. Je pouvais faire n'importe quoi du moment qu'il y avait plus de 5 questions et que ça avait du sens. Le quiz. Donc là, on est chacun pour sa pomme. Alors ouais, vous êtes carrément chacun pour les points. J'ai un stylo que tu m'avais donné. Tiens, il est là. Le quiz. Ah mais fermez vos gueules, vous deux. Putain, faut pas vous réunir. Quiz. En fait. Donc, tu es prêt à tout noter les quiz, points. Alors, je note les noms. Alors, je note le père de JD. Oui. Arrêtez, vous êtes chiant. Le père de JD. Mais vous savez qu'il y a des gens qui écoutent ça. Le père de JD, ça. Ensuite, je note. Et il a fait 6 enfants, mon père, donc ferme ta gueule. C'est vrai ? Ah ouais ? T'as 5 frères et sœurs ? Non. Ah. Mais il y en a un qu'on a laissé. Bon, j'en parle là-bas. Bon, allez, vas-y, passons, parce que ça va être beaucoup trop long, je sens cette histoire. Ambiance scandale, Dans The Vandal, ça nous fait la chaleur, ton cul. Non. Le père de JD, Aladdin. Et le saboteur. Alors, c'est dommage qu'on soit pas un podcast vidéo pour montrer la feuille où Stavro a fait une case d'à peu près 7 lignes pour le père de JD. Une case d'à peu près 3 lignes pour Aladdin. Et une case d'une ligne pour le saboteur. Psychologiquement, ça veut tout dire. Hein. Ouais, c'est ça. J'espère que je vais gagner. On est parti, c'est un quiz en 3 parties. Ah ouais. La première partie va être un QCM. Moi je gagne souvent les quiz. C'est faux. Si c'est vrai. C'est moi qui gagne les quiz. Plusieurs réponses sont possibles. J'accepte. C'est toi qui l'ai fait, donc c'est pas possible. J'accepte la justification des réponses. Attends, c'est quoi la première partie ? Un QCM. Un QCM. Comment on répond ? Plus rapidité. Alors, non, là pour le coup, la première partie. Chacun dit sa réponse. Ouais, voilà. Ok. Alors, première question, un amateur de zombies est appelé un zombophile, réponse A, un nécrophile, réponse B, un thanatophile, réponse C, ou juste un connard, réponse D. Moi, je dirais un... Oh, mais on peut dire les quatre. Ah, il faut que tu choisisses. Un thanatophile, je dirais. Allez. Moi, je dis un zombophile. C'est ça ? Moi, un thanatophile. Eh ben c'est JD qui marque le point. Oh, j'ai vérifié en général. C'est le zombophile, c'est t'aimes les morts tout simplement. Ouais, fait. Voilà. T'aimes la mort, tu écoutes du Evanescence. voilà. Deuxième question. Combien d'heures J2 a-t-il passé sur DayZ ? Ah ! Est-ce qu'on va en parler ? Réponse A, seulement 312. Réponse B, 419. Réponse C, 502. Ou réponse D, un chiffre toujours moins grand que le pourboire laissé en carte bleue à la serveuse après la FK5. Pour cette anecdote, rapportez-vous à la FK12 où on raconte cette anecdote. C'est vrai. Mais il le sait. Alors je répète, 312, 419, 502 ou toujours plus grand que la serveuse. Je suis pas sûr en fait. Hein. C'est combien, Gidé, tu dirais toi? Ah, je suis pas sûr. Moi je dirais 419. Ensuite? Je dirais 419 aussi. Ouais, moi aussi je dirais 419. Eh, vous avez tous les trois raison. Oh, 419 heures passées sur Taizen. J'ai pas un bonus pour l'avoir dit en premier. Pas non, du tout. Non, ah, mais c'est le meilleur jeu de tous les temps, mec. J'espère qu'on en parlera un petit peu. Non, ça part sous le meilleur. Y a rien à dire sur les zombies dans Taizen, mec. Mais si, justement. Ah, non, justement. Mais justement. C'est vrai que les zombies dans Taizen passent à travers les murs, ça c'est intéressant. Quand j'ai vraiment une théorie sur le fait que justement le fait de pas avoir de zombies, tu en fait un jeu de zombies. Et je te dirai quand en parler. Alors. Question, troisième question. T'es enculé. Dans le folklore haïtien, que faut-il faire pour libérer un zombie? Réponse A, lui faire manger de la cervelle de lamantin. Réponse B, lui jeter du sel. Réponse C, tuer le sorcier qui l'a ensorcelé. Réponse D, le forcer à écouter le nouvel album de Renaud. Toujours debout, toujours vivant. C'est ce que les zombies chantent. C'est ça. Réponse 3. Ouais, réponse 3, ouais. Donc, tuer le sorcier? Ouais. Non, moi je suis pas d'accord. C'est le lamantin. Et bah vous avez tous perdu puisqu'il faut lui jeter du sel. Ah non, ah. Alors moi j'ai lu. Putain. J'ai lu plusieurs fois qu'il fallait tuer le sorcier. Mais non, moi j'ai super. Pas vu ça non plus. Je l'ai purement inventé, tuer le sorcier. Je me suis dit un truc de. Genre le zombie c'est une créature d'hypertension, voilà, on lui jette un peu de sel, non. Ça y est, c'est de la merde. Tu lui jettes du sel et il retourne dans sa tombe. Non mais c'est un scandale. Moi j'ai lu qu'il fallait tuer le sorcier plusieurs fois. T'imagines les films de Romero? Le mec il s'achète un petit sel de mer et voilà, c'est bon, il a niqué le game. C'est nul. Le sel est aux zombies ce que l'ail est aux vampires. Ah, bien joué. Exactement. C'est nul. Peu importe. Qui a un point? Oui, c'était pas une blague. Personne. Non, personne. Non, pas toi. C'est nul. Mais je suis pas d'accord. Hein. Ah, mais ouais, c'est vrai. Ouais, moi non plus. Ah, mais je connais personnellement des Haïtiens. Qui a dit le lamantin? C'est Gido. Ouais, ouais. Putain, je me suis cassé le cul à chercher quel type d'animaux vivaient à Haïti. Ah, il y a des lamantins. Tu sais que lamantins. Ah, le mec, il a essayé de faire un truc. Mais je crois que là-bas, il y a le mur des lamantins d'ailleurs. Non, mais. Non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut une décoction à base de poisson lune. Avec des excipients. Pardon, non, non, mais ça, je le jure que c'est vrai. Mais je l'ai lu. Je l'ai lu. Il l'a lu sur Wikipédia. Non, pardon. Il faut des ossements humains, reptiliens et bactraciens. Reptiliens, on y revient. Ainsi qu'une toxine contenue dans le poison du poisson globe. Et cette drogue a pour double effet d'anéantir toute volonté présente chez l'homme et de donner l'apparence d'un zombie. D'accord. Le mec a bossé. Le mec sort ses références n'importe quand, mais il a bossé. J'ai bossé. Alors, quatrième question. Quel homme politique français peut être considéré comme un sorcier vaudou? Il va falloir justifier cette réponse. Réponse A, Jacques Chirac. Réponse B, Patrick Balkany. Réponse C, Jean Tiberi. Réponse D, Michel Rocard. Jean Tiberi parce qu'il a fait voter les morts. Bien wesh. Oh, franchement, je peux pas, je le laisse le point. Ouais, bah ouais. Bon bah maintenant c'est à niquer le truc globalement. Et c'est vrai que Jean Tiberi a fait voter les morts dans le 5e arrondissement en disant que il savait qu'il voterait pour lui. Technique très répandue en Tunisie sous Ben Ali d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Ouais. C'est intéressant. Mon arrière-grand-mère a voté. Elle a bien voté. Pourquoi le devoir civique, hein, ça va au-delà de la mort. Donc au-delà ça vaut, tu peux te mettre à dans l'au-delà. Merci. Cinquième question. Dans le film Zombie Strippers, qui est considéré quand même globalement comme un des plus mauvais films de zombies de l'histoire que j'ai vu. Et c'est vrai que ça mérite. Considéré par moi, quoi. Ça mérite. Non, c'est considéré par beaucoup de monde. Du coup, je l'ai regardé. Et c'est vrai qu'il mérite son titre. Alors, dans ce film, que comprend l'intello des stripteaseuses après sa zombification? Réponse A, la culture mexicaine. Réponse B, l'art de la fellation. Réponse C, le scénario du film qui, après tout, est incompréhensible. Ou réponse D, les livres de Nietzsche. Attends, est-ce que tu peux répéter? L'art de la fellation! Attends, c'est quoi la première? Alors. La culture mexicaine, mais l'art de la fellation. C'est la même chose les deux premières. Oh, oh, tu m'as une très bonne amie mexicaine. Non. Donc Zaza dit l'art de la fellation. Oui. Moi je dis les livres de Nietzsche. Moi je suis pour la fellation aussi. Et bah c'est Stavro qui a raison. Oh. La stripteaseuse lit Nietzsche et elle comprend beaucoup mieux le ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Oh là là, quelle bande d'enculés. Donc le zombie est une sorte de surhomme. En fait, avant de devenir un zombie, elle lit, puis tu vois qu'elle comprend pas trop. C'est scandaleux. Et après, elle devient un zombie, puis elle dit ah oui, maintenant ça fait sens. Ah, et voilà. Donc le surhomme nietzschéen, la volonté de puissance, c'est le zombie. Un grand film, un Zombie Strippers, si vous avez l'occasion de le regarder. L'éternel retour, c'est l'éternel retour des zombies. C'est ça. J'ai regardé Zombie Strippers, donc le scénario du film, au début, on commence avec des militaires qui tuent des zombies qu'ils ont eux-mêmes fabriqués, sauf qu'ils l'ont fabriqué à partir de, des gènes X. Donc du coup, quand ça se transmet entre femmes, ça fait des super soldats. Par contre, avec les hommes, ça fait des zombies normaux type Romero. Et il y a un zombie qui finit par infecter des stripteaseuses qui du coup deviennent super bonnes en striptease, mais qui se délite corporellement peu à peu. Pendant leur phase de striptease. Ouais, pendant leur striptease. Ah, ça doit être sympa. Et moi dans le 18e. C'est à peu près le seul scénario du film. C'est incompréhensible. Toutes les stripteaseuses se ressemblent, donc tu ne sais jamais qui est qui. Et voilà, c'est assez génial. Sixième question. Lequel de ces réalisateurs a été payé en partie en viande et en abats par son investisseur ? Réponse A, Romero. Réponse B, Romer. Réponse C, Fulci. Réponse D, Fellini. Fulci. Ah ouais, je connais l'histoire, c'est Fellini. Eh ben non, c'est Romero. Ah putain. Pour La Nuit des Morts Vivants, Romero. Non, ouais, t'as dit Fulci. T'es sûr ? Ne cherche pas à niquer. Donc oui, c'est Romero. C'est la quête d'une vie, ça. Pour, ne cherche pas à niquer. C'est ce que lui a dit sa mère. Alexandre, je veux dire, ne cherche pas à niquer. L'anecdote raconte que Romero a été. Son premier film a été. Un de ses investisseurs était un boucher qui le payait en abats et en viande. Alors, on va passer à la deuxième partie du quiz. Alors là, ça va être de la rapidité. Ah, attends, un petit rapidité. Un petit point sur les scores. Un petit point sur les scores. Ah oui, les scores alors. Moi, j'ai 8. 2 pour le père de JD. 1 pour Aladdin. Et 3 pour le saboteur. Ah. Comme quoi. Donc Aladdin, J2, quiz, mais J2 2, Zaza 1 et Stavro 3. Donc là, ça va être de la rapidité. C'est un quiz mort, vivant ou les deux. Donc je vais vous citer des personnalités. Il va falloir me dire si elles sont mortes, vivantes ou les deux. Je veux une justification si vous me dites les deux. Donc 7ème question, Bernard Minet. Mort. Vivant. Oh, les deux. Alors, normalement, c'est de la rapidité. Les deux. Parce que Bernard Minet, il est vivant dans nos cœurs, mais il est mort dans la France. Il est mort dans la culture. Je ne peux pas accepter cette réponse puisque Bernard Minet revient à l'occasion d'un truc genre Star 80 ou un truc comme ça. Et il est mort. C'est pas un show mort-vivant. Star 80, franchement. Alors, okay, ma mère veut des places pour Star 80, je la respecte. Ouais, mais ta mère, donc, elle est morte. Je vais donner un point à Zaza et un point à Stavro. Ah. Et mort, ça compte pas. Non, mort, ça compte pas. Ah, attends, il est mort avec le club Dorothée. Donc, je n'accepte plus cette réponse de il est mort médiatiquement. On est d'accord. D'accord. Okay. Puisque c'est trop facile. Donc, vous allez le faire à chaque fois, je vous connais. Pierre Tchernia. Mort. Je sais pas qui c'est. Ah, il est vivant. Tu sais pas qui c'est le pape de la télé française. Il est encore vivant, non? Il est... Alors ça a été un grand débat pendant l'AFK 10, je crois, parce qu'on a annoncé sa mort, et en fait il est vivant. Ah, mais oui. Quel âge? Si je m'abuse, je m'en battais déjà les couilles à l'époque. C'est très probable. Il a quel âge? 88 ans. Oh, là, c'est un scandale. Et il est toujours vivant, donc tu mets un point à J2. Non mais Pierre Charnier, quoi. Est-ce qu'on est vivant à cet âge-là? Pierre Charnier. Attends, et ça aurait été une bonne justification de mort vivant. C'est vrai. 9ème question, Lolo Ferrari. Mets-moi un point. Elle est morte. Non, elle est vivante. Elle est morte enterrée entre ses seins. Et elle est morte, en effet. Lolo Ferrari est morte. Exactement. Bien sûr qu'elle est morte. Les seins ont explosé dans la vie. Non, ils n'ont pas explosé, mais je crois que c'est ses interventions chirurgicales. C'est rapidité, mec. Je l'ai dit avant toi. Non, mais depuis tout à l'heure, on fait pas rapidité. Oui, non, on a arrêté rapidité parce que vous êtes trop chiant. Je t'ai donné un point grâce à la non-rapidité. Donc. Oh, bah oui, Bernard Minet, tu l'as dit en dernier, donc on t'enlève un point alors. Moitié homme. Alors, 10ème question. Moitié rebeu. Jacques Chirac. Les deux. Ouais, les deux. C'est un zombie. Il marche, mais on sent qu'il a plus rien dans ses yeux sont vides. Stavro, tu as le point. Ah, voilà, le saboteur. Alors, 11ème question. Pas un point, toi. 11ème question, il me faut la justification. Le chat de Schrödinger. Les deux. Alors, la justification, s'il te plaît. Eh bien, c'est très simple. Il est mort si tu ouvres la boîte et qu'il est effectivement mort. Il est vivant si tu ouvres pas la boîte. Non, il est les deux parce que tant que tu ouvres pas la boîte, tu sais pas de quel est son état. Ah, bien joué. Tu l'as quand même. Ah. Je crois que Zaza ne sait pas du tout de quoi on parle. Si, bien sûr que je sais, mais c'était pas drôle. Mais quelle théorie de la physique quantique ça illustre? C'est la question. J'étais persuadé que Stavro me dirait les deux, mais qu'il ne saurait pas répondre pourquoi. Donc il a niqué ma propre blague. C'est un classique. Garfield alors. 12ème question, Christopher Lee. Mort. Il est mort. Mort. Ouais. Je t'ai dit en premier, sa rapidité. Non, tout le monde a un point. Merde. C'est triste qu'il soit mort, Christopher Lee. C'est vrai. Et dire que 2 mois avant de mourir, elle a sorti un album de heavy metal, quoi. C'est un album, il est beau. C'est vrai. Il avait au moins 90 piges, si je ne m'abuse. Il faisait vraiment hardcore. Du heavy metal, quoi. Ouais. Excellent. 13ème question. Angela Lansbury, qui jouait dans Arabesque. Elle est morte. Oh, elle est morte. J'espère qu'elle est morte. elle est vivante et elle a 90 ans. Et on l'embrasse, oh, Angela Lansbury. Là, ouais. 14e question, et là je veux de la rapidité. Jésus. Il est vivant. Les deux. Il est vivant dans nos cœurs. Il est vivant. Non, les il deux. Il est mort et ressuscité. Voilà, les deux. Donc c'est Stavro qui marque le point. Je pensais que vous alliez. Mais non, mec, si t'es vraiment chrétien, il est soit mort, soit vivant. Enfin, il est vivant. Ah, il est ressuscité. Non, donc il est c'est vivant. Un... Il est a été mort et il est non, vivant. Non, il est vivant. Il est vivant. Et s'il est ressuscité, reviens, il est vivant. Il est pas mort et vivant. Jésus revient parmi les siens. Alors, je te... Montre-nous la voie, montre-nous le chemin. Merci, les gars. JD, on considérera Saint Thomas d'Aquin plus tard. Pour le moment, on va dire qu'il est les deux. Mais ceci, ce serait intéressant. Je sais pas à quel le moment Jésus on va pouvoir en parler. Mais donc on l'a pas décroché de la croix. Il est toujours là. Tant qu'on n'enlève pas la pierre. Ça va être, ça serait intéressant. Je sais pas dans quelle partie on pourra le placer, mais dans quelle mesure, effectivement, dans la culture occidentale, le premier mort-vivant, c'est Jésus-Christ lui-même. Ça. Alors, 15e question. Jesus. Yes. Charles Ingalls. Il est mort. Il est mort. Charles Ingalls, il est vivant. Dans la saison 4. Il est vivant. Et bah, Charles Ingalls est mort. Bah ouais. Puisque le 13 novembre. La petite maison dont on a pris raconte une histoire vraie. Donc l'histoire de Laura Ingalls. T'es sérieux ? Qui est une histoire vraie. Et du coup, Charles Ingalls est mort en 1902. Mais il s'appelait vraiment comme donc, ça ? Donc Zaza a un point, il ne sait pas pourquoi. Moi j'ai un point aussi, j'ai dit qu'il était mort ? Non, t'as dit qu'il était vivant. J'ai dit qu'il était mort dans non, la saison 4. Non, t'as dit qu'il était vivant. Ah, alors, on va réécouter. T'as dit qu'il alors, était vivant mort dans la saison 4. Moi je dis un point à Zaza. On parie 10 000 points qu'il n'est pas mort dans la saison 4. Si tu veux, mais je dis qu'il était mort quand même. Oui, mais t'as dit dans la saison 4, il fallait la justification. On a dit un point à Aladdin. Tu fais pas chier, tu le mets. Ça va, t'as plein de points. C'est vrai, ça me fait rien, ça me fait rien. Tu peux même en mettre deux. Question cul, ouais. 16, Paul Newman. Oh, vivant. Il est vivant. Il est mort. Alors, j'ai vivant, mort. Et mort. Paul Newman est mort, hélas. Ah, oui. Putain, mais il est fort. 17ème moi, question. C'est la pop culture, hein. Je suis un podcast dessus, excusez-moi, voilà, je sais. Philippe Bouvard. Il est vivant. Vivant. Vivant. Ouais, il est vivant, mais je mets pas de points à Stavro parce qu'il a dit trop tard. Oh, scandale. Allez. 18, Renaud. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant, en effet. Merci. Toujours vivant, toujours debout, ça va très bien, rassurez-vous. Ah, mais c'est vraiment scandaleux. Cette chanson, elle est horrible. C'est vraiment, je vous conseille, j'aime scandaleux. Pas trop Link the Sun, mais il a fait une très belle analyse cette chanson. Loana du Loft 1. Elle est vivante. Elle aurait dû être mourir. Elle est morte vivante parce qu'avant elle était bonne, maintenant elle est grosse. Oh, c'est oh non, ultra mais c'est chaud. Abusé, on va t'enlever un point, JD. C'est abusé. C'est le zombie. La vraie réponse, c'est elle s'est ratée plusieurs fois. C'est vrai. Donc je mets un point à ça, un point à Stavro parce que JD, je n'accepte attends, pas. Attends, c'était une très bonne justification. Alors là, rapide, je veux de la, je veux moi, de la rapidité gros, aussi. Ouais, enfin. Je veux de la rapidité aussi. Elvis. Il est vivant. Les deux. Il est vivant. Il est sur une île avec Tupac. Ouais, on il le sait. Il est Zaza le point. Il est complot. Vivant. Complot. Putain, moi, c'est tellement arbitraire. On le croit mort, mais il est encore vivant. Je voulais dire. Ouais, franchement, bah, sur Loana, point, ça marchait aussi. Non, non, non. Point. C'est un point. Tu le remets. Tu le remets. On le voit pas bien. 21e question. Frédéric Dard, l'auteur de San Antonio. Ah, il est mort. J'ai deux à un point. San Antonio, tu connais bah pas San attends, Antonio mec, Frédéric c'est Dard, comme ça, non c'est père de JD. Putain, le c'est mec, que... il fait de la pop culture, il connaît pas Frédéric Dard, c'est un scandale. Ah là là là là. Question 22, c'est la dernière de cette partie. Serge Lama. Ouais, non, mais Stargate il est géant, c'est vivant vachement mais malade. Et bien joué, Stavro, tu marques un point. Alors, on va passer à la troisième partie, et là, c'est vraiment de la rapidité. Je vais pas accepter des entourloupes comme tout à l'heure. Moi c'est un zon ou bi. Alors, zon ou bi ? La réponse contient zon ou bi. Oh, ça va être bien ça. Question 23. Hommage au quiz de Stavro dans la FK18. Que dit la mère de Zaza à ses clients ? Pas sur la bouche, mais c'est quoi le rapport ? Pas sur la bi. Le bisou. Pas de bisou. Pas de bisou. Pas de bisou. Alors, c'est zon ou bi ? C'est pas si. Hein ? C'est zon ou bi ? Pas de bisou. Bien joué. Ah ! Moi j'avais ça et j'avais aussi baison. Pas de baison ? Alors, question 24, je sens que je vais me faire incendier. L'alter ego de Ziggy Stardust. David Bowie, Zon ou Bi ? Non, David Bowie, mais il est bisexuel, donc ça marche. Bi. Hein ? David Bobby ? Non, David Bowie, mais il faut que ce soit Zon ou Bi. Il est ah, mort. Et lui, il est bi. Et lui, il est bi. Ah, mais qui ? Pourquoi tu t'es mis un point, toi ? Ouais, parce qu'il a dit David Bowie. Je dis, enculé. Alors, question 25, il nous dit si on doit prendre la route. Bison futé. Bien joué. Oh, bravo. Zombie mais il y a les deux du coup. Ouais, là, y a les donc ton quiz est niqué. Ah non, c'est. T'avais c'est... dit zon ou bi. Ah, mais il a le droit de choisir. Là, il y a bi et puis il a le droit de dire il y a zon. C'est les deux. C'est ça. À la base, je voulais faire un quiz les zombies ou bisons futés. Mais j'ai trouvé assez fait question. 26. Et là, c'est un peu. Je vais me faire incendier aussi parce que c'est un peu que Stavro qui peut répondre. Qu'est-ce que Tilk a dans le ventre? Un Goa'uld. Un zombie. Un symbiote. Ouais, bien joué. Non, mais ça, c'est. Bah non. Putain. Ah, mais il faut regarder Stargate, ouais, les gars. Il est déjà en avance. Tellement... Tu nous niques le game. Oui, bah j'avais pas prévu qu'il serait en avance en fait. Je pensais qu'il allait gagner des points dans cette partie. On reste toujours sur la pop culture chelou. Un film culturel avec Alain Chabat et Josiane Balasko sur l'homosexualité. Wow. Gazon maudit. Ouais, bien oh joué, J2. Le père de J2 revient. Ah, bah ça, c'est un film de mes années. Hein. 29ème question. Une ville du Cher faite pour tourner des films de zombies. Barbizon. Non, Barbizon, c'est... Vérizon. Ah, tu y es presque. Vierzon. Vierzon, voilà. Ah, merde. J'en avais pas du tout, ça. Bah, Barbizon, c'est pas dans le Cher, non? Non, je ne crois pas, non. Mais c'est quoi, Barbizon? C'est nulle part. Mais c'était les deux en même temps, c'est ça qui était cool. Ouais, c'était part. Beau. dernière question de ce coup. Dernière question. Où, elle vaut 5 points. C'est un super banco. Elle vaut 5 points. Non, elle vaut 5 points. Ça vaut 5 points. Non, ça vaut la gagne. Non, mais non, j'ai gagné. Ou alors on dit j'ai gagné. Elle vaut 10 points. Elle vaut... Alors les points, attendez, on peut faire vite fait. Meubler. Alors, Stavro compte, ouais. Et visiblement c'est compliqué. Il les fait 3 par 3. 9, 12, 15. Il a 15 points. Stavro a 15 points. Combien de points a Alain Dain? 10. Ok, ça vaut 5 points. Ouais. Je pense que c'est honnête. 6 même. 6. 7. Bon, allez, 10 points parce que sinon j'ai aucune chance de gagner. Allez, 10 points. Allez, 10 points, mais de toute façon, je pense que tu peux pas répondre, J2. question 30. Un jeu vidéo au scénario futile et au gameplay répétitif. Alors là, il y a plein de réponses. Moi, j'en ai une particulièrement en tête. Prison Architecte. Ah, pas mal. Bon, non, c'est pas répétitif. Enfin. Ouais, c'est vrai que c'est pas super. Bon, c'est quand même un peu répétitif, mais. Attends, répète la question. Un jeu vidéo au scénario futile et au gameplay répétitif. Toi, tu pensais à quoi? Moi, ouais, je pense que vous allez tous les deux me chier dessus. Non. Non, mais parce que vous considérez pas qu'il est futile, vous considérez que c'est le meilleur scénario du monde et que le gameplay est absolument grandiose. Spec Ops The Line, The Last of Us. Non. The Walking Dead. Y a pas de zombies dedans, y a du steampunk. BioShock Infinite. Ouais, bien joué. Et y a pas zombie dedans? Bah, y a BioShock. Ah ouais. Putain, c'est nul. Eh, Bio, je sais pas. BioShock pas... est de retour. Et donc, bien, coup... je gagne 25. Un petit point de plus. Et bah, bien, vous êtes fait piner, les gars. 25. Ouais, ça, elle était nulle la dernière question, franchement. La dernière question, j'avoue que je fatiguais. 25 à 10. À tu 12. Nous as fatigué. J'écrivais ces dernières questions pendant que Zassa m'incendiait parce que je lui donnais des films de merde à regarder hier soir. C'est vrai, tu m'as fait vraiment regarder de la merde. T'as regardé quoi alors, du coup? Comment ça s'appelait? Katikura Kutakira? Je sais plus exactement. Katikaru? Catherine Lara, Véronique Jeunesse. Il m'a fait regarder un film. Alors, il m'a fait télécharger un film de zombies japonais. Ouais. Et déjà, bon, j'étais là. Je le télécharge déjà, je me suis chauffé. Et j'avance dans le fichier. Et je vois pas de zombies. Alors, déjà, j'étais un peu perturbé, donc j'avance. Au bout d'une heure, il y avait toujours pas de zombies. Et la seule scène sur laquelle je suis tombé où il y avait des zombies, c'est une chorégraphie de comédie musicale. Où les zombies sont là, mais après tout, on est mort, mais on continue à vivre. Et c'était nul à chier. Et après, il y a les survivants qui chantent et qui dansent avec eux, et après, ils sont bouffés. J'ai rien compris, j'ai fait ok, c'était pas du tout maniqué. Tu m'as fait perdre 15 minutes de ma vie. Pensais, je t'ai envoyé ça en pensant vraiment pas que tu regarderais. Je me suis dit, si Adopi me nique sur ce fichier, ma vie est vraiment nulle. C'est fini, Adopi. Oui, ça a été voté la fin, oui. Là. Ah bah, je savais pas. Moi, j'ai l'impression d'être toujours dans la Thug Life en téléchargeant. Et non. Bah, tu m'as niqué. Et donc, on peut télécharger légalement alors? Non. Légalement, non, mais sans aucune sanction. De toute façon, Adopi, c'était un peu du vent, de toute façon. Qui a reçu des lettres Adopi? Personne. Moi, j'ai reçu un email. Ah, ouais. Ah, c'est vrai? Jadis, en 2012 à Orléans. Ah, ouais, mais Orléans. Donc, eh bien, bravo pour Stavrogin, hein, qui a gagné. C'est vrai, ouais, c'est le meilleur. Ouais. Stavrogin, Stavro gagne. Et maintenant, on passe à la seconde partie. Qu'est-ce qui fait? Quels sont les ressorts, n'est-ce pas, du zombie au cinéma et dans les autres œuvres culturelles? Voilà. Merci pour cette transition, Stavro. Thank you. Alors, on a essayé d'expliquer en quoi on pouvait, comment on pouvait définir le zombie. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il fait, quels sont les ressorts qui. Bon, je vais dire ressort avant, je parle de ressort tout le temps, c'est chiant. Parce que si on le sort une fois, pas non plus. Le ressortir, ouais, merci. Ouais, du coup, pourquoi le zombie, enfin, qu'est-ce qu'il fait dans les films qu'il soit si agréable à regarder? Qu'est-ce qu'il fait en temps, enfin, je sais pas, dans les autres pop cultures où il apparaît, qu'il nous plaise, le zombie? Voilà. Moi j'ai une petite théorie déjà de base, c'est que dans les jeux vidéo, c'est ce qu'a Resident Evil 96 sur PS1, il a quand même relancé le zombie, il a participé je pense. C'est vrai. Parce qu'on a pas vraiment parlé, mais dans l'histoire du film de zombie, il y a vraiment deux âges d'or, il y a genre 68-85. Années 90, ça commence à perdre un peu en puissance. Très peu de films de zombies dans les années 90. Il y en a beaucoup, mais qui sont vraiment nuls à chier en fait. Ça reste vraiment du cinéma bis d'exploitation qui veut faire du gore et qui sont pas bien. Il y a pas de... Ouais, c'est les soubresauts de la vague 68. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ce qui relance le zombie avant, 20 jours plus tard, c'est vraiment Resident Evil en 96. Et c'est le zombie, il marche vraiment beaucoup dans les jeux vidéo parce que c'est un ennemi déjà qui est pas humain. Ouais. On va en parler. Du coup, t'as le droit de le tuer sans état d'âme. Et surtout, niveau gameplay, on en parlait tout à l'heure, tu tires dans le corps, tu peux tirer 4-5 balles, et dans Resident Evil, tes balles, t'en as pas beaucoup, et il avance quand même, et tu dis putain, c'est chiant, du coup, faut que tu vises la tête à chaque fois. Donc, c'est un ressort de gameplay qui est inhérent aux zombies, mais qui marche vachement bien dans les jeux. Et qui coïncide du coup avec l'effervescence des salles d'arcade, où du coup, on était avec les bornes où fallait viser avec des grosses cibles sur la tête du zombie. C'est beau ce que tu dis parce que la même année que Resident Evil, il y a Assault Dead qui sort. Ouais, mais ça, c'est vraiment deux jeux complètement différents parce que. Non, mais c'est intéressant au niveau de la mécanique. C'est vrai, mais Resident Evil n'est pas du tout un jeu d'arcade par contre. Oui, c'est vrai que du coup le zombie tel qu'on l'a défini, ses caractéristiques appellent un gameplay en fait qui est déjà intéressant. Ouais, c'est ça. C'est grave cool. Et pareil, il est lent. Du coup, tu peux dans Resident Evil, le premier zombie que tu rencontres, c'est dans un couloir, un tout petit couloir. Ah ouais, il m'a terrifié ce truc-là. Il tourne la tête à 360 degrés et tu es là, putain, c'est chaud et tout. Et du coup, il avance vers toi, tu sais pas quoi faire, tout de suite, tu dois tirer dans le corps comme un boulot, ça marche pas, tirer dans la tête, donc c'est vachement intuitif. Et Resident Evil, c'est un des premiers jeux vraiment d'horreur, donc c'est intéressant que le zombie soit de la figure du jeu vidéo pour représenter l'horreur. Ouais. C'était vraiment la manière de se réapproprier. Ça va te faire plaisir. Avant, il y a Alone in the Dark en 92, qui est le trail of Craft. C'est vrai. Mais bon, n'en parlons pas. Mais ouais, c'est vrai, non, que, mais... c'est vrai que le mainstreamment, comme on dit en adverbe français. Comme on dit jamais en fait. Ouais. C'est vrai que le zombie est une figure de l'horreur du jeu vidéo. C'est comme ça que le jeu d'horreur s'est démocratisé, c'est vrai. Et c'est vrai que du coup, ce qu'on appelle dans le jeu vidéo le headshot, le tir à la tête, est headshot. Toujours un peu mis en avant, même dans les FPS traditionnels. Mais là, il est carrément justifié en fait du fait que non seulement ça va tuer vite, mais ça va juste tuer tout court. Alors que sinon, t'as beau défoncer tes balles sur un jeu type, je sais pas, Counter-Strike ou un FPS classique, tu peux tirer toutes tes balles dans le corps, le mec va mourir. Là, dans le zombie, tu vas tirer toutes tes balles dans le corps, ça ne va pas mourir. Donc ça appelle quelque chose. Et autre chose, d'un niveau caractéristique du zombie qui amène des gameplays rigolos, c'est que dans Resident Evil, je crois que c'est le remake sur GameCube en 2004, ou 2003, si tu tuais les zombies mais que tu les brûlais pas, enfin il y avait certains zombies, des Crimson Zombies, je crois, qui avaient une tête rouge, si tu les tuais genre à headshot et que tu les brûlais pas, ils revenaient. Ah ouais? Ouais, c'était des zombies spéciaux. Il fallait du coup avoir de l'essence et des allumettes sur toi pour C'était le retour du zombie, quoi. C'est ça. En fait, le zombie, en fait, il apparaît comme une espèce de figure où tu peux. En fait, ça apparaît comme un bon support de gameplay parce que tu peux justifier des manières de le tuer différentes et donc du coup qui justifient des gameplays différents à partir d'une créature finalement qui. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est une créature assez malléable, en fait, tu peux faire un peu ce que tu veux, donc comme tu disais, soit oui, le headshot, avec des règles qui sont définies. Soit le fait de le tirer, soit le fait de le brûler, etc. Oui, des règles qui sont définies, mais qui sont quand même redéfinies aussi par le jeu vidéo, parce que c'est pas exactement les règles qu'avait établi Romero. Oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça change, quoi. Le jeu vidéo pose ses propres règles, et tu parlais de l'enflammer, enfin, du fait de les enflammer, je trouve ça assez intéressant, parce que du coup, on va pouvoir dériver ça, et par exemple, dans des Resident Evil, il va y avoir aussi les chiens zombies, donc ils vont plus être, qui vont être plus rapides, aussi des bêtes, tout d'un coup, enfin, toute la panoplie des bêtes monstrueuses qui peuvent apparaître. C'est vrai que du coup... Le Nemesis, dans Resident Evil 3, tout ça, le gros, l'espèce de golem zombie géant. Les zombies noirs dans Resident Evil 5. Ouais, ça a fait polémique, ça, on en parlera plus tard. Du coup, un peu comme tous les grands monstres, ça appelle des manières spécifiques de les tuer. Et Dracula, il faut lui planter un pieu dans le cœur ou etc. Oui. La momie, il y a des rituels magiques pour la tuer. Donc on lui jette de la coriandre. le zombie, lui, appelle des manières spécifiques de tuer, mais qui sont accessibles et assez immédiates, qui peuvent jouer assez c'est facilement. Ça. C'est vrai qu'il y a différentes manières de tuer des zombies, même dans les films. Tu parlais tout à l'heure du retour des morts vivants. Je sais plus quel réalisateur, mais c'est un gros tâcheron. 86, ouais, ça. Ouais. Dans le deuxième opus du Retour des Morts Vivants, Je me rappelle qu'à la fin, ils attirent les zombies avec des cerveaux congelés et ils les électrocutent. Les zombies vont chez Picard. Et ils les électrocutent et du coup, les zombies meurent que par électrocution. Ouais, mais ça reste, comme le feu, ça reste une façon de tuer qui touche finalement le cerveau. C'est une façon dérivée, ouais, mais qui reste quand même dans la. Mais du coup, tu vois les ce que règles dire, qui sont définies. Ça appelle des trucs qui sont quand même accessibles où on peut. Tu peux, dans un film, comme on a dit que les zombies c'était toujours des masses, il n'y a jamais vraiment des films de zombies où il est tout seul. Tu peux avoir des manières de tuer qui sont assez accessibles, contrairement à. Si tu as un jeu, par exemple, avec une momie. Tu vas devoir, ça va être un boss et tu vas avoir des certains patterns et certains objets pour pouvoir le tuer. Donc, qu'est-ce que la masse ça suscite chez nous? Je pense que déjà la masse, il y a une sorte d'excitation directe quand tu vois dans tous les films, on parlait tout à l'heure de 28 semaines où on voit le mec courir pourchassé par des hordes de zombies. Il y a une peur du nombre de zombies. C'est pas tant par ses caractéristiques personnelles qui fait peur que par une sorte de marée en fait. Et on a tous ces images de marée de zombies dans les rues qui courent. C'est marrant que tu dis ça parce que moi je lisais une interview de Romero où il critiquait justement au moment de la sortie de World War Z où pour le coup t'as l'apogée de la masse de zombies du coup, c'est entre le mur de l'alimentation, on voit les zombies qui s'enfilent, etc. Voilà, des vomis de zombies qui il y a ça aussi dans le Resident Evil qui se passe dans le désert, je sais plus lequel c'est. Extinction, voilà, où vraiment c'est, il y a tellement une masse qui se cale contre le mur que les mecs peuvent se grimper les uns sur les autres et arriver tout en haut. Et Romero disait que c'était complètement contraire à l'idée qui se faisait du zombie, que le fait que c'était une armée de fourmis pour lui, que ça cassait l'individualité du zombie, c'était pas du tout la vision qu'il avait à la base en fait. Ouais, mais c'est assez marrant parce que l'individualité du zombie chez Romero, elle arrive assez tard en fait. Apparemment pour lui, c'était une idée qui était vraiment constitutionnelle de la vision du zombie. Je pense que le mec défend aussi son bout de truc. Mais je pense pas que Romero soit très intéressant, hélas, hein, dans ses films. Mais c'est vrai qu'il amène, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais il amène des questions d'individualisation du zombie assez régulièrement dans ses films. C'est vrai que cette masse, notamment dans World War Z, outre être une grosse bouse cinématographique, effectivement, il y a quand même ce plaisir de voir des masses de zombies s'acculer sur le mur des lamentations. S'acculer Mais du coup, quand ça passe un certain stade, je trouve qu'on dépasse le stade de l'angoisse en fait. Quand c'est, oui, c'est vrai. Ça devient presque comme le burlesque, tu vois, avec le gore. C'est quand on dépasse un certain stade, ça devient presque comique en fait. Ça devient une masse informe et c'est pas l'angoisse d'être. Mais c'est marrant parce que je trouve ça vraiment caractéristique aussi du zombie, le fait que c'est en même temps quelque chose d'angoissant et en même temps quelque chose qu'on arrive à dépasser. Et là, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que le côté burlesque dont tu parles, en fait, je pense que c'est aussi typique du zombie, c'est-à-dire que si on peut si bien se le réapproprier, et si aujourd'hui, on en parlera encore une fois plus tard, mais le fait qu'il y ait des gens qui, tu vois, enfin les marches zombies, etc., c'est que en fait, c'est quelque chose qu'on peut facilement, tu vois, dont on peut facilement s'identifier, enfin auquel on peut facilement s'identifier, et aussi un espèce de truc. Oui, c'est comique aussi. Le zombie, je pense que c'est, il y a un côté comique, quoi. D'ailleurs, c'est pour c'est, ça que c'est pas si, y a si pas mal flippant de, que ça, en fait. De, ce qu'on appelle les zomcoms. Les comédies les zombies. Très moche. Ouais, c'est dégueulasse. Type Shaun of the Dead. Fido. Ou Zombieland. Ouais. Où on reprend tous les codes, en fait, qui ont été posés par Romero. Et on les détourne pour rigoler. Et c'est vrai que le zombie est immédiatement rigolo, en fait. Mais généralement, en fait, il y a un peu cette dualité. C'est-à-dire que t'as la masse, mais en même temps, chaque zombie est individuel. Tu vois, il y a souvent des zombies qui vont avoir des particularités spécifiques. Tu vois, genre le zombie qui fait ça. Le jardinier. C'est un peu comme Martine, tu vois, zombie à la plage, zombie chapeau, zombie tondeuse. Il y a ça, notamment dans Left 4 Dead, où il y a des. Qui est un jeu vidéo. Sur dont PC, on a déjà parlé, où on a des zombies spéciaux. Il y a les zombies normaux qui sont un peu comme, enfin, tu peux en avoir 100, peu importe, c'est les mêmes, mais il y a des zombies qui sont spéciaux. Il y a le boomer, le machin. Donc, il y a cette idée latente de masse qui t'entoure, mais en même temps, chaque zombie conserve son individualité du fait qu'avant c'était un humain, donc il a quand même des particularités qui lui sont propres. Ouais. Mais on peut voir l'argument de la masse, il fait aussi plaisir. Là, il y a deux choses. Dans Walking Dead, il y a saison 5 ou 6, je sais plus. Peu importe. Plus les saisons avancent. 6. Plus les saisons avancent, plus il y a des zombies à l'écran. C'est à 18, je crois. Plus il y a des zombies à l'écran et c'est assez. tu dis putain la vache, il y a beaucoup de figurants, tu te dis c'est un peu cool quoi de voir autant de zombies à l'écran dans la série quoi. Il y a une scène où le mec regarde une série, il se dit ouais, ils ont un budget pour payer des figurants. Non mais c'est assez cool, tu vois, il y a une scène assez iconique où Daryl est en moto et derrière lui il y a genre mais 200 zombies sur la route et tu dis putain c'est un peu classe quand même. Non mais c'est vrai que ça fait partie du truc, le fait que j'ai tout d'un coup une masse qui arrive, c'est vraiment ça fait partie de l'excitation zombie quoi. Vraiment la confrontation à la masse. Moi je pense que plus que le truc de la masse, enfin il y avait ah pardon excuse-moi bah vas-y. Je t'avais dit il y a deux trucs, il y avait ça. C'est quoi le deuxième truc? Et dans c'est aussi un plaisir entre un argument plutôt qu'un plaisir technique dans les jeux vidéo, ce qu'on se souvient de comment il s'appelle cette série de jeux dans le centre commercial aussi justement pas Dead Island mais Dead Rising effectivement. Dead Rising est le premier qui est sorti en 2010 par là sur Xbox One. Son argument de vente principal c'était putain les gars, on a modélisé la masse de zombies. Et c'était l'argument de massue marketing. C'est l'argument de DayZ aussi, sauf qu'ils sont toujours pas arrivés depuis 4 mais ans. Mais voilà, c'était du coup le moteur, il est tellement cool qu'on on peut afficher 100 zombies autour de toi quoi. Donc, ouais, c'est vrai que si tu prends des figures comme le vampire ou la momie, c'est pas quelque chose qui va toujours arriver sur toi ou qui va te qui est toujours un peu dans un coin, mais c'est toujours le mec que t'as en vue continuellement. Tu sais que tu vas devoir le tuer, tu l'as toujours en vue. Alors que le zombie, peu importe, tant tu dis, tant tu sens, il y en aura toujours derrière quoi. Et du coup, du fait qu'ils soient nombreux, ce que ça justifie dans le gameplay de jeux vidéo, c'est qu'on les a le droit. Pardon. Ah non, pardon, je pensais que t'allais parler de gangbang. Non mais et du coup, ce que ça justifie, c'est le fait que on peut les éclater comme on veut. C'est ça qui est vraiment bien toujours avec les zombies. Bang, d'ailleurs. C'est que on en peut. Fait, on peut dire les zombies quand il y en a un, ça va, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes. C'est ça. Oh, merci Brice Ortefeu. Mais non, je pense que ça en fait. C'est pour ça que ça en fait vraiment une figure importante pour le jeu vidéo et que le jeu vidéo a repris allègrement, c'est que du coup tu peux shooter facilement dans le zombie et ça peut devenir une figure en fait. Enfin, du fait de son nombre. Où tu peux effectivement le démembrer, charcuter, faire ce que tu veux, et du coup il y a une figure en fait le zombie devient une espèce de figure corporelle non humaine qui justifie le massacre. Ouais, et il y a une sorte de permis de tuer qui est total parce que c'est pas vraiment des humains. Bah, les zombies c'est les nouveaux nazis dans les jeux vidéo. C'est vrai, mais parce que les nazis n'étaient pas humains. On a fait la différence tout à l'heure entre les zombies morts-vivants et les fantômes. Les fantômes, c'est des âmes avec des individualités. Le zombie, lui, il a perdu toute âme. Donc, c'est qu'un corps. Pur corps que tu peux défoncer comme tu veux, quoi. Donc, il y a un vrai plaisir, que ce soit dans le cinéma ou. D'où que ce soit décuplé quand on a des zombies nazis, du coup. Pour les zombies nazis, c'est le summum. Le droit de les tuer. Bon, c'est un peu le bingo, quoi. Le zombie nazi, c'est notamment. Dead Snow, ouais. Le lac des morts vivants. Ah oui, il y a un film. Parle de ce film incroyable. Alors il y a un film qui est sorti dans les années, enfin 1980, qui s'appelle Le lac des morts vivants. Un film français. Oui, par un mec qui s'appelle Roland. Enfin, il a fait plusieurs films des nanars absolus dans le genre. Enfin, et donc notamment Le lac des morts vivants. Roland. Et ce qui est génial dans Le lac des morts vivants, c'est déjà le côté kitsch absolu des cinémas français des années 80. Déjà, c'est d'une que le film est sorti dans les années 80. Tout s'était gominé. Mais oui, ça c'est hallucinant. Les nazis, donc ce sont des morts-vivants nazis qui sont dans un lac. Et le film commence par. Ils sont homosexuels. Est-ce qu'ils s'enculent? Je sais pas. Mais ils sont dans le lac ou dans le marais? Ça commence. Ah mais ça commence de manière assez géniale par une scène qui dure à peu près 10 minutes. T'as une meuf à poil qui se baigne dans un lac tout nu, etc. Et que t'as un zombie qui sort. Ah oui, les zombies pervers. Oui, j'ai vu ça. Le film est une espèce de satire sur la résistance parce qu'en fait l'histoire, enfin le synopsis, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, il y a un commando qui a tué des nazis. Qui était dans un village et qui les a foutus dans le lac. Et après la libération, les nazis reviennent. Et là, tout le village, enfin uni, tue les nazis. Et donc, c'est une manière de dire on a tous été résistants. Oui, ça s'en fiche de la chose. Mais franchement, c'est assez excellent. Sponsorisé par De Gaulle. Après, ce film est un navet intégral, tant au niveau des jeux des acteurs que. En même temps, globalement, on parle de navet. Mais ceci dit, il y a une certaine esthétique kitsch qui est quand même assez agréable à regarder, notamment au niveau de la musique. Une esthétique kitsch de la musique? C'est exactement, on dirait, c'est les synthétiseurs des années 80, ouais, et c'est génial. En plus, il n'y a que ça dans la version européenne de Dawn of the Dead de Argento, c'est que de la musique dégueulasse avec des claviers et tout. Mais ouais, c'est fou ça. C'est vrai qu'on a rarement des musiques classe en fait pour les zombies, à part 28 jours, qui est sans doute une des meilleures soundtracks de tous les temps. Ah, mais je sais pas si c'est si dégueulasse. Enfin, c'est-à-dire que oui, effectivement, ça nous paraît dégueulasse maintenant parce que c'est très années 80, et en même temps, ça donne une esthétique hallucinante. Le son dans le premier Romero. Au moment où il y a une vampire qui tue la femme, là, je sais pas. Une vampire dans Romero. une, pardon, il y a un zombie qui tue, c'est la même chose, qui tue une femme. Il y a un gros travail sur le son et sur la meuf qui crie, etc., et qui se fait éventrer, qui est absolument hallucinant, qui est terrorisant. Enfin, et ils ont beaucoup joué là-dessus. De complètement annihiler dans le remake du coup qu'ils ont fait Argentin de Dawn of the Dead. Argentin ou Argento? Argentin. Tu parles d'Argento ou d'Argentin? Ouais, Argento. Ça, ah oui. C'est pas ça. C'est un Argentin. Non, c'est un Italien. C'est Italien, mais pas. Dario non, Argentin. En fait, c'est pas un remake. En gros, dans nos aides, il y a eu deux. En fait, c'est le même. Ils ont pas changé le montage et la musique. C'est ça. En fait, c'est ouais, le même film en portugais. C'est le même film. C'est le même film, mais monté différemment. Il y a eu un montage américain de Romero et un montage européen d'Argento, en fait. Mmh. Ouais. Mais du coup, c'est deux films différents. C'est les mêmes rushs, ouais, mais monté bon, différemment. Ça finit par oh là, c'est portugais, quoi. Non, mais. Ouais. Le mec a moi, je dis plus rien. Et non, mais c'est vrai que le permis de tuer chez les zombies, c'est assez. C'est une cible facile, le zombie, voilà. Ouais, c'est... et puis à mon avis, c'est associé à un autre aspect qui est vraiment le gore. Puisque si oui. t'as des armées de squelettes. Tu les tues, bon, ça fait des caplas, ça casse, quoi. Mais ouais, ça fait des... ouais, après tu fais un Mikado, c'est rigolo, mais le zombie, c'est... comme il y a cette chair dont on a parlé tout à l'heure, le fait de le buter, que ce soit à la machette, d'ailleurs, c'est plus jouissif. On a toujours des armes qui sont associées ouais, la tronçonneuse, la machette, et à la limite, tu préfères même ça que le lance-grenade ou des machins comme ça. Après, c'est pas très rigolo. Ou la tondeuse. Moi, je me suis tapé le Dead. Attends, comment il s'appelle le film de Peter Jackson là? Brain Dead. Il y a une scène d'anthologie à la fin où le mec allume une tondeuse à gazon dans une pièce remplie de zombies et va comme ça se balader dans la pièce en les découpant tous les uns après les autres. C'est des ouais, jets de sang. Il y a un gros plaisir gore qui est vraiment amené par ça. Ouais. À cause de leur corps un peu malléable. C'est quoi, jouissif. Voilà. Quoi. À cause de la chair, il y a un vrai plaisir gore. Mais du coup, le truc de la chair, c'est assez intéressant par rapport à la réception du spectateur parce que, à la différence effectivement du squelette, c'est que en fait, ça nous terrorise vraiment le rapport au corps du zombie. C'est aussi. Quelque chose qui est tabou chez nous, c'est-à-dire le fait d'aller voir à l'intérieur du corps, etc. En tant qu'humain, c'est une peur, quoi. C'est-à-dire de voir l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, nous... On a tous peur de chair, hein, c'est sûr. avec ses côtes en moins. Elle a des côtes en moins, chair. Ouais, elle s'est fait enlever comme une côte comme Mike Manson. Pour sucer la bite comme Michael Jackson. Ouais, bon, comme Michael Jackson, non. Michael Jackson, il suçait des enfants. Oui, non, mais lui, j'allais dire, il avait des enfants pour le faire. Mais Michael Jackson a été un zombie. Ah. Dans Thriller, on en a pas parlé, mais c'est aussi un des grands moments où le zombie arrive dans la culture populaire. Mais ouais, là c'est vraiment la même. Thriller! Mais c'est vrai que c'est important d'en parler. Et franchement, je pense que c'est la plus grande démocratisation du zombie. Ouais, je pense Thriller. On n'est pas les seuls à le dire. Non, je pense que ça a été fait. Valérie est d'accord avec nous, hein, Valérie Thriller. Donc on a ce permis de tuer associé à des masses et à du gore. Donc je pense que c'est ce qui fait le trio gagnant un petit peu soit du film ou du jeu, et peut-être surtout du jeu en fait de zombies où là on va pouvoir se défouler complètement. Bah justement, Dead Rising, très vite dans le 2 et dans le 3, ce qui a été vachement marketé aussi, c'est que tu pouvais crafter des armes vachement cheloues pour tuer les zombies. Ouais, dans Dead Island aussi, tu pouvais faire des armes, et les armes du coup deviennent super importantes dans les jeux de zombies parce que tu vas pouvoir les massacrer de manière différente. C'est qui éclabousse le plus. D'ailleurs, ouais, voilà. Et au plus niveau de démembrement, au niveau des armes, l'arme favorite pour les trucs de zombies, c'est, enfin, des armes à feu, c'est le fusil à pompe. Parce que le fusil à pompe, tu balayes large et ça fait des trucs dégueulasses, quoi. Donc là, on est plutôt dans les. C'est vrai qu'on est. On va pas trop parler de l'aspect survie et de l'aspect les humains contre les zombies parce que il y a une FK sur le survivalisme qui est prévue bientôt. Ah. Et là, du coup, on parle plutôt du point de vue des survivants contre les zombies. Mais dans la culture plus contemporaine, on a l'autre face des zombies où on va suivre des zombies. Est-ce que ça tu voudrais en parler? Je sais que ça te tient à cœur un petit peu. On va être dans la peau d'un zombie en fait dans les œuvres de fiction. Oui, bah c'est le tournant qui est assez intéressant une fois que le zombie est devenu. On a exploité ce qu'on vient de dire. Voilà, une fois tu veux faire des tournantes avec les zombies? J'ai pas très bien. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Merci. Non, mais je veux dire, une fois qu'on a fait le tour en fait de la figure du zombie déshumanisé, il y a eu un retour dans la pop culture justement du côté humain chez les zombies où on a un peu une espèce de post-zombie qui est plus une créature qui est complètement dénuée de conscience, de sentiments, mais où justement on commence à réexploiter ce retour de l'être humain. Ouais. Est-ce que ça suscite chez les personnes qui sont chez les survivants en fait qui sont confrontés à la figure du zombie? Qu'est-ce qu'il lui reste d'humanité, quoi. Ouais, c'est assez intéressant. Et tu parlais tout à l'heure de Romero qui lui insistait sur l'individualité, et c'est vrai que Romero a tendance à partir de Day of the Dead, a insisté sur l'individualité. Ouais. Ouais, mais d'ailleurs, c'est le zombie qui lead un peu la horde là. Le... Alors, ça c'est dans Land of the Dead. Mais en fait, dès le troisième film de Romero, Day of the Dead, il y a le zombie qui s'appelle Bub, B-U-B. Et ils lui apprennent. Le mec qui est en bleu de travail là. Ouais, ils lui apprennent à utiliser un Walkman et tout. Ouais, il a utilisé un Walkman, un téléphone et une arme à feu. Ouais. Et du coup, ce zombie-là, il se distingue complètement de la masse parce que d'un seul coup, il a des facultés intellectuelles. Il a un nom, ouais, voilà. Il a un nom, il est humanisé. Donc Romero a intégré ça et tu parlais de Land of the Dead, qui est un des films complètement pourris en fait de Romero dans les nouveaux films. Où les zombies s'organisent et du coup, ils ont un leader. Ouais. Ils ont un leader et c'est vrai que lui, il est complètement. Ça préfigure un peu comment s'appelle le film avec Will Smith, mais qui a adapté du bouquin. I Am Legend. Ah ouais. Oui, ça serait bien. Et du coup, ce zombie-là dans Land of the Dead. Et complètement individualisé, tu peux le reconnaître en fait dans la masse. C'est vrai. Mais en fait, du coup, c'est ce qu'on dit. T'as raison, tu vas sûrement en parler mieux que moi, mais il y a un post-zombie dans plusieurs œuvres, une fois qu'on a fait le tour du zombie, mais qui était dès le début en fait. Je me suis dit qu'il a pas. Parce que Day of the Dead, c'est 83, quoi. Du coup, on a attendu 25 ans pour. On a attendu d'épuiser le filon. Ouais, c'est ça. La piste est déjà là. Mais il y avait un filon peut-être plus immédiat au niveau des masses et tout ça. Et au niveau on va dire des survivants contre les zombies, là il y avait un gros filon qu'on a exploité. Et après, on est allé repiocher chez Romero des zombies plus individuels. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de Fido, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Ouais, alors c'est du coup une comédie plus 2006. Ou moins, de 2006, voilà, où en fait le concept c'est qu'il y a eu donc la World War Z, il y a eu la guerre contre les zombies avec les humains qui ont fini par mater les zombies et qui ont développé une technologie qui permet en fait de mettre un collier autour des zombies qui supprime. Leur volonté de manger de la chair, qui les rend dociles, qui les transforme en esclaves en fait. Tu m'intéresses là globalement. Oui, je sais que ça te plaît ce genre de. Mettre des colliers pour rendre dociles. Non, c'est pas des cordes, c'est des colliers. Ah, pardon. Calme-toi. Okay. Et du coup, donc dans le film, on suit une famille qui prend un de ces zombies. Zombie de compagnie en fait. Exactement, un zombie Alfred quoi. Et ce zombie, au fur et à mesure du film, on va se rendre compte. Un zombie un peu mausolé. Un muselé. Merci. Muslim. Et donc ce zombie, ouh là là, on se rend compte au fur et à mesure, il a des sentiments, qu'il s'attache aux personnes qui sont proches de lui. Et il y a eu, bon, je vais spoiler les films et tout le monde s'en bat les couilles. Il y a un moment où le collier va avoir des dysfonctionnements. Et indépendamment de ça, le zombie va quand même reconnaître les gens qui sont ses potes, les gens avec qui il a de l'affection, et va ne pas les attaquer volontairement. Donc c'est un... Mais le zombie devient du coup un peu une figure de l'enfant sauvage, presque en fait. Ouais, mais du coup on retrouve le truc vaudou du zombie esclave. Pas faux. Non, on en parle plus tard, parce que c'est la politique. Oui, mais juste, on a avec ces zombies esclaves là, on a un rapport plus affectif et plus individualisé qu'on retrouve dans un film japonais qui est complètement fou, d'un réalisateur qui s'appelle Sabu, réalisé en 2013, qui s'appelle Miss Zombie. Tu t'es vu contre Sabu? On n'a pas compris ta blague. Tu t'es vu quand ça bu. Ah ok, tant mieux. Voilà. Donc Miss Zombie, c'est un film assez chelou, très esthétisé à la cinéma japonais. C'est avec Geneviève de Fontenay, je crois. C'est ça. Et oh ouais, c'est beau. Et on a une jeune zombie en fait qui arrive dans une famille pour être esclave, et les mecs commencent à s'exciter sur elle et à la maltraiter. Ouais. Et du coup, il y a une critique sociale qui est pas pertinente dans cette partie, mais tu vois, on a un rapport affectif avec elle, et il y a des grandes scènes super longues, très très malséantes, où deux mecs prennent l'apéro en matant le zombie qui est en train de récurer par terre. Ouais. Alors après, en poussant ça encore plus loin, t'as le film Dead Girl, où le principe. J'ai pas vu ça. Alors le principe, c'est une bande de jeunes qui trouvent un corps de zombie dans une morgue et qui en fait discutent de comment ils vont la violer parce qu'ils ont envie de baiser, et c'est plus ou moins un porno SM avec une zombie. Intéressant, les mecs, ça a l'air bien. Les mecs se chauffent. Non, mais ce qui est intéressant, je pense, une fois qu'on se rend compte que la figure du zombie a été complètement exploitée et qu'on repasse vers ce post-zombie intelligent, c'est pas ce que ça révèle tant dans la personne du zombie, mais c'est ce que ça révèle chez les personnes qui entourent ce zombie dont la conscience émerge, en fait. Et c'est comment il gère, justement, cet être qui est pas vraiment intelligent, mais pas vraiment débile non plus, et qui on est un peu dans ce gris moral de un humain, mais c'est pas vraiment un humain. Tu vois, tu disais la masse, on a le droit de le charcuter parce que c'est un zombie, et là, est-ce qu'on a le droit de le baiser parce que c'est un zombie? Dès qu'il est individualisé, en fait, on perd ce permis, c'est permis de tuer. Bah, on le perd, mais donc, en tout cas, ça crée une zone grise qui est exploitée par le cinéma, clairement. On parlait aussi rapidement de... Est-ce qu'on a parlé d'In the Flesh encore? Pas encore. Non, pas encore. Et je pense que là, c'est vraiment intéressant. Ouais. Alors, In the Flesh, c'est une mini-série anglaise qui est quand même vachement bien. Si vous avez un truc à regarder, je pense que c'est ça. Ouais. Enfin, J2 est pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord, mais je dirais ce que j'en pense. En gros, le synopsis, c'est que après un réveil des morts, le gouvernement anglais trouve une sorte de médicament pour faire en sorte qu'il soit plus agressif. Il reste mort, mais il retrouve l'aspect des morts. Ils gardent l'aspect mort, mais ils retrouvent une conscience, ils retrouvent leurs souvenirs et ils sont plus du tout agressifs comme pas plus qu'avant. Voilà. Et là, on suit un mec, Kieran Walker, qui retourne dans sa famille et on suit en gros ses péripéties dans sa dans son retour au village natal. Là, ce qui est intéressant, c'est que on n'est plus du tout dans le cadre où on est contre des zombies, on peut les tuer. On est attaché à une personnalité, un individu qui retourne dans une communauté où tout le monde veut le tuer parce que c'est un zombie, quoi. Et là, on retrouve vraiment l'individualité là est totale puisqu'il a retrouvé toutes ses facultés intellectuelles, il a retrouvé tous ses souvenirs. Et il y a ça encore plus fort avec Warm Bodies que j'ai pas vu, mais qui est une histoire d'amour entre deux zombies. Entre un zombie et une humaine, je crois. C'est longtemps que je l'ai vu, j'avoue que j'ai un peu un Mais c'est de la grosse merde. Oui, mais c'est. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je pense qu'on joue avec ça entre Warm Bodies, In the Flesh. Et il y a aussi High Zombie en ce moment où l'héroïne est une zombie. Ah ouais, ça j'ai vu ça, mais c'est nul à chier. J'ai pas regardé ça. En gros, c'est une meuf qui travaille dans une morgue et qui par hasard est zombie. Et du coup, quand elle mange des bouts de cerveau, je crois qu'elle a des souvenirs des meurtres. Pourquoi les mecs ont été tués. Donc elle va faire des enquêtes policières. C'est un peu là, ça a l'air vraiment naze. C'est un peu Monk avec les zombies, quoi. Donc, Et il y avait aussi la série Homecoming dont tu m'avais parlé. C'était une ça, série dans là, laquelle là on est pas vraiment dans ça. Je pense que c'est mieux pour la troisième partie. Ah c'est pas ah d'accord. Bon bah non. Non mais alors parties, du coup moi je vais juste avoir une petite critique. Une petite critique sur le post zombie, c'est-à-dire que enfin en même temps c'est intéressant. Je trouve qu'on utilise le zombie pour pouvoir faire des critiques sociales plus approfondies et éventuellement faire des critiques du souvent sur la perte d'individualité, le rapport à le rapport à l'individu, tout ça. Je trouve ça intéressant, mais ça implique forcément d'être passé du côté post-zombie, c'est-à-dire on sait tous ce que c'est qu'un zombie et du coup on va l'utiliser comme figure. Ouais. Et je trouve que par exemple dans In the Flesh, le problème c'est que finalement on n'a plus rapport aux zombies comme une inquiétante étrangeté comme il y avait chez Romero, etc. Alors, c'est-à-dire comme quelque chose qui nous faisait peur, etc. Et on ne savait pas d'où ça vient. T'as regardé tout In the Flesh? Non, j'ai regardé juste le premier épisode. Justement, ça c'est vachement travaillé dans la série où au début tu suis un zombie qui est vraiment revenu. En fait, il a plus rien d'un zombie parce qu'en plus il se maquille pour ne plus ressembler à un zombie. Oui, c'est ça, j'ai vu. Toute la première et surtout la deuxième saison est travaillée par le fait qu'il reste inquiétant. Et il reste complètement étranger. Et il y a possibilité pour qu'il retourne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Frankenstein, en fait, du coup. Moi, je trouve que le problème, c'est que c'est tout de suite, si tu veux, on sent tout de suite la critique sociale un peu forcée. C'est-à-dire oui, que c'est vrai. On voit qu'on veut nous. C'est un peu didactique, en fait, comme série. Je veux dire, tu perds un peu le côté vraiment étrange qu'il y avait dans les premiers films de zombies. Et tout. Ça devient un prétexte. Voilà, c'est ça. Fait. Oui, non, c'est pas faux. C'est pas faux. Je trouvais ça un peu gênant, si tu veux. Oui, mais comme on a dépassé le paradigme du zombie, est-ce que ça suscite chez le spectateur, ça devient un prétexte pour voir, pour examiner la nature humaine, en fait. C'est un peu. Oui, c'est ça. Mais je trouve que le côté prétexte, si tu veux, est trop fortement marqué. Et moi, j'ai du mal à me faire plonger. Mais c'est une évolution qui est naturelle à partir du moment où t'as fait le tour des problématiques que tu peux évoquer en parlant de zombies. Je trouve que c'est surtout le signe que la culture zombie est vraiment intégrée dans notre époque. Aussi. C'est vraiment le. Enfin. C'est-à-dire tout le monde sait ce que c'est qu'un zombie maintenant et pourtant, du coup on peut se permettre ce genre de choses. The Last of Us, ils arrivent à réinventer à peu près le mythe du zombie avec en jouant. Alors The Last of Us, c'est un jeu vidéo sorti en 2013. Mais ce qui est vraiment intéressant dans The Last of Us, comme on en parlait dans la FK sur l'amour dans les jeux vidéo, c'est les relations que ça développe à côté. Non mais ouais. Oui, je voulais juste parler des zombies en tant que tels. C'est des zombies qu'on n'avait pas vus avant en fait. Ouais, les cliqueurs. Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Et ils sont aveugles, ils se repèrent juste au bruit. C'est l'espèce de plante bizarre. Ils ont un côté un peu bubonique, un peu. Ouais. Là c'est vraiment surviant. En fait, ils mais tu joues vraiment sur les codes, mais tu changes pas la fonction. Là, moi, je suis d'accord. Là, on était vraiment dans la fonction en fait. Bah oui, mais je réponds à GD qui dit qu'on a fait le tour et que du coup maintenant, moi à toi, qu'on est un post-zombie, on a encore des choses à voir dans le zombie normal. Mais je suis d'accord, mais moi je suis plutôt pour ce genre d'exploitation plutôt que l'exploitation qui fait qu'on prend le code du zombie comme dans In the Flesh et on en profite pour faire, tu vois, une critique sociale qui aurait pu être faite autrement en fait. Mais voilà, enfin, tu vois, finalement, l'idée du mec qui est banni de sa communauté et qui en fait, tu vois, enfin, tout le truc de la critique sociale, tout ça, elle peut être faite par d'autres biais que par c'est un peu des gros panneaux, quoi. T'es un peu non, je plus, sais, voilà, le zombie, quoi. Bah peut-être, ouais, voilà. Ou réfugié syrien. On y arrive. J'ai pas suivi alors, ce qui s'est passé. J'ai entendu réfugié syrien après. Alors du coup, ouais, je suis un peu d'accord avec l'idée. Pourtant, j'ai pas vu The Flash, mais je pense qu'il y a. Eh bah t'es un connard. On va trop vite dans le post-zombie, je pense. On a encore des choses à voir dans le zombie normal. Ah, les gros ouais, conservateurs du zombie, genre. Oh, non, mais c'est intéressant de garder le côté flippant du zombie. Tu vois. Ouais. Moi, mais je trouve que c'est la figure de l'horreur. Si tu l'intègres trop et tu dis, enfin, le côté critique en fait est trop intégré. Bah, c'est une manière de se récupérer parce que ça critique. Donc toi, tu veux garder vraiment oui, l'horreur dans le zombie. Ouais, je trouve ça important. L'horreur ou l'angoisse. Ah, ça y est. Parce qu'il faut savoir que Stavro me casse les couilles depuis un an à me dire que il préfère les zombies morts-vivants aux zombies infectés parce que les zombies et lequel infectés est qui en fait mettent de l'horreur tandis que les autres mettent de l'angoisse. On sait jamais lequel est lequel. Alors, je me suis expose ta théorie. Je me suis ravisé entre temps, mais. À l'époque, on va dire que voilà, j'ai quand même changé d'avis, on va expliquer. Bon, les gars, ça vous intéresse qu'on fait un podcast ou pas? On adore, on kiffe. Merci. Donc vas-y, ça vaut ta théorie. En gros, la théorie, c'est que dès que le zombie ou l'infecté, peu importe, court, on a plus une propension au jumpscare ou à l'horreur immédiate, alors que quand le zombie marche et en horde ou en masse, il y a plus une épée de Damoclès un peu angoissante. Moi, je suis pas d'accord. Moi non plus. Non, mais moi non plus, on peut. En fait. Parce que le fait de savoir qu'il y a des zombies infectés. Je finis. Peuvent courir et arriver à n'importe quel moment, mais qui ne sont pas à l'écran, qui sont hors cadre, et ben ça crée de l'angoisse. Donc je pense que t'as un tort. Un bon point de ça. Je suis d'accord. De, non, mais, alors, clair, t'es d'accord avec le fait que t'es une merde? T'as jamais dit ça. Il est d'accord avec le fait que t'es une merde. On l'a tous entendu les très deux, fort. Les deux, ils parlent de l'horreur dans l'infecté, de l'angoisse dans l'infecté, ce que tu veux, mais il y en a un qui est plus propice à l'autre, simplement, je pense. Que le zombie qui marche amènera plus facilement de l'angoisse que l'infecté. C'est un peu comme la différence entre fantastique et horreur, finalement. Oui. Oui, d'accord. C'est l'idée que, en fait, finalement, le zombie, en fait, tu le vois pas forcément, c'est pas explicite au niveau de l'action, c'est pas forcément le gore, mais c'est plutôt une espèce de peur qui est hors cadre. Et oui. Effectivement, l'infecté, c'est directement les corps, quoi. C'est ça? Toi, tu veux du zombie en gonzo. Comment ça? Bah, non, justement, lui, il préfère l'angoisse. Ah oui. Moi, je veux du gore gonzo, là. Oh! Joli! Ouais, joli, j'aime bien moi. Pas mal. Donc du coup on sait jamais qui est qui fait quoi, qui fait. Non mais je dis qu'en gros ma théorie est bancale. Mais il y a quand même une propension plus forte merci à l'angoisse dans les zombies qui marchent. Et vous non, vous n'avez pas du tout. Moi je suis assez d'accord finalement. Parce que regarde, imagine simplement même ton truc du hors cadre. Le zombie qui marche, qui est en horde, c'est une épée de Damoclès où tu te dis, ok, je suis tranquille, mais je peux me faire encercler sans le savoir en faisant tomber une poubelle. Et ils arrivent. Alors que le zombie, même infecté, même s'il est hors cadre, il est là en deux secondes. Alors que ouais, mais non, justement. Bah écoute, moi mon ressenti, puisqu'on est parfaitement la subjectivité dans la mauvaise foi, moi si je vois une horde de zombies qui marche à 2 cm à l'heure de loin, je me dis, ok, je me grille une clope. Je me fais un sandwich, oui, mais j'allume un feu, je me tape une queue, et après, je me retourne, non, et je commence oui, à marcher. Que c'est, parce que toi, t'as un bon cardio, mais regarde, coup, regarde la gueule de Stavro. Non, mais juste, voilà, c'est un problème de gros. Donc voilà, super, les zombies de Romero, ça fait peur non, au monde. Non, mais c'est vrai, il a raison. Non, mais justement, tu te dis, oh, je suis tranquille, je m'en, et du coup, et t'avances, et en fait, il y a une autre horde de l'autre côté, et tu peux te faire encercler. Mais non, mais c'est pas ça qu'on ressent quand on regarde. Alors que quand on est là, putain, si jamais il y en a un qui est dans un putain de buisson, et qui sort, qui te court comme ça après, t'es dans la merde. Mais en mais fait, tu sais pas s'il est là. D'ailleurs, c'est l'angoisse. D'ailleurs, juste... Du coup, c'est un jumpscare. Juste... Du coup, c'est l'angoisse non, parce que... du jumpscare qui est futur. C'est un petit peu intéressant dans le sens où cette angoisse, elle est fabriquée dans les films de zombies. Si on prend Romero, par le fait que c'est en général des huis clos où les mecs sont dans une maison et les zombies arrivent de tous les côtés. Et tu sais que tu peux pas bouger, mais ils arrivent. Et en gros, tu vas préparer le c'est fait vrai. Qu'ils arrivent. Et chez Romero, okay, ils sont très très lents dans le premier film. Mais c'est le huis clos qui est important. Ouais, mais oui, mais bah, pense à la scène de Resident Evil 4 dans la cabane. Oui. Voilà, où t'es encerclé. Non, mais je comprends, mais je trouve que du coup, le huis clos est un élément super important. Ok, bah c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. En fait, d'une certaine manière, c'est une différence de paradigme esthétique. C'est est-ce que tu ce qui est plus angoissant, est-ce qui est le plus flippant, c'est effectivement la lenteur, le côté que ça arrive inexorable. Derrière. Inexorable. Non, mais que c'est plutôt. Enfin, plus qu'inexorable, c'est le côté. Oui, mais c'est vrai, c'est genre ça va arriver de toute manière, mais tu peux pas le contrer, mais tu peux rien faire. Comme mais la chose que tu peux faire, c'est survivre le plus longtemps possible. Ou est-ce qu'au contraire, ce qui te fait le plus flipper, c'est le côté ça peut surgir à n'importe quel moment. Et je trouve que le ça peut surgir à n'importe quel moment. Comme le chien. C'est plus typique. Non, mais c'est plus typique de n'importe quel film d'horreur en fait. N'importe voilà, quel film d'horreur fonctionne sur le fait que à n'importe quel moment dans le miroir peut apparaître une tête de petite fille qui fait ah, ça te fait flipper. Et le zombie dans ce cas-là, il est, tu vois, il est moins typique. Et exactement. Il a pas compris. Faux. Ouais. C'est le, pas faux. Le truc du zombie, c'est vraiment le côté lent et angoissant et en effet qui. Mais là, vous partez sur le truc que les zombies. Mort-vivant marche et que les infectés courent. Il y a une question de vitesse et de lenteur, mais soyons spinozistes sur ce point. Non, si raconte. Je pense que on dit juste, on s'en fout que ça soit un zombie infecté. On a dit que ça, d'accord. Danger. Juste, il court ou il marche, voilà. Okay. D'accord. Et du coup, JD l'a très bien dit. Le zombie qui marche est plus zombifique que le zombie qui court est plus classique. C'est un ressort de l'horreur qui pourrait être, ça pourrait être un tueur en série. Ouais. Ce serait pareil. Ok. Dans ce cas-là, je suis pas contre. Alors Steven qui a commencé cette petite partie en disant alors, non, Stavro, l'enculé qui ne comprend rien. Ah non, tu me casses les couilles. Je t'explique pourquoi j'étais contre ta théorie. C'est parce que toi, tu référais ça à une dichotomie mort-vivant infecté. Oui, mais je me suis ravisé. Oui, voilà, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément pertinente. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Mais tu peux pas dire j'accepte toute ta théorie à partir du moment où tu réfutes le point. Même où je te contredis. Donc voilà. Heureusement que j'ai envie de dire en béquille. Hein. Je m'inscris en faux. Heureusement que je mets ma béquille dans J2. Ouais. Oh, on l'a pas entendu. On n'a pas entendu, oui, que t'as dit tant qu'elle est pas dans mon père. Le père de JD était. C'est vrai que mais c'est une blague qu'on avait pas fait dans le podcast alors que. Tout le long avant qu'on enregistre la fucking kermesse, Zaza était là comme ton père, JD. Ouais, comme ton vrai. Père. Il a même pas dit pendant qu'on enregistre. J'aime bien quand quoi. Tu me fais passer pour un mec drôle. C'est génial. Oh, qu'est-ce qu'on se marre. Du coup, oui, je contredisais juste ton point, la différence entre mort-vivant et infecté sur l'angoisse horreur. Par contre, la distinction mort-vivant-infecté, je pense que ça amène des problématiques esthétiques. Ou esthétique différente sur le fait qu'il y en a un qui est plus versé dans la magie et l'autre plus versé dans la science-fiction. Par contre, JD, faut que tu parles dans ton micro, sinon ça va être casse-couille. Pardon, excuse-moi. Oui, le zombie apporte tout de suite des enfin peut-être pas tout de suite, mais il apporte des questions de magie et de on sait pas trop ce qu'il va faire. Il va rester quoi qu'il arrive. Il est infecté, c'est dans le nom. Il est infecté, il y a un virus. Voilà. Ouais, voilà. Zombie, et donc on du pas coup, il y a un truc qui peut être. C'est pas what's in your head, quoi. Moi je trouve qu'il n'y a pas de magie dans le zombie et je trouve que c'est vraiment ce qui rompt avec la créature type Frankenstein ou type vampire, c'est qu'il n'y a plus de magie, il n'y a plus le côté romantique de l'alchimie, etc. Ouais. Non mais pas tant que ça, c'est-à-dire, une fois qu'ils sont réveillés, c'est que le corps. Justement, s'il y a une différence entre... Comment ce corps s'anime, parce que dans le virus, il y a une explication pseudo-scientifique pour oui, dire voilà. Ils ont leur cerveau, il y a le côté, je sais pas, le lobe frontal proéminent et tout. Les zombies, il n'y a pas ça. Il y a toujours le côté, il y a toujours le côté scientifique. Des Romero, c'est la fameuse problème de satellite, etc., qui fait réveiller les morts. En fait, ça peut être autre chose. Le fait est que, par exemple, l'infecté, je trouve, amène des problématiques scénaristiques qui ne seront pas dans le zombie. Notamment la possibilité de la guérison. Pouvoir guérir des infectés, ça existe assez peu en fait avec pouvoir guérir des zombies. C'est vrai. Ouais. Ça amène pas le même type de problématique. Et tu regardes In the Flesh, pour le coup, c'est des zombies morts-vivants. Quand ils sont guéris, ils sont toujours pas guéris. Ils restent morts-vivants. Juste, ils ont les facultés intellectuelles. Mais au niveau scénaristique, il y a toujours. Et notamment, je crois que le scénario de World War Z, c'est à peu près ça. C'est Brad Pitt qui est tout seul avec sa bite et son couteau et il cherche un remède. I Am Legend, à la fin il trouve un vaccin. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, l'infecté amène tout de suite ce genre de problématique scénaristique que le zombie n'amène pas. Le zombie, on va être plus dans la question de comment on va survivre à ça et en gros, ils sont toujours là. Parce que quoi qu'il arrive, le zombie, c'est l'apocalypse finalement. C'est la fin de la civilisation. On en a même pas parlé. Et oui, c'est parce que c'est la troisième partie. Alors que l'infecté, c'est toujours un truc qui paraît réversible. Il y a une conséquence 28 jours scientifique et avec une suite d'événements logiques qui peut être réversée qui est réversible alors que c'est pas le cas du zombie là. Mais c'est vrai que même dans Romero la cause dans Night of the Living Dead c'est la radiation et pourtant le slogan du film c'est quand il n'y en a plus passe en enfer il vient sur terre. Il voilà, y a une thématique religieuse et même 20 jours plus tard qui est pourtant vachement scientifique la première scène enfin le premier rencontre des zombies c'est un prêtre dans une église et il y a écrit 20 jours plus tard ouais 20 jours plus tard c'est pas dans un hôpital Bah, il se réveille dans l'hôpital, mais il croise pas de zombies, il croise personne. Et il va dans l'église et il voit le charnier de corps et le prêtre qui arrive en défonçant la porte. Et il y a écrit sur le mur The end is extremely fucking nigh. Donc la fin, l'apocalypse est carrément proche. Putain de proche. Mais tu vois, le fait, et je pense que ça c'est plus de la critique sociale, donc ça viendra plus tard, mais le fait qu'il se réveille dans un hôpital, c'est assez significatif. Le fait, c'est une question de maladie et de virus. Il se réveille dans un hôpital. Moi je pense que c'est juste une façon scénaristique de dire qu'il était dans le coma. Ouais, mais t'es tout de suite dans un cadre avec un mec qui se réveille du coma, qui est dans un hôpital désaffecté, où. Et le premier truc qu'il rencontre, c'est une grande pandémie, quoi. C'est une grande maladie. Ouais, mais là, on partait sur un truc et tu pars sur autre chose. Le côté religieux inhérent aux zombies, qu'il n'y a pas du tout dans l'affecté. Ah, mais c'est pas forcément un côté surnaturel, le côté religieux. C'est plus un côté de l'apocalypse symbolique. Arrive, il y a oui, des gens. Mais... Oui, voilà, c'est le côté symbolique. Mais c'est le côté réversible, je pense, qui est super important. C'est à partir du moment où tu vis dans un monde post-apocalypse zombie, quoi. Genre, il y a eu un événement, c'est pas forcément magique. Est foutu, tu c'est vois. Tout le problématique de Walking Dead. Comment reconstruire l'humanité alors que le monde sera plus jamais comme avant? Voilà. Et même dans Walking Dead, c'est assez intéressant. Parce que vu que c'est mi-zombie, mi-infecté, à un moment dans la saison 3 ou 4, il y a un perso qui dit moi j'ai un virus, je sais comment on fait pour contrer le virus. Mais même dans la fin de la saison 1, c'est pas ça? En fin de saison 1, ils trouvent un bunker où ils apprennent que c'est un virus en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, il y a un personnage où on retourne en saison 3 ou 4. Il dit moi, il faut qu'on m'emmène à Washington, c'est super important parce que je sais comment on sauve tout le monde et il y a un virus. Et au bout d'une saison où ils essaient d'y aller, il fait non, mais en fait, j'ai menti, c'était juste pour qu'on me sauve. Et finalement, du coup, à partir de là, ils disent bon, bah maintenant, on est foutu, il n'y a plus de façon et il faut qu'on reconstruise l'humanité en post-zombie. En baisant. En baisant. Mais du coup, c'est vrai que l'infecté amène cette problématique. Et on parlait du jeu The Last of Us. Le but explicite du jeu, c'est d'amener cette petite fille qui est immunisée, elle, contre le virus du zombie, dans un centre où on va pouvoir faire un vaccin. Alors qu'avec le zombie mort-vivant un peu magique, il n'y a pas de possibilité de vaccin. Quoi qu'il arrive, tu vas mourir, donc tu vas renaître. Et c'est ce qui ne fait que retarder l'inéluctable. Et c'est peut-être ce qui différencie l'angoisse de l'horreur. Et justement, le côté effectivement inéluctable. Inéductable, ce que tu inéluctable. Dis, c'est inéluctable. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le zombie, il y a le côté, on peut rien y faire. La mort, c'est notre lot à tous et on finira tous zombies. Et c'est même pour ça qu'il y a un plus côté religieux dans le zombie, c'est que justement, c'est inéluctable. C'est on l'a. Tous zombies, même toi. Et oui, il y a un côté apocalypse parce que justement, on a péché, Dieu nous punit, il y a les zombies, c'est mort. Alors que l'infecté, tu peux pas dire c'est l'apocalypse. Parce que et surtout, on va plutôt tous une mourir. Qu'on peut, et donc... qu'on peut changer. Exactement. Okay. C'est beau ce qu'on vient de dire. C'est beau ce qu'on vient de dire. On vient de bien exploiter comment est représenté le zombie. C'est beau ce que ça a dit. Et je pense que là, on commence doucement à glisser vers la troisième partie. Enfin, à la partie où on va rassembler tout ce qu'on aurait dû dire et qu'on n'a pas dit, ce qu'on dira plus tard. Voilà. Mais bien sûr, avant cette troisième partie qui va sûrement être très grosse, qui sera un peu comme la FK50 où il y aura tous les sujets du monde, on va pouvoir joyeusement glisser, comme si on glissait sur une flaque de sang zombie, vers Alifion Glissé. Voilà, Ali Finkielkraut, le grand retour. Transition. Merci beaucoup. C'est à toi, Ali. Aujourd'hui, Ali se livre complètement, il nous montre sa face cachée en nous dévoilant enfin et en ouvrant grand les portes de son intimité, même de son foyer, en nous dévoilant un petit dialogue avec sa femme. Parce qu'il en a marre, Ali, il veut qu'on montre son côté humain. Ali, c'est à vous. Ma petite Sylvia, ma chérie, ma tendre, 40 ans de mariage, ça use, hein ? Et je dois dire, 40 ans d'amour, de la sagesse, de la morale, de la justice, ça use aussi, hein ? Ah, tais-toi, passe-moi le sel, laisse-moi parler. Oui, ferme-la. Oui, j'en peux plus, je suis à bout, mes nerfs lâchent. Serait-ce le début de ma transformation en immortel? Vais-je enfin être payé de tout le sang que j'ai pompé, de toutes les couleuvres que j'ai fait avaler, de tout le bois bandé que j'ai bouffé? Oh là là. Est-ce que je dois passer chez mon franc dentiste, me faire reluire les canines avant le dîner de demain chez les Arnaud? Est-ce que monsieur Souza, notre franc-maçon, a fini de construire mon cercueil de marbre? Ah, je suis là. Tu sais... Il y a quelque chose de pourri au royaume de France, quelque chose de putride qui rôde devant le seuil, une sorte de kryptonite bizarre qu'on peut humer place de la République en même temps que de la Clio et qui a tendance à faire chuter drastiquement mon taux de midi-chlorien. Oui, je les ai vus de mes yeux vus, Ses corps décharnés, ses chairs flasques remplies de kebab sauce Biggie. Ses ectoplasmes de la liberté d'expression rampante, infectés du processus pseudo-démocratique. Et ils ont pas très, ils ont pas l'air très Charles Ingalls. Hein. Ça serait plutôt la grosse barre HLM dans la forêt de béton. Hein. Et coup de latte dans la gueule, si tu vois ce que je veux dire. Pas plus de cervelle qu'une vieille amibe. Et ils veulent diriger le monde à notre place. Non mais c'est bien hein, que cette bande de youtubeurs dégénérés cybercollés à leur méga-computer daignent enfin sortir leurs doigts connectés de leur deep cul, qu'ils affichent du Che Guevara sur leur fond d'écran et qu'ils périscopent leur lancée de bouteilles sur les forces de l'ordre, c'est bien. Hein. Ah, c'est certain, le Babylon System doit trembler hein, sous les grognements de cette bande de babtous fragiles tout droit sortis du Technival des petits lutins. Ah non mais ils font avancer le débat, hein. Comité de la sodo, comité de la saucisse CGT, comité sans gluten, ça avance. Ils sont mignons à agiter leurs mains en l'air pour se mettre d'accord sur le format officiel du hot dog syndical. D'ailleurs le verdict est tombé, moutarde ketchup, hein, pour rappeler les couleurs du drapeau. Ah ça pour faire tourner les serviettes avec des dés de force ouvrière, il y a du monde. Hein. Pour s'entrefister après le marché bio en devisant sur la taille des concombres, il y a du monde. Et pour organiser un nouvel ordre mondial, il y a du boulot encore. Hein. Va falloir étendre les partout idéologiques à d'autres sphères hein, que celle de la bobo IT branchouille néo-fascisante. Va falloir montrer son réseau. Hein. Organiser des réunions de Tupperware, apprendre à trader le forex. Suffit pas d'être un dieu de la derbouka et de se faire des soins capillaires à la chure de yak. Il faut porter de votre projet, les petits loups. Quoi. Comment qu'on a fait, nous, en 68 ben, on a partousé avant et on a discuté après. Ben ouais, ça se forge un groupe, quoi. Je veux dire, quand tu vois Ariel, ben, pas la sirène, le squelette, hein, la meuf de Bernard Henry, se faire tringler sur un hexagramme par les 8 fils adoptifs de Serge Dassault sur un fond de TDUM dans la Sainte-Chapelle privée de Martin Bouygues, ça frappe les esprits. Hein, je veux dire, ça te soude une loge comme il faut. Hein. Faut pas être bégueule sur la mise en scène. Hein. Ah, ma petite Sylvia, tu te souviens du fameux coup de pin de François Pinault? Ah, il m'en a fait un paquet d'OPA sur ton cul, lui. Ah, chut, ne parle pas, ferme ta gueule. Et les after brainstorming coke avec Enthoven et Moax, hein, si c'est pas du monopole de la parole publique, ça, ben ouais, faut voir les choses en grand, tu vois. Tu vois. En tout cas, c'est pas avec Nekfeuge, des battles de rap contendant, du Vlad le Vampire et de la programmation neuro-linguistique pluguée dans les oreilles que ces petits zombies vont faire avancer les choses. Hein. D'ailleurs, à part ça, plus rien n'agite leurs neurones. Pas même le pchit qu'on leur met dans la pomme, m'a confié un agent de la BAC. Très taquin. Ah mais Sylvia, mon amour, ma chérie, il me tarde de me retirer dans ma tour d'ivoire, loin de ces hordes qui exaltent si nonchalamment leur finitude. Les vrais morts vivants, c'est nous, hein. Allez, viens, ferme les volets en même temps que tu fermes ta gueule. Barricade la porte, parce que dans la rue et sur la place de la République, comme le disait Socrate ou Dieudo, juste au-dessus, c'est le soleil. Allez, Finkel, out. Oh, ah, un beau retour d'Haïti. Ça nous avait manqué. Magnifique. Les morts vivants face aux zombies, c'est beau. C'est beau. Un beau dilemme. C'est donc ça la France aujourd'hui. Ah putain. Ah, c'est vrai. Alors maintenant, de quoi on va parler cette semaine? Alors, on a vu dans le deuxième axe que les zombies étaient représentés notamment comme des hordes de sous-hommes, on va dire, qu'on avait plaisir à tuer. Ce qui est intéressant, c'est que le film... rappelle quelque chose. Le deuxième film de Romero, qui s'appelle Dawn of the Dead, donc le crépuscule des morts. L'aube des morts. Non, Dawn, c'est crépuscule, non? Bon, peu importe, vous regardez sur YouTube. Les zombies en français. Le président de la commission de contrôle des films en France a interdit le film avec pour prétexte que le moment des... Parce que dans Dawn of the Dead, ça se passe dans un centre commercial et il y a des bikers qui... Ah ouais, c'est ouais, génial ça. Des billards quoi. Qui percutent... Qui rentrent dans le centre commercial et qui tuent les zombies. Et le commissaire a dit, bah ça c'est un petit peu nazi. Parce que oui. Ça appelle, en gros, c'est des gros bikers qui tuent des sous-hommes. Et ça me rappelle un truc en 45. Et ça me fait moyen plaisir. Donc du coup, on va interdire le film. Donc on a vu que on avait un plaisir esthétique à tuer des zombies, mais le problème c'est sur qu'est-ce que c'est la part d'humain qu'il garde en fait. Qu'est-ce que ça dit symboliquement? Surtout, qu'est-ce que ça représente le zombie? Parce que les défenseurs de Romero ont dit pas du tout. la critique sociale, elle n'est pas du fait qu'il y a des sous-hommes et qu'il faut les tuer. Elle est du fait que les zombies représentent les consommateurs. Voilà. Et, donc et c'est, voilà. La question, c'est quand même la part d'humain qu'ils gardent. Parce que quelle fonction ça a, ça dépend de à quel niveau tu les considères comme humains ou comme sous-humains. Mais là, tu es déjà dans le turfu, en fait. De la... Moi, je faisais juste une transition. Et toi, tu l'explicites. Et ce qui est bien dans le film, c'est que le mec, plutôt que de buter le zombie, en avance sur mon le héros. Le héros Black, etc. Quand, alors là, on n'est plus du tout. Si, on est dans, enfin, on est dans Dawn of the Dead. Ouais, ok. D'ailleurs, dans le supermarché. Il est pas gitan. C'est pas un Romero. Héros Rome, c'est beau. Non, ça. Mais ce qui est cool, c'est qu'il préfère buter le biker plutôt que le zombie. Ouais. Mais alors mais qu'il est lui-même assiégé par des zombies, c'est quand même assez significatif. Ouais. Mais c'est pour ça que les défenseurs de Romero ont dit pas du tout, c'est pas du tout nazi et c'est pas le plaisir de buter des sous-hommes qui est représenté dans le film. C'est la critique de la société de consommation. C'est pour ça qu'on va s'intéresser maintenant à ce que représente le zombie, à quoi il sert en gros dans les films. On a vu comment on le représentait, mais à quoi il sert en fait? Quel est le symbole du zombie? Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle signification? Voilà, allez, on se lance. Et en gros, on va parler en très très gros de critique sociale, et ça c'est présent déjà chez Romero. Romero cherche toujours. Le mec est pas super fin. La transition est finie, hein, Steven. Non, mais oui, c'est fini, mais je suis déjà dans. Mais on fait pas une petite pause pour le jingle, tout ça, non? Mais elle est déjà faite en fait. Ok, ça marche. Alors oui, dis-moi tout. Romero. Il est pas super malin, mais tu mets quand même pour Romero de la critique sociale dans tous ses films. Ses grandes cibles. Qu'est-ce qui se passe, Jules? Je ne sais pas. C'est du PNL. Dans tous ces films, il y a. Tiens, tu m'as buté avec PNL. Je sais plus ce que je voulais dire. Il y a de la critique et les grandes cibles, c'est la société de consommation et le racisme. Notamment le tout premier film La Nuit des Morts Vivants et le héros en fait c'est un acteur noir qui se fait buter par la police parce que c'est un zombie. Film est bien. Ceci dit, c'est quand même assez fort parce que Romero a avoué qu'il a pris l'acteur non pas parce qu'il était noir mais parce que c'est le meilleur qu'il avait trouvé. Ouais. Et donc du coup ça change, l'histoire change en fait la donne puisque il y a une symbolique un peu antiraciste etc qui est donnée à la fin du film alors que c'était pas du tout dans le synopsis. Mais c'est fou, ouais, mais c'est, je pense que c'est intensifié après par Romero qui dit c'est tellement antiraciste que j'ai pas voulu faire Romero, un film antiraciste. Ouais, tu vois. Romero dans ses interviews il dit justement que il a pas forcément cette intention là derrière et qu'il aime bien faire en sorte que les gens se fassent leurs propres idées, qu'il aime pas. J'avais une citation, j'aime avoir les personnages, des personnages et des aspects de l'histoire qui disent des choses sur la société, mais je déteste imposer et je préfère laisser ces idées parler d'elles-mêmes et laisser les spectateurs. Mais à mon avis, il faut différencier trois choses, ce que veut faire Romero, ce qu'il dit qu'il fait et ce qu'il fait réellement. Et ce qu'on croit qu'il fait. Et là. C'est le paradoxe de la communication. Hein. Et là, c'est compliqué. Mais en gros, ces films représentent toujours une grosse critique de la société. Ouais. Même s'il dit, moi je dis rien, le fait est qu'il y a toujours d'énormes critiques, que ce soit. Quand il a commencé à faire du fun footage avec les Chroniques des Morts Vivants, ouais, il y avait. C'est bien de la merde d'ailleurs. C'est de la merde. Exact. Mais il y a une volonté de critique quand même de la on l'appelait Diary of the Dead et non pas Diary of the Dead. Diary, le caca. Il y a quand même une volonté de critique de la médiatisation et compagnie qu'on retrouve beaucoup chez les zombies. Simple, du coup tu regardes Romero Nuit des Morts Vivants, il y a la critique raciste à la fin qui sonne encore plus aujourd'hui après Ferguson, hein, où t'as les bons gros flics texans qui nettoient la ville et qui veulent, attends, lui il bouge encore, bute-le, et en fait c'est un noir, c'est craignos. Et moi, ça sonne encore plus chaud aujourd'hui. Black Lives Matter. Et dans Dawn of the Dead, le deuxième, les zombies sont dans un centre commercial et poussent des caddies. Voilà. C'est assez grossier à chaque fois, mais ça marche quand même. Ça marche quand même. Et du coup, oui, on peut dire, vu que c'est fait par Romero dès le début, que la critique sociale, elle est carrément genre inhérente aux zombies en fait en tant que figure. Et même le zombie vaudou, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'esclavage. Ouais, c'est ça. Ouais, mais elle est inhérente dans les origines du zombie actuel avec la relance de Romero, mais elle est un peu diluée aussi dans les années 2000, on sent moins la fonction critique sociale politique dans les films de zombies, c'est quand même moins évident. Enfin, tu peux donner des exemples en fait Non, mais je sais pas, dans des films comme le remake de Dawn of the Dead, c'est pas parce que ça se passe dans un supermarché que d'office ça en fait une critique sociale. Et là, on voit beaucoup moins des scènes qui insistent sur la société de consommation, sur les zombies qui ont les mêmes habitudes qu'ils avaient de leur vivant, qui poussent leur caddie. Non, là c'est juste un prétexte au défouloir en fait qu'on a maintenant. La raison est simple, il y a Romero d'un côté, Snyder de l'autre. Et Zack Snyder, c'est un tâcheron, du coup, il sait pas. On est d'accord. Il met juste des grosses armes et des tronçonneuses, quoi. On est d'accord. Mais du coup, je trouve que cette fonction de critique sociale, de critique politique, elle revient avec l'apparition de ce qu'on disait tout à l'heure, l'apparition du post-zombie, où là, on a une critique qui est plus basée sur la figure du zombie, mais plus sur les survivants qui l'entourent, mais qui a eu une disparition, en fait, dans l'explosion du zombie de cette critique-là. Clairement, avec tout le filon commercial que ça représentait, et que le fait que le zombie était une égérie du cinéma bis et du cinéma d'exploitation, forcément, le côté un peu symbolique ou critique s'est perdu au fur et à mesure qu'on voulait juste faire des films gore. Et c'est vrai qu'il faut attendre un certain moment et une réflexion sur le genre et du recul pour que ça revienne. Effectivement. Et ça revient. Bah, on peut parler de Fido. Ça s'en va et ça revient. Mais c'est quoi exactement la critique? C'est comme la queue du chien. Fido, la queue du chien, d'accord. Non, ça s'en va, ça revient. C'est comme la queue du chien. C'est connu. Quoi, c'est... Je sais pas du tout. Bon, passons. Mais non, mais en fait, on a. C'est quoi tes trucs zoophiles, on a dit qu'il y avait. C'est extrêmement gênant. On a dit qu'il y avait une critique sociale comme, qui était inhérente aux zombies. Mais et qu'est-ce que c'est exactement? Enfin. En quoi on a dit effectivement que le zombie c'était la masse, etc. Et qu'on comprend assez facilement que la critique sociale du zombie, c'est la critique finalement de tous les phénomènes de masse. Mais précisément chez Romero, j'ai l'impression que déjà, c'est la critique de masse, mais du capitalisme. Et je pense que, par exemple, quand on distingue le zombie des autres types de monstres, et de morts-vivants, mais de monstres en général qui ont émaillé l'histoire, parce que par exemple, dans les années 70, dans les années 50 jusqu'aux années 70, le monstre dont on parle pas maintenant parce que c'est pas tout de suite un mort-vivant, mais l'alien par exemple, ouais. Qui est plutôt une figure du monstre hérité de la guerre froide, c'est-à-dire Roswell, etc., la créature, le conflit entre les Américains et les Russes, et du coup l'autre qui peut arriver et nous coloniser. Il a aussi une fonction. La critique de l'alien, la critique qui est sous-jacente derrière l'alien, c'est la critique de l'étranger et la critique aussi du communisme. Mais je pense que je pense que le zombie il critique implicitement de l'intérieur la société de consommation capitaliste libérale. Ouais. C'est vrai que c'est assez important que ça arrive en 68. C'est vrai que voilà, tous les monstres ont à mon avis portent une critique sociale. J'avais développé ça un peu, je me suis fait foutre de ma gueule dans la FK 11, mais je pense que par exemple Dracula critique une certaine aristocratie. Oui. C'est un lien au sang et à la terre, alors que la créature de Frankenstein critique plutôt un rapport à la science et À la société industrielle. Le zombie, sa spécificité, je pense, comme tu le dis, c'est la critique de la culture de masse et du capitalisme. Et en effet, tu disais ça, c'est pas un hasard sans doute si Romero fait son film en 68. Mais pourquoi? Ah non, mais c'est certain. Alors pourquoi en 68? C'est intéressant en fait d'avoir une critique de la société capitaliste, c'est une contestation justement de l'ordre établi. Pré-érotique. Qui peut, du coup, avec cette idée d'apocalypse, qui peut valser en fait du jour au lendemain, tous les codes de la société peuvent être annihilés, être détruits, et du coup tu vis dans un monde post-capitaliste, post-sociétal en fait. Et c'est vrai que en gros les valeurs qui ont été, en très très large, mais les valeurs qui ont été portées par 68, c'est une culture de la différenciation où il faut se séparer de cette masse qui est dans laquelle on ne se constitue pas, mais par laquelle on est constitué directement par l'industrie. Oui. Et qui revient en 2001. Enfin, moi, je lisais des extraits parce que j'avais pas réussi à avoir le vrai bouquin parce qu'il est protégé, mais sur Google Scholar, j'ai réussi à trouver des extraits. Je sais pas si ça vous parle de American Zombie Gothic. Vous avez pu regarder un peu? Pas du tout. Non. Ok, c'est un bouquin d'un professeur d'université qui s'appelle William Bishop. Et qui expliquait que du coup cette contestation de 68 était revenue en 2001 avec l'idée justement du terrorisme, de l'islam un peu rampant qui venait pour convertir les gens avec un mode de culture étranger qui allait en masse convertir toutes les personnes qui étaient dans notre société capitaliste occidentale actuelle, quoi. Et donc c'était intéressant, c'est reprise de cette même thématique de l'autre étranger qui vient pour nous imposer un mode de vie, pour menacer notre mais mode de vie. C'est deux trucs différents parce que 68 et l'idée de se différencier par rapport à la masse, c'est l'individualisme triomphant. Et c'est pour ça que le zombie plaît autant. C'est l'idée je pense. De conserver son individualité face à un facteur exogène qui vient de convertir. Okay, ça reste cohérent. Okay, ouais, mais c'est vrai, je pense que ta lecture est cohérente, mais ce que tu as pensé, Stavro, c'est que en 68, chez Romero, on essaie de se différencier d'une masse à l'intérieur de notre culture, tandis qu'après 2001, on essaie de conserver notre culture, conserver notre culture face à une masse externe. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que tu différencies clairement ça en prenant deux plans assez iconiques que tout le monde, enfin, autour de la table a dû voir. Je pense que tu bats le plan de la Horde. Alors, tout le monde on n'aime pas ce film ici, à part moi. Mais le plan le plus connu sur la voiture où le mec tire dans les zombies, c'est voilà, le mec il est au-dessus de la masse tout seul contre une horde de zombies. Mmh. C'est voilà, 68, le mec il est tout seul, il doit sortir de la masse. Le film de Dahan, c'est ça? Ouais, de Yannick Dahan et Benjamin Rocher, un film français sur le zombie. Et donc, le plan le plus connu qui est dans le trailer et sur l'affiche, c'est un mec sur une voiture qui tue, qui face à une horde de zombies. C'est voilà, 68, il est seul face au monde. Et t'as le trailer de World War Z où tu vois une masse qui s'empile contre le mur de l'alimentation comme s'ils voulaient. Ça, ça fait penser aux réfugiés en fait. Ouais, c'est ça. Mmh. Ils veulent passer. Et c'est vraiment deux trucs vachement différents. Et le deuxième est vachement plus glauque et glaçant, à mon avis. C'est la masse est devenue moi face au monde et la masse qui veut rentrer. Du coup, c'est ce que tu disais aussi, quoi. Et c'est pour ça que je pense que Manuel Valls, c'est pas un peu le Gandalf de l'Europe, du coup. Vous ne passerez pas. C'est un peu un survivant zombie. C'est le nécromancien de l'Europe. Ce que je trouve de paradoxal dans cette lecture en fait, du zombie par rapport à la masse, c'est que, en même temps, effectivement, c'est une critique du fait qu'on est tous zombies par la société de consommation, etc. Donc on est tous victimes de ce côté. En fait, on n'est pas individualisé et on subit des codes, etc., de la société. Et en même temps, il y a le fait du survivant face à cette masse, et ben c'est aussi d'une certaine manière de dire la réponse du capitalisme, c'est d'être individualiste. Ouais. C'est-à-dire il y a un côté et c'est peut-être ce que montre par exemple les films de Romero, c'est que on survit jamais aussi bien que quand en fait on reconstitue un groupe et qu'on reforme une société qui va contre Mais je trouve que plutôt d'être individuel. Justement, chez Romero et toute la vague, on va dire Romero, on constitue des groupes avec des individus très forts. Chaque individu est assez spécialisé contre la masse de zombies, tandis que après 2001, on constitue des groupes qui sont des groupes culturels. Notamment, le groupe de la famille est super important. Après. Bah, tu mates Walking Dead, tout l'enjeu de Walking Dead, c'est il y a une masse de zombies et on finit par faire, là dans la saison 6, ils sont dans une ville carrément qui est à eux et qui essaie de reconstruire avec des bases démocratiques, etc. Qui sera le leader, est-ce qu'il faut voter, est-ce qu'il faut pas voter, etc. Ouais, on reconstitue en fait notre société dans un monde de zombies, alors qu'avant, chez Romero, on reconstitue des sociétés avec des micro-sociétés avec des individus très forts. Donc en fait, la figure du zombie dans son rôle politique est en fait assez différente dans ces deux paradigmes, parce que d'un côté on a l'autre, il est interne à notre culture et c'est juste qu'il faut se différencier, et d'un autre côté l'autre il est externe et donc il faut le battre en fait. Mais le fait que ça devienne, si tu veux, que le zombie soit un symbole de la masse de manière générique, ça permet en fait toutes les interprétations. Qu'est-ce que tu fais face à cette masse? Parce que cette masse peut être autant la masse capitaliste libérale que autant la masse communiste, que autant la masse des étrangers qui arrivent. C'est-à-dire que le zombie devient une figure en fait simplement de la masse. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que tu peux faire tu peux faire juste n'importe quoi autour de ça. Ouais, non, c'est vrai. Mais il y a des différences structurelles qui font que le zombie est utilisé différemment, en fait. Tu vois, chez Romero, c'est vraiment la critique de la consommation. Après, dans des trucs comme... Parce que chose qui est entre les deux, et on compare les deux paradigmes, c'est le 11 septembre, simplement, entre les deux. Il y a le 11 septembre, et à mon avis, le fait de la distinction mort-vivant contre infecté joue aussi... dans le fait que l'infecté apporte des problématiques plus contemporaines avec une peur du biologique, etc. Et là il sert, notamment dans 28 jours plus tard ou dans 28 semaines plus tard, il sert de critique, même pour aussi de notre société. Pourquoi on parle du contexte social et de la critique sociale interne aux zombies? C'est que je pense que tous les monstres dans l'histoire en général de la littérature et de la culture occidentale, en tout cas, ont joué un rôle toujours qui était de comment elle met à distance en même temps nos peurs et en même temps nous les rend plus accessibles et du coup nous permet la critique. Parce qu'elle les incarne exactement. Et ça, on peut le trouver dès les histoires de loups-garous qu'on trouve au Moyen-Âge ou dans les contes, etc. C'est-à-dire que il y a toujours un rôle social du monstre. Ouais. Et je pense que effectivement, on a dit que le rôle du zombie c'était la masse. Et c'est quand même Lorenzo. Un truc. Mais on l'a déjà fait presque en fait. Parce Allez. Que tout ce que le, les peurs que le zombie incarne. Pas presque en fait. Le côté différencier la masse. Après le 11 septembre, c'est la masse extérieure. C'est, en fait, on a expliqué sans le dire pourquoi le zombie plaisait autant. Parce qu'il y avait un. Il correspondait. Et là, attention, attention, sortez les cotillons, je vais dire un mot en allemand. Il correspond au Zeitgeist de l'époque, simplement. Ah, qu'est-ce que ça veut dire le Zeitgeist? L'esprit du temps, le Zeit est comme le temps, le Geist est comme l'esprit. Exactement. Allez, semble germanophobe, on germanophobe. Alors, je crois qu'il est totalement germanophile. Il a très très peur. Germanophone. C'est vrai que si l'allemand. Germanophone. Si l'allemand revient, ça a peur, c'est ça que je veux dire. Bah oui, parce que du coup, je sers plus à rien. Non, mais ce que tu veux dire, c'est que dans la deuxième partie, on a vu des conditions plus immédiates du fait que ça nous plaise, mais il y a des conditions structurantes au niveau culturel. Qui font qu'on est attiré par le zombie, ouais. Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les trucs. C'est, à propos d'attirance pour le zombie. C'est la fin qu'on avait sur la FK 11, sur Dracula et Frankenstein. On disait ils nous plaisent plus vraiment parce que c'est des individus, c'est des créatures un peu romantiques. Ça correspond plus des masses à ce qui nous plaît aujourd'hui. À l'esprit du temps. Bah, alors que l'esprit du temps, il est plus dans la masse. Et même les vampires, c'est ça qui est intéressant. Même les vampires aujourd'hui, quand ils sont représentés, c'est plus Dracula tout seul dans son château qui va sodomiser. C'est plus la figure romantique. Qui va sodomiser des pucelles, c'est plutôt des vampires au pluriel avec, je sais pas, des. Son badass! Le vampire plaît. Le vampire est aussi, c'est l'infection pourtant, mais c'est une infection intime, c'est genre une maladie vénérienne en fait. Donc ça fait. Non mais c'est vrai, le vampire correspond vachement à une MST. Ouais, c'est vrai. Tu baises. Mais l'infecté aussi, je sais qu'il y a une scène qui te déplaît énormément dans 28 jours plus tard. Oui. La scène de la. Du corbeau. Ouais, alors en gros, il y a un corbeau qui vient de bouffer un zombie, il y a une goutte de sang qui tombe dans la bouche du corbeau. Juste dans l'œil d'un des mecs. Qui vient dans l'œil. Et je pense que c'est vraiment intéressant, et pourquoi l'infection nous attire énormément aujourd'hui, c'est qu'on a, on a grandi dans la peur du sida et des merdes comme ça, avec des infections sanguines qui sont toujours plus ou moins là. Et l'infecté nous plaît aussi parce qu'il incarne cette peur. Avec un risque qu'on maîtrise pas en fait. Ouais, voilà, ouais. Le risque de juste de la. On pourrait mettre des capotes géantes pour protéger des zombies. C'est ça. S'enrouler dans des capotes. Putain, mort... t'as un scénar de film japonais là. Non mais en gros, on a peur. Et pourquoi les zombies c'est des humains et ils nous intéressent en tant qu'ils sont humains et infectés, c'est que comme les séropositifs, c'est des relations avec des tu peux baiser des semblables. Avec des gens qui l'ont déjà. c'est des relations avec des semblables qui nous font peur parce que peut-être ils sont porteurs de quelque chose qui va nous affecter quoi. Et oui, je sais, j'ai fait un rapport entre les zombies et les séropositifs. Ouais. Là, j'aimerais juste amener une réflexion, je sais pas si ça peut ça sera pertinent, mais le fait est que on a parlé effectivement du pourquoi ça nous parle parce que c'est critique. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi un deuxième aspect qu'on voit pas, c'est que c'est pas seulement parce que c'est critique, on aime aussi le zombie pour lui-même. Il y a un côté, effectivement, aujourd'hui, la marche des zombies, le truc, on peut se demander, est-ce que les gens qui participent à la marche des zombies, ils veulent critiquer quelque chose, ou est-ce qu'il y a juste un truc fun, le côté zombie non, mais nous attire. Ils veulent rien critiquer du tout. Eh ben, exactement, la dichotomie qu'on a fait entre la deuxième et la troisième partie, il y a des aspects immédiats qui nous plaisent. Le côté masse, le côté gore nous plaisent mais immédiatement quand... et on peut l'identifier comme mais quand aujourd'hui plaisir. Les gens revendiquent être des zombies, c'est-à-dire genre commencent à dire voilà on fait une marche des morts-vivants, on s'habille parce que c'est aussi tout un art du costume, mais c'est voilà, cosplay. Il y a quelques années le plaisir de se déguiser, c'était pas se déguiser dans une masse de gens qui vont marcher dans la rue, c'était d'avoir un individuel ouais c'était se déguiser en Dracula ou en la momie et tout, mais ça justement c'est vrai, ouais mais ça, avec la marche des zombies par exemple, ça c'est un phénomène vachement circonscrit, c'est un truc la zombie walk, c'est assez rare. La question que ça pose, c'est est-ce que les héros survivants des zombies, est-ce qu'ils sont pas pires que les zombies qu'ils décapitent à longueur de et ça pose la question vraiment de savoir si est-ce qu'au bout du compte la critique en fait elle s'est pas, le capitalisme n'a pas subverti la critique elle-même, la critique du capitalisme lui-même pour finalement s'intégrer, tu vois. Et moi, je pense que n'aime pas In the Flesh, c'est quand même gênant parce qu'il y a un personnage qui défend énormément cette thèse, c'est le personnage d'Alex qui considère que le zombie c'est la phase post-humain, que c'est l'être supérieur par rapport aux humains. Et oui, que, mais ça c'est intéressant, mais je l'ai pas vu jusqu'au bout, c'est pour ça. Bah, tu devrais, parce que du coup c'est assez intéressant. D'accord. À ce niveau-là. Mais du coup, c'est une vraie question que je poserais, c'est que est-ce que le zombie comme mythe populaire en fait il prouve la vitalité de la critique, ou est-ce qu'au contraire la société elle s'est servie du mythe du zombie pour mieux asservir le consommateur lui-même. Et du coup, derrière les formes du cosplay, etc., bah, finalement, s'exprime le capitalisme incarné lui-même. Après... Et je veux dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un schéma du zombie qui est le schéma de la récupération? Oui, moi, ma grande thèse, c'est ça, ce soir. Il hein y a une récupération aussi... J'ai pas compris, moi. Il y a une récupération aussi dans le fait que... certes, les zombies... On s'en branle. Certes, les zombies ont des conditions dans lesquelles ils nous plaisent à partir de 68. Et ça nous plaît structurellement. Mais aujourd'hui, ces films-là qui ont bercé notre enfance et notre culture de l'horreur et de l'angoisse, ils sont récupérés complètement par des théories même politiques. Je vais faire encore référence à la FK11 où Frankenstein avait été récupéré politiquement pour critiquer des modèles sociaux, et le zombie est aussi récupéré politiquement. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde tous les trucs sur les réfugiés, le grand remplacement, si tu regardes dans toutes les vidéos de l'Action française et compagnie, tous les trucs sur le grand remplacement, en fait, les images, elles sont très très proche des films de Romero et compagnie. Clairement, c'est déshumanisé, c'est une masse informe. Ouais, c'est ça. Tu les vois derrière les grillages qui sont là, ah, laissez-nous rentrer, tu vois, ok. Voilà, ouais, c'est en gros, pour caricaturer, leur vidéo, c'est des Noirs et des Arabes qui sont complètement. Qui n'ont aucune individualité, ouais, et voilà, qui viennent juste pour pomper notre pognon. C'est la vague, c'est tout ce qu'ils viennent faire. Et je pense qu'il y a, un double jeu qui fait que structurellement, le zombie nous plaît, mais aussi le zombie a instauré quelque chose en fait dans la culture. Qu'est-ce que vous racontez, les gars? Ça a l'air marrant, vous pouvez partager? On a déjà partagé dans les micros. Ah, super. On partage trop. Du coup, vous n'écoutez pas. Qu'est-ce qui se passe? On parle de la parle diarrhée. Allez, Zassa, il est parti, il en a marre. On parle des Syriens, du coup. Ah oui, on parle des Syriens? Bah, toi, oui. Non, je disais que, en gros, le film de zombies a instauré des codes de l'étranger qui aujourd'hui sont récupérés politiquement. Ça, oui, c'est sûr. Bah, c'est ce que j'ai dit il y a déjà 10 minutes entre le World War Z avec tu l'as mal dit. En dehors de la symbolique de la masse dont on parlait, je pense que la symbolique qui est aussi importante, c'est le fait que les zombies, en fait, quand ils tuent, ils récupèrent. C'est-à-dire que quand tu meurs par un zombie, tu deviens toi-même un zombie. Et je pense qu'en fait, le schéma capitaliste par excellence, c'est le schéma de la récupération. C'est-à-dire que toi, tu critiques la société et tu penses la critiquer, genre type Romero, tu vois, genre ok, nous on critique les zombies, etc. Mais en fait, on fait exactement ce que le capitalisme lui-même est capable de récupérer en disant, par exemple, typiquement, tu regardes le Loft ou tu regardes les anges de la télé-réalité, tu vois, genre comme tous les gamins de 16 ans le font, et ben ils le regardent en disant, tous les gens qui regardent ça, c'est des merdes, mais je regarde quand même pour critiquer les gens qui les regardent. Ouais, mais alors, ça, c'est le pas parler de Dead Set d'ailleurs. Et ça, c'est Marcus, dans les 70. Enfin, tu répètes ce que dit Marcus en fait. Bah oui, d'une certaine manière, mais je pense que le zombie, il est significatif de ça. C'est-à-dire c'est un que... mec qui dit... Non, c'est un Marcus, c'est un mec qui dit en gros que le capitalisme, il digère même ses critiques pour les rendre. Mais c'est vrai, dans la pub. Ouais, la c'est pub, vrai. La pub est critique de la pub. Et pourquoi on est. Par exemple, le fait de. Marcus. Non, mais le fait que, en gros, mai 68, politiquement, ça a débouché avant tout sur acheter les Nike les plus chers possibles pour se démarquer des autres. En fait, oui, ça intervient dans ce que tu dis. C'est vrai que le zombie, il marche énormément là-dedans. C'est assez intéressant. Voilà. Zassa en a complètement marre. Oui. On a plus rien à foutre. Zassa veut partir en Tunisie. Je crois que Zassa veut qu'on parle de porno zombie. Oui. Il me semble. Le sexe. Ça existe, le porno zombie? Ah, je crois que tu vas nous en parler. Tu vas nous en dire un mot. Du coup, on ferait une petite règle 34, c'est ça? Je crois que oui. S'il vous plaît. Bah, si c'est demandé par Zassa qui veut se casser, allons-y. T'as même quand on n'a pas bu, on en a marre à la fin quand même. Ça. Moi, j'en ai pas marre, mais c'est Zassa qui nous casse les couilles. Votez compétition pour qui? Et l'Éternel dit à Moïse: Moïse, j'ai oublié de te dicter la règle 34. Pour tout ce qui existera dans le monde réel, tu créeras un équivalent pornographique sur l'Internet 2.0. La règle 34. Règle 34. Alors, du coup, on va parler de porno zombie puisque c'est pour ça qu'on est là, tous les trucs de critique sociale. C'était une introduction à ça. Mai 68, tout. Alors, on a dit pourquoi le zombie s'appelait. Le zombie s'appelait aussi parce qu'il a une bite. Et ouais. C'est la une différence zombie, avec le squelette et le fantôme. Zombie. Une zombie bite. Le mec qui casse les blagues. Alors, le mec qui veut toujours en rajouter plus. Une zombie bibite. Mes amis, nous vivons dans une société aux normes sexuelles encore trop strictes. cisgenre et hétérocentré, notre monde ne laisse que peu de place aux sexualités différentes. Ce n'est pas Steven et sa mallette de SM qui vont me contredire, hein. Ni JD qui, dans une vieille FK, nous avait avoué son penchant pour les méchants de Disney. Et je ne parle même pas de Zaza. Non, j'en parle pas parce que y a des choses même trop sales pour moi. Voilà, je le dis, c'est comme ça. Sans pour autant aller jusque dans ces extrêmes, la société a du mal à reconnaître la sexualité différente du dogme vendu dans toutes les supérettes. Et dans ce tourbillon de passion, cet ouragan qui passait sur nous et qui a tout emporté, les zombies sexuels sont encore trop souvent stigmatisés. Mais alors, t'es plus attiré par les morts ou les vivants? Ça peut pas être les deux? Eh bien si! La zombie-sexualité existe, mesdames et messieurs. Les bien-pensants, hein? On peut aimer les morts-vivants. Eh oui, les morts et les vivants. Et c'est pour vous le prouver ce soir que je me suis aventuré dans les cimetières 2.0 à la recherche de porno-zombies. C'est un genre qui peut paraître obscur. Et pourtant, il y a de quoi plaire à tout le monde, hein, quand je m'en vais vous le prouver. Il y a quelques films porno zombies connus, comme Porn of the Dead, sorti en 2005. Ouais, et classique. Il est assez bien produit, hein. Petit filtre pour faire une image dégueulasse à la Fulci, intro qui met dans l'ambiance zombie, et bim, deep throat d'une zombie femelle sur le docteur qui l'examine, jusqu'à la faciale, suivi du traditionnel plan où le docteur se fait manger la bite, le tout sur fond de brutal death metal. On y la est base. On y est. Je vois Romero qui applaudit là-bas au fond, Danny Boyle qui réserve déjà le nom, 28 comme shot plus tard. Petite parenthèse, hein, le saviez-vous? 28 comme shot plus tard, le nom japonais de la pause déjeuner. La salle est en délire, le zombie revit et la pop culture grandit tel le sexe de ce scientifique dans la bouche de cette morte ô combien vivante. C'est beau, si beau, jusqu'au moment où le maquillage coule, hein, comme toujours. C'est toujours pareil dans les règles 34, c'est vrai. Le fantasme disparaît toujours en même temps que le maquillage. Pourtant, je vous ai dit que le film était bien produit, et oui, tout le reste, tout le reste de la production est beaucoup plus cheap. Beaucoup d'autres petites vidéos remplies de métal et de maquillage raté, à croire que le porno zombie c'est un peu les backstage du Hellfest. Et pas beaucoup d'idées. C'est une autre récurrence avec le 34. J'ai toujours beaucoup plus d'imagination que les gens qui font du porno. À part sur un truc, j'avoue. Ah, j'ai été battu. J'ai arpenté quelques sites en y trouvant qu'un butin bien plus maigre que Christine. Mais à un moment, les gars, j'ai vu ce que je crois être une parodie de Resident Evil, normal, et j'ai repris espoir. Vous connaissez Resident Evil, bien sûr. Hein. Dans Resident Evil, il y a le Nemesis qui nous a fait peur dans Resident Evil 3 et qui nous a fait un peu rire dans Resident Evil 2 au cinéma. Eh bien, mesdames et messieurs, ils l'ont fait. Avec du papier mâché, certes, mais ils l'ont fait. Et voir un grand bonhomme en papier mâché lever les bras en criant pendant qu'on le suce dans une cuisine, c'est vraiment pour ça que je suis devenu podcasteur. On aurait dit Halloween à Arras. Une mère un peu trop fière de son fils. Ou tout simplement une kermesse qui tourne mal. C'était incroyable. Alors j'aurais aimé voir plus d'audace, voilà, comme je vous le dis, plus de sexe où on exploite un peu les caractéristiques du zombie. Pourquoi ne pas arracher les bras d'un zombie pour le fistfucker avec? Personne n'y a pensé et ça, les bras m'en tombent. Voilà. Oh, pourquoi ne même pas aller plus loin dans le démembrement afin de créer quelque chose de nouveau? Qui n'a jamais rêvé de baiser un Picasso? La zombie sexualité a en elle de quoi attirer tous les publics. Elle offre des possibilités si vastes. C'est un genre si malléable, autant que ces corps où nous aimons, autant que ces corps putréfiés dans lesquels on aime à se vider quand vient la nuit. Mais toujours avant l'été, sinon ça gonfle et après ça pue. Les zombies ont du mordant et on ne demande qu'à être aimé. Alors laissez-vous mordre pour que dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans, elle court, la maladie d'amour. Bravo! Ah, c'est magnifique. Ah, la règle 34 nous avait manqué, décidément. Oui, c'est important qu'elle revienne, je pense. C'est vrai. Important qu'elle revienne. Mais du coup, le porno zombie, je sais pas si c'est une critique sociale à faire du porno zombie. Alors, peut-être. Le porno zombie, quand même, il y a pas mal de. J'ai pas trouvé de matière. C'est la digestion ultime de la pop culture. La pop culture. La pop culture. Mais à partir du moment où t'en fais un porno, c'est vraiment que ça a été digéré dans tous ses aspects. Quoi. Tu peux suffisamment le prendre en dérision. La règle 34 dit que pour tout ce qui existe dans le monde réel, il existe un équivalent pornographique sur Internet à un certain stade. Et le zombie ne déroge pas la règle. Alors, quelques films pour compléter votre collection. Porn of the Dead, que j'ai cité. Voilà. Night of the Giving Head. Oh, pas mal. The Repenetrator. Ça, ça serait pas un super métier pour toi, Stavro? Trouveur de noms de films porno. Ouais, c'est vrai. J'adorerais. J'ai aussi The Stink of the Flesh, Dong of the Dead, ou pour ceux qui aimeraient le porno zombie homosexuel, Otto or the... Attends, pardon. Up with that people. Up with that people, exactement. Un film porno zombie gay. Ouais, donc il y a une grosse grosse vague en fait de porno zombie. Et moi j'avais regardé un film que j'ai pas cité, Dawn of the Dead. Je l'ai pas trouvé. Alors Dawn of the... C'est vous que Dawn, on n'en laisse pas une miette hein, d'ailleurs. Oh non, Dawn of the Dead c'est assez particulier parce que Romero, tu sais, invente un truc de satellite qui tombe. Dawn of the Dead, il se casse moi le cul. La meuf. Ah bah ça dépend. Se... enfin, ça se discute. Il casse son cul. Il se casse plus le cul. la meuf va se tripoter sur la tombe de son petit ami décédé. Et sa cyprine fait réveiller les morts. Ouais, ça c'est bon. Et après, elle se fait prendre par des mecs. C'est une femme fontaine de jouvence. Après, il y a d'autres meufs. Il y a des meufs zombies. Il n'y a plus aucun sens. Et il y a du maquillage qui coule aussi. C'est ah, vrai mais je l'avais vu ça aussi. Je me souviens. Mais oui, tu l'as vu. Mais oui, c'était bien. Ouais, c'était bien. J'aurais pas dit ça. Qui se branle là-dessus parce que ouais, c'est la vraie question. Tu en t'es fait. Pas branlé une seule fois dans ta recherche. Bah non, attends. Oh le silence. Le oh silence. Le silence assourdissant de Stavro Guide. C'est horrible. La réponse est oh, non. C'est malsain. La réponse est non. Non, pas sur du porno zombie. Pas sur du porno zombie. Sur quoi? Bah voilà, on regarde des seins, on regarde des fesses, on fait bon, et je suis allé voir une autre vidéo. Ah donc ça t'a titillé. Ça a... Ouais bah oui. Donc je suis pas branlé là-dessus. C'est non mais tu finalement ça a réveillé en toi des choses d'entre les mains. Est-ce que devant le final de la saison de l'épisode 1 de la saison 6 de Game of Thrones tu t'es branlé? C'est ça la question. Non. Bah non, Gollum qui se branle. Bon, bah c'est bon, maintenant on va pas savoir sur quoi Stavros se branle. Tout ce sera une fucking kermesse. C'est un bon sujet de FK. Du coup. Ah bah là, oui. L'émission de 6h30 complètement malsaine. Oui, si c'est sur la base de Stavros, ça durera plutôt 2 minutes que 6h30. Mais... Oh bah ta mère vous a pas branlé, parce qu'elle était pas assez bonne. Oui, non, pardon. Oui, bon. Oh, oui. Yeah. Donc, merci pour cette règle 34. Ça me fait plaisir. On va se quitter, mais avant ça, qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est ce qu'on attend tous après la règle 34. La vie Patrick. La vie Patrick. Patrick. La vie Patrick. La vie Patrick. La vie Patrick. La vie Patoche. La vie Patrick. Allez, Asa, on t'écoute. Que veut faire Patrick cette semaine? Cette semaine, Patrick veut être fonctionnaire. Mais Patrick est passé par un certain cheminement avant d'arriver à cette idée. Et c'est cette épopée que je vais tenter. Parle dans son micro, s'il te plaît. L'Iliade. À la recherche de conseils sur la localisation de son futur tatouage de la tête de Ribéry entouré de flammes. Non, sérieux, sur le pec, ça fait tarlose. Une bonne âme t'a conseillé, Patrick, de te diriger vers un endroit merveilleux, susceptible de t'aider dans ta quête, où la sagesse et le savoir transmis par les éminences grises de ce monde coulent à flot. J'ai nommé la place de la République et ses nuits debout. Oh putain. Afin de te renseigner avec la deuxième meilleure source d'information qui soit, après la sagesse populaire, tu es bien entendu allé faire un tour sur la page Wikipédia de Nuit debout. Quelle ne fut pas ta surprise quand tu y vis que le mouvement est décrit, et ceci est véridique, comme un ensemble de criminels de droit commun qui, sous le couvert de manifestations régulières, quotidiennes dans certaines villes, se déroulant sur les places publiques, organisent le pillage, le vol et la dégradation de commerces et équipements de proximité. C'est la page Wikipédia, c'est la page Wikipédia de Nuit debout à la date d'aujourd'hui. C'est un scandale. Donc ce discours reprenant quasiment au mot près, comme tu l'as remarqué Patrick, le communiqué de presse de Minute sur l'immigration syrienne. Du coup, Patoche, tu as voulu voir de tes propres yeux ce qu'il en était. Et quelle ne fut pas ta surprise ? Loin de l'image sanguinaire qu'on t'avait dépeint, tu découvris une bande de roots et de syndicalistes parlant à tort et à travers sans aucune supervision, disant tout et son contraire, certains jouant au bola, d'autres racontant leur pause-déj à un public, la pine en berne et l'œil morne, mais tous animés par cette passion pour la masturbation de groupe qui t'a immédiatement séduit. Les yeux pleins d'étoiles, tu as appelé Jean-Pascal, ton responsable au DIA, pour lui dire que c'était fini. Son poste de le poste de CDI touche pipi n'existant pas, sauf pour le clergé, mais nous en parlerons une autre fois, t'es rabattu sur le choix le plus proche, à savoir fonctionnaire de l'État. Ah, les délices de la fonction publique, Patrick. Royaume des chaînes de mails spéciales, photos de chats. Parce que non, attends, c'est rigolo quand même, il porte un chapeau, t'as pas vu? Ces compteurs formidables qui te régaleront les oreilles pendant le déjeuner de l'inénarrable Philippe et son épopée au Saint-Maclou d'Ivry-sur-Seine pour acheter une moquette en poil d'alpaca couleur truite saumonée. Mais plus truite quand même, ça va mieux avec le canapé. Ah, sacré filou, enculé. N'oublions pas les débats féroces sur des sujets aussi tendancieux que la police d'écriture utilisée dans les mémos. Calibri, putain ! Sans sérif, ça fait pas sérieux ! Mais attention, la fonction publique n'est pas une sinécure par bien des aspects. lorsque tu réfléchiras au moment où placer tes 5 semaines de congés payés, arraché à la sueur de ton front et tes 10 jours de RTT, tu comprendras la véritable douleur du dilemme qui s'imposera à toi. Vacances scolaires, hors saison, caler sa petite semaine pépouse avec Johnny du club de boules au camping de la Baule, ou faire comme Jean-Christian et partir à la recherche du terroir en Sologne, goûter l'authentique terrine de foie de Marcassin. Ne t'en fais pas, Patoche. Des réunions d'équipe hebdomadaires seront organisées pour traiter spécifiquement de ce sujet avec Michel DRH et Jean-Loup de la Comta. Et pour finir, Patrick, si ta passion, c'est la masturbation qui t'avait poussé à rejoindre la nuit debout, tu verras que pour se branler, c'est quand même plus sympa de le faire de jour et assis. Ça fatigue moins. Magnifique. Bravo. Bravo. Beaucoup d'expériences personnelles dans cette chronique. Oui, on sent tout le sum de ta vie professionnelle. Ça, est fonctionnel, on peut le dire. Oui, c'est vrai. On l'a dit. On le redit. Il ne faut plus le dire. Il faut que j'oublie. Mais on sera tous fonctionnaires ici, de toute façon, à terme. À terme lointain pour certains. On va se passer par pour JD. Oh ouais. Le mec n'a pas du tout rigolé. Bon, on espère vous avoir offert quelques pistes de réflexion sur les zombies. On espère s'être racheté après cette après 18, la 18. Un peu raté, on peut le dire. Exactement. Les prochaines FK, qu'est-ce que c'est les prochaines FK? ZFK, c'est quoi? C'est le survivalisme. Alors on espère, parce que ça fait un an, Siegfried, si tu m'écoutes, on travaille ensemble. Oh, Captain, my Captain. Tous les jours, on travaille ensemble. Tous les jours, tu me dis, bah, on organise ça quand tu veux. Et on l'organise jamais. Hein, voilà. Donc peut-être un jour, peut-être pas un jour, peut-être un jour. Bien sûr, n'hésite pas à venir me voir au cybercafé avec plaisir. Offrez-moi des trucs. Je suis là tous les soirs. Venez vous branler. Tous les soirs. Venez vous branler. Au cybercafé. Ah. Non, je n'ai pas. C'est une activité commune au cybercafé. Non. Les gens regardent du porno mais ne se branlent pas. Oh, dommage. Bref. Et après, est-ce qu'on on fera peut-être un truc pour les 2 ans si on arrive à avoir des invités. On y travaille, on espère. Faire une sorte de. Parce que la FK à 2 ans, bon, tout le monde s'en fout. Mets-leur la pression. Bah non, on n'a pas encore proposé, c'est pas réglo. Oui, on n'a pas. Voilà. Du coup, j'aimerais faire un méga quiz géant. Mais, du coup, c'est maintenant que je dis ça, les gens sont peut-être un peu plus. Oui, c'est vrai que ton dernier quiz ne présage rien de bon. Moi, je veux bien l'animer avec toi, le quiz. Ah, mais de toute façon, on l'animera tous les trois. Oui, moi, peut-être pas. On l'animera tous les deux. Ça me va. Bref, on va voir ça. On espère vous retrouver bientôt. On espère que Steven fera le montage assez vite, hein, bien sûr. On verra. Non, bah, ce serait bien qu'il n'escape par moi. Il y aura une FK par mois, mais la dernière a été diffusée il y a pas trop longtemps. En avril, donc là on est au mois de mai, il faut la FK du mois. Et bah elle sera là le 9 mai. Oh, attends. Oh, ça c'est une date précise. Si vous écoutez ce podcast, le 9... Steven ne sait pas à quoi, mais il s'engage. Il s'engage. Si ce podcast, il s'engage pas des masses, parce que si jamais il n'y arrive pas, il coupera cette partie au montage. Je faisais référence à l'engagement de Stavro. Ah oui, il s'engage. Ah oui. Ouais, trop des vieilles blagues. Voilà. On vous dit J2, merci d'être venu parmi nous. Bah, merci de m'avoir invité. Bah oui, c'est toujours bien de te revoir parmi nous. Ça fait plaisir. Bah ouais. Il y avait un trou et tu l'as bouché. Comme moi avec ton. Ouais. Avec ton père, c'est ça. Avec ton père. Allez, on vous fait des bisous. Pas de chanson pour finir parce qu'on vous baise. Et à bientôt. On vous baise. On vous baise, jusqu'à Brest. Et ben voilà, vous avez quand même une chanson. Ça s'appelle le Paris-Brest. Allez, merci, à la prochaine. Salut. Salut. Ciao.